ce soir. La bête. Non. Est de retour. Avec un con comme moi, on s'amuse avec un con comme toi, on se fait chier. Hommage à l'alcoolique. En de bon entendeur, salut. Le plus célèbre. Ah, bon Dieu, la peau, Tony, d'accord ? De la bande FM. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco ! Sur Campus Paris. Gérard de Surer. Avec. Rigo. Anka. Monsieur Mazur. Mégane. Tony Arlette. Et Golgo. Celui qui a de la musique derrière, arrête. En de bon entendeur, salut. Les débats. Pas de radio et... d'insultes de Gérard. Bonsoir à tous, bienvenue sur Campus Paris en cette heure très tardive. Vous en avez rêvé, Campus Paris l'a fait. Un hommage exclusif à Gérard de Surenne. Il y a beaucoup de monde. Campus Paris, j'ai jamais vu une radio comme ça, jamais. Ça va être compliqué. Beaucoup de monde autour de moi. On est ensemble jusqu'à 3 heures au moins. C'est on va pas vite pouvoir déborder. Le petit Martini représente. Toi-même, tu sais, c'est à côté de la radio. Ça va être très dur. On va essayer de présenter un peu. On va essayer de présenter un peu l'émission. Ça fait même pas 2 minutes. Moi, je sais pas comment tu vas te. Hommage. Pourquoi un hommage à Gérard de Surenne? Bah d'abord parce que GG est mort, pour ceux qui le savent pas, l'année dernière, et là je fous un gros froid, à l'âge de 44 ans, d'un cancer des poumons. Ça fera un an le 10 mai prochain, donc dans 3 semaines. Et un hommage aussi parce que c'est la première fois, étonnamment, ça n'a pas été fait ni sur Fun, la radio qu'il a accueilli pendant très longtemps, ni ailleurs d'ailleurs. Et donc pour resituer un petit peu, recentrer le débat un petit peu, on va juste dire que pour ceux qui connaissent pas, que GG, c'était un auditeur lambda au fond du trou quand il découvre Fun Radio il y a plus d'une dizaine d'années, notamment Lovin Fun et Max. Il se met alors à appeler pour réciter ses poèmes dans une cabine téléphonique devenue mythique. Je tiens à dire que c'est écrit. Je tiens à dire quand même. Il est sa feuille. On rappelle que GG était un enfant de la DAS, qu'il a arrêté l'école en CM2, qu'il a eu une fille, Roselyne, qu'il était routier et qu'il a eu un grave accident en roulant sur une plaque de verglas. Merci Arnold. C'est à ce moment-là qu'il appelle Fun. Pour réciter ses poèmes. Et je vous propose d'en écouter tout de suite. Hein. Pas encore. Mais... Attention, il y a un conducteur quand même. Pas encore. Il faut respecter. Attends, c'est chiadé. Hein. Pas encore. Alors. Et GG, il devient tellement mythique vis-à-vis des auditeurs que. Le coup de la vague. Que Max... tu vois plus rien. Que Max décide de l'inviter dans les studios pour lui proposer ensuite une émission qui s'appelle Les débats de Gérard. Et j'ai un peu toute l'équipe presque autour de moi. Mes feuilles. La grippe aviaire. Alors, je tiens à dire que la grippe aviaire, c'est de la merde. On s'est foutu de notre gueule avec la grippe aviaire. On va pas le faire croire que 3 flics. C'est un bordel sans nom. Non, excusez-moi. Laissez-le terminer. Le mec a bossé pendant. Le mec a bossé 2 jours. Et tu dois tout ruiner en 3 minutes. Il faut le dire, ça. En 3 minutes, regarde. Est-ce que je peux vous présenter au moins? Oui. Alors, à ma droite, il était l'un des animateurs vedettes de Fun dans les années 90. C'est moi. Il a participé. C'est moi. Que de la star. De manière récurrente au débat de GG sous les pseudos de Dev Superstar, Grosse Caisse, Salvator, Trevor Jones et surtout Monsieur Mazur. C'est cela. Il s'agit bien sûr d'Arnold. Arnold! Merci. T'as bercé mon enfance! Plus fort. C'est fort ce que t'as fait, Arnold. C'est fort. Je suis d'accord. Je le mérite en plus. C'était l'un des piliers de la Dream Tease, le standardiste mythique des débats qui faisait toujours du boulot de merde. C'est Manu! Manu! Oh ouais, ça vaut. T'as bercé mon enfance! T'es trop fort, Manu! Merci, les gars. Lui faisait toujours du bon boulot sur l'URC en annonçant à Gérard les questions des internautes et le Bonsoir. Nombre de connectés, le tout pour calmer le débat. C'est Rigo. Merci Rigo. Rigo. Merci. T'as bercé ma toxicomanie. Derrière mon ami. Avec Apolline, c'est sans doute la standardiste qui a le plus énervé GG, notamment en roulant des patins à son mec dans les studios et en jetant son soutif sur le moustachu. C'est Anka. Anka. C'est la doyenne des habituels des débats. La seule fille à s'être vraiment imposée dans ce monde de brut grâce à son humour au vitriol. Il s'agit de Mégane. Yes. Mégane. C'est l'ennemi juré de Gérard, celui qui devait le plus trafiquer sa voix parce que Gégé le reconnaissait facilement. C'est un sniper hors pair, le Laurent Baffy des débats, Tony. Attention, il a une voix d'homme. Mégane mouillait dès qu'elle l'entendait. C'était la force tranquille des débats, le roi des vannes bien senti, Goldo. Goldo, trop fort. Moi aussi tu m'as fait mouiller. Oh bah oui. Enfin, le plus dingue, le plus speed, le roi des... Quel âge en a déjà? Il y a un conducteur là. 38, là, pas 38 ans, il y a un conducteur. C'est lui le doyen. Enfin, le plus dingue, donc le roi des pouces, la pile électrique des débats, Wok et Arnett. Ouais, putain. Mais attendez, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un là. Non. Eh oui, Fildar. Fildar n'est pas là. Fildar n'est pas là, et ben il va nous expliquer pourquoi il est pas là d'ailleurs, Fildar. Putain, c'est chéri ça. Sachez bien que j'aurais aimé être parmi vous, mais malheureusement je dois être la radio, en l'occurrence RTL2, à Tarbes, car nous avons une émission, je ne sais pas, d'ici 3-4 heures en direct d'un bar qui s'appelle le Rex Café. Voilà, j'en précise à l'heure avec Alexandre Devoise. Donc, je propose de couper ses propos. Réaction d'Arnold. Ce mec. Je l'ai sorti du ruisseau et regarde comment il pisse dedans. Mais c'est honteux. Oui, je suis le meilleur pote d'Alexandre Devoise, je peux pas être là. Mais vas-y, quel suce-téton celui-ci. Salaud. J'ai honte de lui. Une réaction d'autres personnes autour de cette table sur l'absence de Fildar? Non. C'est une Tony. C'est une merde. Voilà. Je pense que Arnold a assez craché déjà. Voilà. Et maintenant, je vais vomir. Allez, vas-y. Il n'y a plus personne. C'est vrai. Bon, on va parler, on va revenir au début, donc au tout début de Gérard, donc dans la cabine. Tout d'abord, autour de cette table, est-ce que quelqu'un se souvient de son premier souvenir, le premier souvenir de Gérard? Est-ce que quelqu'un a une... Le tout premier souvenir, Mégane. Allez, Mégane. Le premier souvenir, c'était bonsoir, Gérard Mégane. Dans la bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, t'as taillé ? Est-ce que tu décharges à la main ? Je décharge à la main. Toi, t'as une tête à décharger à la main. Mon premier souvenir, Gérard dans la cabine, et je trouvais que Gérard prenait vachement d'importance dans l'émission, donc j'ai arrêté d'écouter. Jusqu'à quelques mois plus tard, où je suis tombée par hasard sur un débat, j'ai appelé en disant mais c'est pas possible de laisser parler un con pareil à la radio. Et puis on m'a laissé hors antenne, j'ai écouté, ça m'a fait rire, et voilà. Après, on a enquillé pendant 7 ans. D'autres, Tony, réaction Alors moi, la première fois que je l'ai connu, c'était sur Tatou. C'est une façon comme une autre. Et il m'a semblé très marrant, très rigolo. Je dirais pas qu'il est con, parce qu'il est un peu beau, il a l'image de la France. Et je voudrais revenir à la grippe aviaire. Je tiens à dire que la grippe aviaire est une honte. On a fait peur à la France en disant que des poulets étaient malades. C'est faux. Jamais trois flics bourrés au Ricard ne pourront retenir un canard défoncé. Surtout c'est si faux, vous permettez d'aller plus loin. Et peut-être c'est un canard piqué au chikungunya. Voilà. Ah oui, on a parce que c'est vrai. Le scandale, il est. C'est on en a un. C'est vrai. Arnold, toi, ton premier souvenir, toi qui étais à la radio. Je m'en rappelle plus, t'as vu mon âge. Attends, je vous dis, attends, Gérard, premier. Je crois qu'il participait à tes émissions, la nuit de l'audit des auditeurs notamment. Je sais plus. Moi, j'ai le premier souvenir. Merci. Ouais, bah, non, je confirme. C'est Goldo attaché de presse. Le premier souvenir de lui que j'ai, c'est lorsque je l'ai vu la première fois. Ça pue, pourquoi? Oui, tu l'as vu. Je l'ai vu par le nez d'abord. Tu sais que c'est très bien ce que tu dis. Parce qu'on va écouter Fildar, son premier souvenir de GG. Ah non, on n'avait pas dit qu'on s'en foutait. Non, mais il est pas là. Attends, on s'en fout. À bas le conducteur, on passe à autre chose. Je vais en profiter. Je propose de voter. Votons. Qui est pour l'intervention de Fildar? Levez la main. Attendez, je me suis cassé le cul. J'étais à RTL2 ce midi pour faire l'interview. Si c'est pas possible de passer l'extrait, je vais en profiter pour saluer mon ami Noir qui fait la réalisation ce soir. On peut l'applaudir aussi. Bravo. Et à Pancho et Berserk. Pancho et Berserk de MrCousin.net. Berserk qui est sur l'IRC, donc dès qu'il y a des réactions sur l'IRC, bien sûr, tu n'hésites pas à intervenir. Combien on est Berserk sur l'IRC? Ça monte ou pas? 8512, mais ça monte. C'est pas mal. Et tout de suite, Noir, on va couper les micros et on va passer quand même l'extrait de Fildar, s'il te plaît. On va couper les micros. L'odeur. L'odeur direct. Bah ouais, parce que la première chose que tu sens, parce que même si tu le vois pas, tu le sens, hein. Tu peux être à 10 mètres, tu commences déjà à sentir que GG s'approche de toi. Non, sérieusement, c'est sa bouille, quoi, parce que la plupart du temps, au départ, quand je l'écoutais chez Max, il était dans sa cabine, donc c'était un auditeur comme les autres. C'est ça que je voulais dire, en fait. Ton premier souvenir, donc, c'est la cabine. Bah ouais, c'est d'entendre un extraterrestre sur Terre qui appelle d'une cabine et qui fait des poèmes. Non, on va jamais voir. Voilà, la réaction de Fildar. Il fait chaud, Arnold, c'est ça non, que tu dis? Non, du tout. Pas du tout. On est bien. Si Gérard était là, ça serait un massacre. C'est clair. Oh là là. Tu sais que si on fusionne tous nos transpirations, même pas on arrive au stade de Gérard, au niveau de Gérard, au niveau de la puanteur, on pourrait pas. Parce que quand même, faut savoir qu'après, il venait tout le temps avec Sandy quand même. On en parle. Bulldog mystère. Et la double est toujours plus. Ah, Manu, t'as pas entendu? Bonsoir Manu. Le nouveau Manu Rastafari. Tout à fait. Avec son bonnet. Oui, que je vais pas tarder à quitter parce que il fait bon quoi. Manu, Nati Dread et tout, c'est bien pour les dreads. Ouais, ça va mieux s'enrouler comme ça. Non, sérieux. Moi je transpire des couilles, c'est n'importe quoi. Mais ça s'en mêle aussi. Donc GG débarque dans les studios vers quelle année alors? Le début des débats, 96? Faut demander à Manu et Rigo. Je pense que c'est la Renaissance, un truc comme ça. Manu, prends ton micro, Manu, vas-y, n'hésite pas. Je dirais 96 parce que moi je suis arrivé en 97. On s'en fout. Ouais. Et c'est pour me repérer. Ah non, il est chaud le mec. On s'en va. Ouais, j'ai 96. Non, 96, ouais. Eh ben c'est une bonne réponse. Ah, merci beaucoup. J'ai gagné quoi? Il y a un jeu, tu préviens même pas. Ah ouais. Bon, mais toi t'étais pas là donc au tout non. début. Tu non, donnes pas des là. Indices aux auditeurs un peu comme Julien Lepers avant, tu sais. Ça s'inscrit sur votre écran. Sous l'enceinte, ça s'inscrit en général. Donc il débarque et donc toi aussi l'odeur direct. Moi je l'avais d'abord écouté en fait de chez moi dans sa cabine. Hein. Non. Putain. Ah, ça fait peur hein, encore. Hein. Ça fait flipper quoi. T'as l'impression qu'il est derrière. Ah ouais, ça fait bien flipper. Et je sais plus ce que tu me demandais mec. Moi non plus tiens. Non, ta première rencontre. La première rencontre. Première rencontre. Non, t'étais chez toi et t'écoutais dans la cabine. Ouais voilà. Et après première vraie rencontre, les yeux qui piquent. Hein. Moi je faisais de. Mais c'est à cause d'autres choses ça non? C'est pas. Non, ça va, je gère, t'inquiète. En fait, moi, je faisais la nuit après Max, et donc au départ après Gérard, et ouais, effectivement, c'est les yeux qui piquent. Ça, y a pas photo. Donc les poèmes, je vous propose d'en écouter trois pour se rappeler un peu ce que c'était les poèmes de Gérard. Trois à la suite, c'est parti. C'est chaud. Il est arrivé, je crois, à 22h30. Il est rentré dans les studios. Pas du tout, c'est pas ça, mais c'est pas grave. C'est le. Je voudrais dire je t'aime sur une carte orange. Je voudrais te dire je t'aime sur un trèfle. Je voudrais te dire je t'aime sur un compresseur. Je voudrais te dire je t'aime quand ça ne va pas. Je voudrais te dire je t'aime sur un livre. Je voudrais te dire je t'aime sur un cheval. Je voudrais te dire je t'aime sur une cornemuse. Je voudrais te dire je t'aime sur un dalmatien. Je voudrais te dire je t'aime sur un concombre. Je voudrais te dire je t'aime sur un corbeau. Le troisième, amour, mon amour, je voudrais te faire des caresses sur une chouette. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur une cigale. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur un cormoran. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur un nuage. Sur un nuage, Gérard, excuse-moi, c'est quoi un cormoran? Ta gueule. C'est quoi un nuage? Va te faire foutre, toi. Non, mon amour, je voudrais te dire je t'aime. Je voudrais te faire des caresses sur une cigogne. Mon amour, je voudrais te faire des caresses dans l'espace. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur un chevreuil. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur une chicorée. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur un chouka. Mon amour, je voudrais te faire des caresses sur un chromosome. Le dernier, il s'intitule Poulette. Ma poulette, donne-moi ton amour sur, donne-moi ton cœur sur un Minitel. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur une platine. Ça, je pense, en parlant de platine, c'est au Gigi. Au Gigi. Et ça, faut dire quand même. Donc, ma poulette, donne-moi ton cœur sur un briquet. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur une carotte. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur un fax. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur un radis. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur un volcan. Pardon. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur une assiette. Ma poulette, donne-moi ton cœur sur un livre. Et ma poulette, donne-moi ton cœur quand je te dis grenouille. Voilà, terminé, point final à la ligne. Voilà. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo, super. Bon bâtard. Qu'est-ce qu'on pourrait... Comment on pourrait analyser ces poèmes-là? Franchement, c'est... C'est pas analysable. Allez, pas analysable. Alors, juste, moi, j'aimerais intervenir. Bien sûr, Arnold, puisque, vas-y. Là, on touche à un truc assez artistique, hein, quand même. Bien sûr. Et donc, moi, j'aimerais apporter un peu, n'est-ce pas, une sorte de point de vue un peu culturel. Ah, Monsieur Mazur. N'est-ce pas? Voilà. Mais oui, parce que. Ça tombe quand bien, on ça tombe des, bien. Quand on entend des poèmes de ce genre-là, il y a eu un mouvement très important dans le milieu artistique dans les années qui a démarré dans les années 10-20 qui s'appelait le mouvement Dada. Ouais. Et qui était un mouvement un peu nihiliste qui rejetait plein de trucs et qui eux faisaient des trucs mais comme ça quoi, qui n'avaient vraiment ni queue ni tête comme toi. Putain, je l'avais oublié celle-là. Turpentine represent. Ah ouais, non, ça m'a... tu l'as même pas fait exprès. Je crois que je vais partir chez moi. Pour Allez, il fera plus frais, t'inquiète. Ça va le décalage horaire, ça se passe bien? Non. Arnold revient du Canada, ça, faut le ça, dire. Ça, c'est le truc... Enfin, c'est incroyable parce que ça, c'est un truc qui revient, mais carrément, j'allais dire d'outre-tombe sans faire de mauvais jeu de mots, mais voilà, ouais. C'est aussi une marque de fabrique. Mais c'est vrai que ça. T'as des trucs comme ça qu'on oubliait. Là, on était en train, juste avant, on est allé boire un petit verre et on était en train de se. Ouais, un petit thé, ouais. Voilà, des tisanes pour tout le monde. Et on était en train de se remémorer des trucs et c'est vrai qu'il y a plein de choses dont on a parlé, puis des choses qu'on a complètement oubliées et ça, du moins, c'est d'où ma surprise. Et dans tisane, y a tisane. Ah ouais. Ouais. Et là aussi, ouais. Bon, on va partir. Il y a respect du public quand même. Ouais, respect du public. On est écoutez, Monsieur Mazur, je me permets de vous voyer. Ouais. Oui, on va se rappeler. Mazur, est-ce que tu te souviens de ton répondeur, de votre répondeur, alors, Monsieur Mazur? Ah oui, si c'est ça, je me mets à poil. Vas-y, le conducteur. On va l'écouter alors, le répondeur de Monsieur Mazur. On en reparle après. Ceci noir est prêt, bien sûr. CD 1, track 3. Pour info, je crois qu'on a Guillaume aussi. Guillaume, t'appelles pourquoi? Pas du tout, c'est pas ça du tout, noir. Allons. Non, c'est faux. Attendez. Je me lève et je vais boire. Attendez. Moi, je propose que Manu passe à la réhabilitation. Rigaud va sur ERC. Moi qui ai un compte. Noir, vous êtes prêts? Noir, CD 1, extrait de débat, track 3. Bienvenue sur le répondeur de Monsieur Mazur. Manu, s'il te plaît. Chuchoter le pourtour anal. Appuie sur 1. Appuie sur 1, c'est pas moi, mais merde. Approche le pourtour anal du combiné. C'est moi? Voilà. Ça marche encore. Alors c'est qui? Approche encore un peu plus le pourtour anal du combiné. Bon bah quand celui-là il aura. Je ne vois pas ton pourtour anal. Rapproche-toi. Ça y est. Bon, ça y est, c'est attention. Prends bien ta respiration. Manu, s'il te plaît, tu fais ton boulot correctement et puis d'art, tu arrêtes. Ça démarre. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Hé, quoi? Manu, fils d'art. C'est la dernière fois que je fais des débats. Rapprocher ton pourtour anal du combiné. rapproche ton pourtour anal. Ça y est. J'en sens qu'il y en a qui vont morfler. Attention, c'est parti. Et maintenant, soulève-toi. Tu gères un peu le standard ou pas? Manu, à moi. Hop là, bien soulevé. Non mais attends, on peut plus là. Non mais là c'est même pas la peine qu'on continue. Pour soulever tes testicules. Alors, droite, c'est pas la peine. Appuie sur la touche numéro 6. Non c'est pas la peine. Ben voilà. Donc tu peux. Attention. Tu peux dire au revoir aux auditeurs. On arrête. C'est terminé. Le pourtour anal. C'est terminé. Ouais. C'est terminé. Il y a trop de chute. Il y a une baisse. Non. Dis au revoir. Il faut. Non je dis au revoir. Réponds à ta question. Moi. Non. De la main gauche. Non c'est terminé. Agrippe le concombre. Sur le haut du frigidaire. Non, j'arrête, écoute. Attends, c'est quoi ce bordel là? Non, moi je continue pas de travailler comme ça aujourd'hui. Hein. Non, on arrête, il y a une chute d'audience, moi j'arrête. Hein. Sur la touche. Non, mais là c'est terminé, moi. Bonjour, on prend le débat et on part sur ta question, c'est parti. Non, là c'est terminé, hein. On arrête, c'est tout. Ah, mais je crois qu'il faut que t'appuies sur 6. Raccroche le concombre. Pour réplucher le concombre, appuie sur la touche 48. Bravo, tu as épluché un concombre. Ouais. Bon, bah c'est ça. Tu peux faire. C'est ça, pas les auditeurs. Je coupe les auditeurs. Non, mais c'est fini. Hein. L'audience, c'est la catastrophe. Ça, c'est terminé. Donc, on va dire. C'est de la merde ce soir. On s'excuse. Donc, suceuse, on te dit au revoir. Bah non. On va reprendre maintenant les mecs, vous allez vous mettre le feu. Non, ouais. Mais là, maintenant, tu te débrouilles. Mais essaie de remonter l'audience. Manu, c'est la dernière fois que je te le dis. Noémie, tu me prends des auditeurs tout de suite parce qu'on va mettre un disque et ça va aller vite fait. Non, mais attends. Non, mais moi, tant qu'on n'a pas de. On va dire au revoir à Suceuse, à Muldor et à voilà, le répondeur de Monsieur Mazur. Moi, je m'en rappelais avoir fait un répondeur, mais je ne m'en rappelais plus tellement des. Mais il y a eu tellement de trucs. Mais ouais, il y a eu tellement. Oui, le concombre, etc. Le pourtour anal, un petit peu, mais. Elle est épluchée quand même. Mais il y a eu tellement d'autres trucs, quoi. Que, alors, d'où vient Monsieur Mazur? On a tous envie de le savoir. Monsieur Mazur. Alors, donc, c'est un. C'est, le nom, ça m'est venu comme ça. Ouais, pas très original. D'ailleurs. Voilà, je suis. Tu veux que je te dise vraiment ou pas? Oui, vas-y. Alors, c'était un débat sur les animaux domestiques. Ouais. Et où Max s'était fait appeler Monsieur Bilalian. Ouais. Et après, toi, t'avais enchaîné sur Monsieur Mazur. Mais Mazur est resté. Et Bilalian est sorti. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, le personnage de Monsieur Mazur, c'est comme on en parlait là un peu avant. C'est, voilà, en prenant ce fameux thé. Ouais. C'est un ami de ma mère. C'est quelqu'un qui existe vraiment. C'est pas vrai. Qui a cette voix-là, qui a une voix très grave comme cela, et qui s'exprime pas peut-être, enfin un peu différemment, mais qui aime bien les phrases, les belles tournures de phrases, les trucs comme ça. Comme Gérard, la parfaite du sublon qui kiffe. Exact. Non, ça c'est moi ça. Et l'idée de Monsieur Mazur, c'était vraiment d'emmener Gérard déjà d'éviter de se faire gicler tout de suite en imposant un certain respect, une certaine barrière entre nous. D'où le vouvoiement déjà d'une. Mmh. Et le. Oui. Avec le Monsieur Gérard, Monsieur Mazur, etc., etc. Et puis c'était surtout de l'emmener dans un truc à chaque fois, bon, où il allait pas se douter que à la fin de la phrase, il a, tu vois, ça pouvait être un truc du genre, mais Monsieur Gérard, je vous prie de bien vouloir vous exprimer sur. Je suis sûr que tu fais Chirac super bien. Exactement. C'est un truc de fou. Et à la fin, c'était de l'emmener, mais si vous le souhaitez, n'est-ce pas, nous pourrions aller bourrer quelques putes ensemble. Quelques filles de joie. Et donc du coup, bon ben, hein. Quelques filles de joie. Quelques filles de joie. Mais une fois, il y a eu pute. Oui. Encore les space putes. Phallus que je le sachiasse. Oui. Je m'en vais sur cette vanne. N'est-ce pas? Bravo. Ça chiasse. Tony s'en va? Non, je reste. Non, il a. Megan, oublie pas d'agripper le micro si tu veux dire quelque chose. Monsieur Mazur parle dedans. Oui. Mais c'est pas grave, il fait une pause. Bah justement. Pendant 7 ans de pas parler assez fort dans mon combiné. C'est vrai. On t'entendait pas. Et si on parlait de Megan alors? Ouais, Megan. Donc Megan, pas la seule fille. Sale pute. Je crois que tout a été dit, hein, c'est bon, on peut passer au suivant. Bah, si ça commence, c'est la tisane, c'est la tisane qui remonte. Les herbes, tu sais ce que c'est. Ouais. Comment as-tu fait? As-tu réussi à coexister au milieu de tous ces gugus? À survivre. J'ai fait ressortir mon côté masculin. Et j'ai été. Moi, d'où t'habites? Il est fort, Tony. J'étais. Et Laurent Baffy là. Anthony il a pas changé son fond de commerce. Franchement, s'il peut dégainer bite en 3 quarts de seconde, bim, il te pose la bite sur la table et voilà. Je crois que j'ai été micro en plus. J'ai utilisé le même vocabulaire qu'eux et j'étais. Donc, je pense, grand, la poupiasse. J'ai rien dit. J'ai été, je pense, aussi trash et voilà, c'est pour ça que le contact est passé entre nous, mais au début, ils n'ont pas été très tendres avec nous. D'accord. Et tu es arrivé. En fait, le contact s'est fait hors antenne entre nous. Mm. Voilà. Alors, on va rappeler un peu les habituels. Comment s'est fait l'écrémage, on va dire, au début. C'était chaud. Ah, Arnette, vas-y, prends le micro. C'était chaud. Ouais, c'était super chaud. Merci Arnette. Ensuite, Goldo. Ah, c'était super chaud quoi. Goldo. Comment s'est fait l'écrémage? Bah, c'était un peu à l'arrache hein, en fait. Ouais. Il y avait les récurrents et puis il y avait moitié récurrents puis moitié auditeurs qui étaient pris un petit peu dans le vif. Donc il fallait qu'on défende un petit peu le beefsteak, la place. Tout au début, t'es d'accord que tu peux pas être récurrent au début. Ah non, mais au début tu peux pas être récurrent. Donc bah je sais pas, t'essayes de faire ton trou. Qui était là lors du premier débat? Ah, est-ce que j'étais pas là? Est-ce que quelqu'un était là? Tony Arnette. Peut-être, Arnette ouais, était ouais, là, Tony aussi déjà. Non, Tony dit non, il est honnête. Tony, c'est voilà. Au début, il y avait, si je me souviens bien, il y avait David Alpha. Ouais. Mec, tout à fait. Peut-être que tout le monde l'a oublié. Pas du Moi, tout. Je pense qu'il faudra applaudir pour David Alpha. Allez, Alpha, si tu nous écoutes, j'espère que tu captes cette fréquence. 93.9. Bah oui, surtout Paris. Et l'île de France. 100.3. Je sais pas, il parle pas de ça. France Culture. L'accordéon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, David Alpha, ouais, au début. Et oui, bien sûr. Après, Arnette est venu se greffer. Il y a eu Hugo Lin, je crois. En fait, petit à petit, je pense que les standardistes, Manu serait mieux placé ouais, que moi pour. Le tri, c'était pas nous. Enfin, ouais, mais j'étais pas là au début. Moi, oui, c'était Julie et Gaël. En fait, c'est eux qui nous appelaient. Hein. La récurrence, c'est les standardistes qui l'ont faite. Moi, j'ai fait un débat et puis après, on m'a appelé toutes les semaines. Ouais. Au début, je me souviens que Goldo faisait les stats. Ouais. Qui était exact. Des stats, exact. On m'a souvent demandé si c'était vrai. On va reparler de ça. Tu te cassais le cul. Je passais 2 heures comme un crevard. Alors, explique-nous les stats. Qu'est-ce que c'était les stats? En fait, j'aurais dû ramener parce que j'ai un cahier. Parle bien devant le micro. J'avais un espèce de petit cahier puis je me réécoutais le débat. Comme un crevard pendant 2 heures avec un petit stylo, puis j'avais des petites lignes avec bon ben te ferme ta gueule machin, et puis je comptais, je faisais des petites barres et puis à la fin je comptais. Alors 260 bon ben, mais ça allait pas bien à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Non, c'était, je t'avouerais que c'était aussi un moyen que j'avais trouvé de pouvoir passer à l'antenne régulièrement. Ah, voilà. Et toutes les semaines, et voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai réussi à m'incruster dans l'histoire. C'était le seul moyen un petit peu original que j'avais trouvé pour tout le monde. Était plus ou moins fan de Max à l'époque? Pas du tout. Moi, j'ai allumé la radio un soir, je me suis gouré de boutons, je suis tombé sur des mecs qui gueulaient de partout, j'ai fait tiens c'est marrant, je vais appeler. Ah ouais, t'écoutais pas, pas du tout le Star System? Ah, j'écoutais pas la radio, c'était, tu vois, je t'ai dit, je me suis gouré de boutons. Et, c'était et les autres, Tony? Moi pour ma part, j'écoutais Maurice. À l'époque, alors, à l'époque, il était sur. Tu vas l'acheter après. Ça tombe bien, ils bossent ensemble sur Néo maintenant. Et on a fait la dernière. Et ils font un truc sur internet payant, ouais. D'ailleurs c'est nous. Ils sont abonnés à Motomania. C'est nous, Maurice et Max, si vous nous écoutez. Je voulais juste préciser, pour ceux qui se demandent, que j'ai contacté Max pour cette émission. Oui. J'ai laissé des messages sur son répondeur et il a pas daigné ni même me dire que non, il voulait pas venir, donc c'est pas. Il y a une attaque personnelle, la diffamation. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas dénié. Je suis pas du tout un anti-Max, mais il aurait pu au moins dire bon bah non, j'ai pas envie de venir. Un petit message à la fin. Il est méga coupé. C'est dommage qu'il. Je vais juste même demander juste un texto avec écrit non dessus, mais non, il est même pas. Attends, ça prend du temps, Radio Néo aussi. Ah, c'est vrai. C'est Apolline qui t'a craché. Il y a l'exclu là. Il y a une exclu fun. Je tiens à dire quand même que Apolline a craché la Porsche. Attendez. Alors. Ouais. Je peux dire, il y a une exclu. Attention, jingle bafouillé. Jingle exclu. Tu peux faire jingle exclu, Manu, s'il te plaît? Non, on va parler de Lorette. Lorraine. Non, il y a une exclu Radio Campus. Allez, on va dire que la fille qui a explosé la Porsche à Max, c'est Apolline. Est-ce qu'on dit la Porsche à Max ou la Porsche de Max? De Max. Non, on va dire deux, mais de Max. C'est pas grave, à Max. En même temps, c'est Tony. Mais qu'est-ce qu'elle faisait au volant de cette Porsche? Je sais pas, elle allait faire les courses à Lidl ou je ne sais où. Ça sent bon le procès. De quoi parler? Diffamation. Mais Mégane. J'en ai aucune idée. Oui. Tu as dit elle n'était pas au volant? Je travaille pour Radio. Qu'est-ce qu'elle faisait alors si elle n'était pas au volant? Je me demande à Tony. Allez, balance. Elle, à mon avis, elle faisait comme les Didi. Oh non! Oh là! Tu préviens quand tu craches? Diffamation! Diffamation, calomnie! Eh ben, vous faites bien de parler de les Didi? Ouais. Parce que c'est quand même l'un des débats. Oui, je sais. Putain, vous avez des bons juristes à la radio. S'il n'y a pas une armée de juristes. Non, mais cela dit, si vous me permettez, juste un petit truc, moi, juste un petit aparté concernant Max. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens ici autour de cette table qui ont certainement énormément de comptes à régler, machin. C'est faux, je m'inscris en faux. Ok, d'accord. Ok, ça vanouille un peu. Faut pas oublier juste un truc, c'est que si on est là, effectivement, c'est pour Gérard et le mec qui a mis Gérard en place à la radio. On en parlera. T'inquiète. Là, c'est quand même pas Axel Duroux, si vous me permettez. Voilà. On rappelle moi, je veux juste qui est Axel Duroux pour les auditeurs. Je veux juste de... c'est personne. Non, on s'en fout. C'était le PDG. Voilà. C'était le PDG de Sam. Allez, hop, il se lâche, on n'en parle plus. Voilà. Hop là. Voilà, non, c'est juste rappeler ça parce que moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup et voilà. Je tenais juste à le préciser. Toi, tu lui dois de l'argent pour ne pas avoir d'ennuis juridiques par la suite. Diffamation. On va rester sur toi, Arnold, façon de parler. T'as changé, toi. Avec les Didi, justement, et l'un de tes personnages, on va dire, incroyable. Trevor Jones. Alors, on va rester dans le domaine du juridique. À propos de ce personnage, il s'appelle donc Trevor Jones. Et du site, il y a un site internet. Ouais. Qui est honteux. Laisse tomber. Bon bah un site internet qui est honteux qui s'appelle. Y aurait-il des membres ici de Mister ce site? MrCousin.net, ouais. Ouais. Oh, oui, il y a un membre effectivement. Il y en a deux. Je trouve Skinhead là-haut. Là. Le mec en bleu est rasé de la boule. On vous dira pas laquelle. On dirait Fred. On dirait Fred de Mokhtar et Fred. Allez, une petite vanne, non? Pour. Allez. Bon d'accord. Tu voulais faire écouter un truc peut-être. Tu voulais parler de donc Trevor Jones. Ils t'ont repris donc le fameux Mister Cousin. Oui. Sans autoriser, même pas, il a demandé. Tu vois, il regarde, c'est un jeune. Regarde, il y a de l'arrogance dans son regard. Oui, tout de suite. J'en ai rien à foutre, moi. T'es pas accessible non plus. Tu m'as pas appelé. Et comment j'ai fait? T'as menacé ma mère pour avoir mes coordonnées. Bah voilà. C'est un coup de bol si j'ai ton numéro. Je te le signale. Prends-le en Martini, mais maintenant ça raconte. Allez, casse-toi, va filmer. Allez, on écoute Trevor Jones. Par contre, GG, excuse-moi, j'ai un truc super important là. Tu sais que dans la semaine, on t'avait dit qu'on allait essayer de retrouver en fait Trevor Jones, le garde du corps de. C'est le garde du corps ou le chauffeur? L'amnésiaque, les deux là. Non, parce que il y en a un des deux qui est. Non, le garde du corps, c'était. Ça c'était l'amoureux, Gérard. Ça c'était l'amoureux, c'était l'amant de Lady Di, ça. Le garde du corps, c'est Trevor Jones et on l'a retrouvé. Bon, tu fais bien attention parce que bon, tu vois, il parle un peu français mais pas beaucoup. Donc, tu vois, il parle aussi anglais, donc c'est un peu chaud. Trevor Jones. Il a la mâche en fracassé quand même, attention. Salut l'amnésiaque. Ta gueule, toi. T'appelles d'où? Oh! Non, il va pas faire long. Oh là là là là. Attends, laissez-le parler. Non, je l'ai mis tout seul, il est tout seul. T'appelles d'où? Hello? Mais, am I on radio? Oui, vous êtes sur fun, bonsoir Trevor. Gérard, parle-lui, oh. Hello? Bonsoir, la fréquence où vous appelez, putain, mais oh, je veux pas. Là, je vais pas pouvoir prendre un mec comme ça, moi, c'est pas possible. Il va parler. Possible. Vous parlez un peu français, Trevor? Ah oui. Voilà. Hello? Bonsoir. Voilà, non, terminé, allez hop. Au revoir. Allez, Gérard, attends. Non! On a fait des pieds et des mains. Non, allez hop. Je pour la voir. Non, j'en ai rien à foutre. Laisse tomber, allez. Ouais, c'est bon. Au revoir. Mais écoute. Non! Gérard, on est quand même 500 depuis qu'il est arrivé. Oui, allô? Mr. Cousin? Oui, c'est Monsieur Cousin, oui. Ta gueule, toi, PD! Il traduit. Allez, hop, terminé, au revoir. Hop, au revoir! Au revoir! What? Attends, oh merde! Gérard, on est deux fois plus nombreux depuis qu'il est arrivé sur IRC. J'en ai rien à foutre, tu fermes ta gueule, toi, je vais dire au revoir! Hop, terminé! Attends, on s'est. Non! Mais je t'avais. On s'est pris la tête, j'ai pas l'écouter. C'est dans les gueules. Moi, j'ai un peu débat! Putain, merde! Tu le dégages! D'accord. Putain, Max! C'est Max, il. J'en ai rien à foutre! C'est tout! C'est la direction qui. Moi, j'en ai rien à foutre! C'est moi qui commande! Ouais, mais bon. J'en veux pas, c'est tout! Putain, mais Trevor Jones, merde! J'en veux pas et c'est tout! Ça fait trois semaines qu'on est sur le coup, là! Non, j'en ai rien à foutre! C'est une exclusivité mondiale! Oh, ta gueule, toi! Bah, écoute. Toi, ta gueule! Ah, mais ça. Putain, avec ça, hein! Le pauvre! Bon, allez, on envoie un disque, on reprend après! Eh, celui qui rigole comme. Qui glousse! Bon, toi, Il y a de la dinde. Bon, ce, Manu, ah, tu m'attrapes le... Tu m'attrapes le pompori. Il est retour. Monsieur Cousin. Monsieur Cousin. C'est Monsieur Jones on the phone. Are you here? Monsieur Cousin. Merde à toi, je t'emmerde. Non. Mais attends, c'est très bon. J'en ai rien à foutre, il se tire. I have some Manu, tu me Manu, tu me retires ça de l'antenne, s'il te plaît. J'ose pas, tu vois, ça me fait... Tu me retires ça de l'antenne, s'il te plaît, je ne continuerai pas le débat. Je peux parler pas bien. Non. Tu vois, vous faites des efforts. Je français mal, mais... Pourquoi je continue pas le débat? Moi je m'en fous, on va le laisser parler tout le long du débat. Est-ce que vous avez un truc à dire sur Diana, Trevor? Oui, rapidement, parce que ouais. Gérard doit faire son débat. Ah oui, je veux dire des choses sur Gérard, j'en ai rien à foutre, je n'en veux pas sur l'antenne. Je n'en veux pas sur l'antenne. Monsieur Cousin. Je n'en veux pas sur l'antenne. Monsieur Cousin. À trois, je me tire. Oh, merci. Et tu lui dis au revoir complètement. Je ne le veux plus sur l'antenne. Voilà. Monsieur Cousin. Monsieur Cousin. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas Gérard, faut rappeler que Cousin, c'était donc son nom de famille. Ce qui tout de suite. Ce qui tout de suite est plus drôle, bien sûr. Ah oui, bah oui. Et oui. C'est vrai que quand tu le sais pas. Mégane, oui, tu voulais. Non, je dis, c'est vrai, quand tu le sais pas, c'est pas marrant. Donc Gérard Cousin, Mister Cousin, Trevor oui. Jones, qui est revenu alors oui. plusieurs fois. Bah oui, parce que ensuite, vu le succès auprès de l'animal, forcément, ça, je ne pouvais que revenir avec Mister Cousin. Et c'est devenu, oui, là, c'était d'abord Mister Cousin et c'est devenu Cousin, puisqu'on dit, on prononce comme ça en anglais. Hein. Moi, tout à fait. J'ai rien inventé, quoi. Vous êtes dans votre bon droit. Oui, oula, merci. Oula, oula, ah ouais, non, mais c'est très procédurier ce soir. Tu étais dans ton bon droit. Ouais, fais gaffe, calomnie, diffamation, ah, machin, tout ça. Ouais. C'est vrai qu'il fait chaud là. Alors, ouais, du coup, on enchaîne. Tu crois non. De nous, ça va. En revanche, hein, nous, on est. On va parler de la préparation des débats un peu. Ça avait dit fait, y a rien. Ça va aller vite, vas-y. Oh, y a rien. Trois pauvres questions. C'est quoi la devise en Australie? Mais écoutez, Fildar va peut-être nous en parler. Un petit peu avant que. Oh, ouais, Fildar. La dépression de Fildar, épisode 3. Avant qu'on en reparle. Il est déprimé. Plage 2. C'est parti. Chut, trop lourd. Ce qui se passait, c'est que généralement, le jeudi, le jour du débat, il arrivait vers 22h. Ou un peu plus tôt, ça dépendait. Et on regardait ses questions. Et en fonction de ses questions, soit on les remaniait complètement. Soit on en gardait certaines que l'on lui laissait faire parce qu'on les comprenait pas. Donc ça nous permettait de nous marrer deux fois plus à l'antenne. Non mais Fildar, t'as l'intention de faire chier ton monde jusqu'à quelle heure là? Bah 2h. Mais t'es vraiment un PD pas pourri toi. Un PD pas pourri. T'es vraiment une pute hein. Bah, je crois qu'il a résumé un peu tout ce qu'on pense de Fildar ce soir. Ouais, je crois que tout a été dit. C'est vrai. Bien, bonne formule. Mais de péter de la bande FM. Exactement. Manu, alors la préparation, est-ce que tu es d'accord avec ton ancien collègue Fildar? Ouais, préparation, c'est un bien grand mot, c'est clair. On écrivait les titres des disques. Quelques sondages, voilà, quelques gobelets au-dessus des portes, histoire de chauffer un peu. On préparait les encens, les blagues, les faux courriers, les trucs. Il y avait les trucs aussi. Ouais, il y avait. Mais la marche sur Radio Campus. Comment, pardon, Tony? On a la remarque. Non, enfin, si t'en cites plusieurs de la même. Du même style. Pas de marque. Mais laisse Manu parler, Tony. Allons-y. Donc ouais, très simple, les titres des disques, quelques sondages vite fait, beaucoup de courriers des auditeurs, parce qu'on était vraiment fournis en courrier des auditeurs. C'est au moins une heure avant chaque débat. Ah ouais, au moins, ouais. Au moins, il arrivait en avance. Ça le chauffait, voilà, ça commençait à le vénère. En fait, ouais, il y a tout le côté dans les couloirs. Mais moi, je me rappelle surtout dans la préparation des débats, il y avait le coup de fil de Gérard, où il donnait ses premières questions, les premières questions, quoi. C'était incroyable. Bah ouais, c'était tout à fait, c'est ce que dans les mêmes questions. Et donc, vous les retravaillez? Et après, ouais, ça dépendait lesquels. Il y en avait, tu vois, vraiment, pour trouver mieux, vous pouvez pas, quoi. Il faut être honnête, quoi. Des fois, vous mettiez des verbes, des. Écoute, c'est arrivé, oui, c'est arrivé, ouais. Mais le pire, je crois que c'était quand c'était sa grosse qui lui écrivait. C'est ce que j'allais dire, quoi. Alors, c'est ça, c'était vraiment le pire. En plus, il en était fier, quoi. Ah, donc, ouais, j'ai préparé mon débat, attention. Il jouait pas. Rigo, toi, les sondages, c'était toi vers la fin qui t'en occupais le plus? Ouais. Peut-être, ouais. Non, le coup, c'était de lui faire croire que c'était des vrais sondages, parce que lui, il était persuadé que c'était Fildar qui faisait les sondages, et donc fallait lui montrer que ça venait peut-être de la NASA ou je sais pas. Fallait lui montrer de la que c'était NASA, officiel. De la NASA. Ouais, la voilà. NASA. Alors, on en était venu même à la fin des débats à ce que c'était Max qui, pendant le débat, apportait le sondage sur papier. Regarde, ça ouais, vient d'arriver. Pour que ce soit crédible, quoi. Crédible. C'était. Attention. C'était terrible. Il y en a un autre non plus, enfin qui est pas là, c'est Olivier de la Pro. Ouais. On peut l'applaudir aussi ou pas? Oui, ah, oui, Olivier. Un peu plus d'enthousiasme quand même. Alors il a pas Olivier. Souhaité venir, je crois que Manu t'en sais un peu plus que nous à ce sujet, tu l'as eu Ouais, bah je crois qu'il s'en bat les couilles. OK. Moi je sais juste j'ai une info au dernier Nobel, il serait dans les filets au Queen. Parce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi ça serait une tentouse de prod. Non, diffamation, procès, Radio Campus, envoyez tout. Non, je crois il est chaud le Tony. Je crois que c'est pas vrai, non. Non, donc s'il non, il non, il, non mais il a pas, tu vois, il a lâché l'affaire, quoi. Ça le touche pas plus que voilà, ça. Ouais. Voilà. Enfin, vous avez tous lâché l'affaire. Non, mais c'est qu'il a, il était, c'était lui le prod. De, c'est ouais, lui qui a justifié le dérapage voilà. De Gérard. Donc, voilà, c'est ça que je voulais en fait. C'est lui qui a faire assumé, dire. C'est lui qui a fait, qui a géré. Donc, je pense qu'il a. Il l'a mal vécu. Ouais, il a sûrement un peu mal. Il a tiré un trait en tout cas, quoi. Ah oui, voilà. Popper, sodomie. Ah, des fois d'autres choses. Il a mal géré, quoi. On va s'écouter quelques petits sondages. Ouais. Un extrait. C'est assez long là. Il y a des sondages. Il y a aussi Marcelito. Goldo. Oh, Manouche. Goldo, prends le mic et parle-nous ouais, de Marcelito. J'étais abonné au Manouche, je sais pas pourquoi. C'est passé un soir. Et voilà, la gitanerie, taquiner le couteau papillon, tout ça. Et... Maquillage des voitures. Voilà, maquillage des voitures volées. Égorgeage de poules. Voilà, les poules, ah oui, égorgeage de poules, c'est important. Les Saintes-Maries de la Mer. Tu venais des Saintes-Maries de la Mer comme Sandy. Voilà, c'était les Saintes-Maries de la Mer, tout ça. Bon, voilà, c'est devenu récurrent. Marcelito, et on retrouvera aussi Numbo, donc Olivier de la Pro, c'est pour ça que j'en parlais également dans cet extrait. Donc c'est parti, c'était le débat sur les autoroutes noires, si vous êtes prêts. On accueille quelqu'un, on accueille Numbo. Allô. Numbo. Allô. T'appelles d'où Numbo? T'appelles de Paris. 101. Salut GG. T'aimes bien, tu sais, GG? Quoi? T'aimes bien toi? Ouais, ben pas moi. C'est Numbo. Tu vois? Bon, quelle est la différence? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce sondage-là? Là, vas-y. Quelle est la différence entre la nationale et l'autoroute? Ah oui, mais d'accord, hein, c'est pas du tout le même truc. Alors, 75% disent que c'est la longueur comme toi et Rocco Siffredi, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Là, c'est un mec, ça dépend. L'autoroute, c'est plus long qu'une nationale, c'est comme toi par rapport à celle de Rocco Siffredi, je crois. Et 29% des gens répondent que c'est le prix, car l'autoroute est moins chère. C'est pas vrai, parce que les autoroutes, c'est les nationales les moins chères. Bah non, parce que si tu dis les nationales, généralement, il y a beaucoup plus de radars. C'est vrai. Donc tu payes. Ouais, sur les nationales, c'est vrai qu'il y a plus de radars. Mais alors, tu vois. 23% disent que le nombre des routiers alcooliques, ça je vois pas du tout le rapport. Et 25% répondent les accidents sur les verglas. De quoi 5% répondent les accidents sur le verglas. Ah. Mais, enfin, bref. Limité, hein. On va continuer comme ça, ça va aller plus vite. Comment conduire sur une autoroute? Alors, 60% des gens. Répondre, c'est sans hésitation, sans ceinture et sans permis. Pourquoi pas? 45% répondent avec une grosse tressée qui suce la rotule, bien sûr. 36% des gens pensent que le mieux, c'est de conduire la nuit ivre. Alors voilà, c'est encore pire. 18% pensent que c'est un petit peu exagéré de laisser conduire un moustachu sans cervelle. Voyons, pourquoi pas? Et d'où vient l'autoroute et comment? Alors, 82% des gens disent que l'autoroute a été créée par Einstein. Hein? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Ah, tu le connais? 55% pensent que la première est arrivée après mai 68, ça m'étonnerait. 32% ne répondent pas, car je n'ai plus de la gueule, il va se faire foutre. Et 10% murinent dans... dans la, dans le fondement, je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. Je pisse au cul, on va voir. En gros, c'est ça, ouais. Enfin, c'est encore des sondages de nul. Ouais, Manu. Merci, Rigo. On va accueillir Alain Barrière de PH. Désolé, désolé, il est tard. Comprenez. Bonsoir. Putain, les rêves. Alain. Salut l'équipe du Starfish. Allô. Bonsoir. Oh. Bonsoir. J'aimerais qu'il m'explique comment fonctionne sa chaîne Ifi, parce que pendant qu'il anime ses débats à la con, on est en train de se bourrer sur Sandy, lui pisser, lui chier la gueule, on aimerait bien le faire en musique en écoutant sa voix de pédé à la radio. Voilà, puis en plus elle aime ça ta cochonne, dira, hein. Alors tu libères la ligne, s'il te plaît, pendant que tu fais tes débats, et tu nous laisses bourrer ta femme. Allez, moi, je... sur la fesse droite, c'était Angelo. Ciao. Voilà, ta gueule. Ciao. Bon, Alain, t'appelles d'où? J'appelle de péage. T'appelles de? C'est où ça, péage? C'est où? Un petit village à côté de Charleville-Mézières. Et la fréquence? C'est 108.1. Pardon? 108.1. Pardon? 108.1. Alors, pardon, la question... 108.1. La question, pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux roues? On va demander à Marcelito. Ouais, bah tu vois, moi je pense que les deux roues doivent marcher. C'est quoi ça? Ah, t'inquiète pas, c'est l'autre qui s'amuse à faire le con. Marcelito, t'es de quelle origine? Moi, je suis d'origine manouche. Si tu veux, ma mère était bohémienne. Et un jour, au Sainte-Marie de la Mer, elle a rencontré le grand chef gitan. Et me voilà, moi, j'ai mis sur Paris. Parce que c'est là qu'il y a de la caisse, c'est là qu'il y a de la poule, tout ça. Il y a de la tapineuse. Donc moi, je suis venu là, à Paris, pour réussir. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais passer sur Fun pour faire de la pub. Donc voilà, si vous voulez une voiture, il y a mes coordonnées au standard. Pense à ta mère. Si vous voulez une poule pour la nuit, pas de problème. Maintenant, pour tout ce qui est rite, égorgement, assassinat, bon, Marcelito, c'est possible aussi. Marcelito, ouais, au revoir. Il y a des gens qui ont lancé un contrat sur une grosse tressée. Manu, s'il te plaît, tu lui dis au revoir. Manu, s'il te plaît, au revoir. Voilà. Nambo une poire. Ouais, je suis là. Bon, tu réponds? Bah écoute, moi je pense que t'as raison, quoi. Écoute, attends, à tous les niveaux, Gérard. Tu vois, moi je te fais confiance entièrement, t'es comme un père pour moi. Hé, hey, tu réponds à la question ou quoi, là? Parfait. Non mais Manu, il me parlait en antenne, j'ai pas entendu ta question. Ouais, c'est vrai. Putain, mais c'est pas vrai, mais ils sont bornés ce soir ou quoi? C'est quoi ces auditeurs là, que tu m'as dit là? Vas-y, cousin, dis-la moi ta question. Bon, allez, dégage, Nambo, au revoir. Terminé pour Nambo. Nambo. Nambo. La vallée, là, Nambo. Terminé pour Marne la vallée. Ouais. Terminé pour Nambo, c'est fini. Ta mère. Tu lui dis au revoir. Pense à ta mère. Pense à ta mère. Ah, ça fait du bien, hein? Oh là là, la claque! On a des petits remontées de thé, là, ça prends fait du micro, bien. Mégane, il y a des petites remontées de thé qui nous font du bien! Tisane, j'aurais pas dû avaler le sachet en même temps. Anka, tu veux réagir un petit peu à ce que tu t'entends? Mais moi, j'étais pas là à cette période-là, en fait, je suis arrivée bien après. Donc voilà, mais c'est rigolo à écouter, en fait. Gérard, t'es toujours auditeur, en fait, même quand tu participes au débat. Donc moi, j'ai réécouté plein de trucs, là, récemment, entre autres sur le site de Mister Cousin. Pas de pub. Mister Cousin, le site vachement bien où il y a tous les débats de Gérard, bien sûr. Non, qu'on va si, faire si, de parce la que bientôt, pub. À chaque fois qu'on dira un Mister Cousin, je touche. Voilà. Procès. Donc vas-y. Le procès non, pour Radio Grand Procès d'abord, et ensuite. Non, vas-y. Ben non, mais voilà, en fait, ouais, moi, ça me fait plaisir de réentendre ce genre de truc. J'étais pas dans les studios à ce moment-là, mais je peux imaginer le genre d'ambiance qu'il y avait. Alors, les patins avec Marco. Marco est là. Bonsoir, Marco. Bonsoir à tous. Bonsoir, t'es beau gosse ce soir, je voulais dire. Non, franchement, non. Il y a une petite lueur dans ton regard qui me fait dire que ça peut bien finir. La tisane, ça chauffe, sans déconner. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu faisais à l'époque sur Fun? C'est bien fun, toi. À l'époque, je faisais la pub, en fait, sur Fun. C'était passionnant. Oui, je faisais. Tu penses à quoi? T'es et puis voilà, non, mais je traînais. Moi j'étais fan de Gérard, j'écoutais. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Bah vas-y, exprime-toi. Ah non, mais non, la procédure. D'accord. Non, mais en fait, avec je traînais parce que j'étais fan de Gérard, Arnett, Tony, Goldo, Mégane, tout ça. Ah. Enfin, j'écoutais, et puis si je pouvais apporter une petite connerie en plus avec Anka, c'était. Parce que vous étiez ensemble. Non, il paraîtrait. Sans déconner. Ce qui est dingue, c'est que vous l'êtes toujours. Oui, mais depuis, c'est fini. Ah non, mais ça a toujours été sexuel, donc c'est de temps en temps, tu vois. Voilà, c'est ça qu'on n'a jamais compris. Voilà, d'accord, ok. Puis à fun, bon, voilà, tu vois, t'es chaud. Tu lui as fait dedans juste une fois, et puis après. Tu lui as fait dedans, c'est une belle expression. J'ai envie d'être romantique ce soir. J'ai envie de m'adresser à toutes les filles, je sais pas, mais quelques-unes, ouais. Vas-y, continue comme ça sur ce ton-là, elles te comprennent bien. Elles sont sur la même longueur d'onde, tout ça, ouais. Tu crois? Ouais, c'est vrai. Tu peux y aller faire. Il a envie de faire dedans. Ouais. Voilà. C'est comme ça qu'il dit. En général, c'est traduit par est-ce que tu veux qu'on se fasse un resto? Arnaud, non, on va vous faire dedans. Tu as donc pratiqué tu as pratiqué le Arnold obligé, alors. Non, jamais glisser le rat dans un cage. Jamais. Non, malheureusement, mais il a. Encore non, du romantisme. Putain, je sais pas ce qui m'arrive ce soir, mais alors je suis. On a d'autres filles côté pour, il y a d'autres filles, mais de l'autre côté de la vitre. Le lover, ouais. Non, juste Anka et Marco, qu'est-ce que vous faisiez alors pour exciter le on putois? Bah, on se bouffait on baisait tout le temps pendant les débats. Pendant tous les débats. Cool, hein. Avec ou sans capote, ça dépendait. Il y en a plein qu'on n'a pas suivi parce qu'on baisait. Hein. D'accord. Non, mais c'était marrant. Plus. Bon, sérieusement, 30 secondes. Bien sûr. C'était drôle avec Gérard. C'était marrant de baiser avec Marco. Tu sais, non, mais nous aussi, on a rien, tu sais. Tu sais les enfants. Vous baisiez pas. Vous baisiez où? Tu sais les mômes. Dans le bureau, là. Dans quel sens? Oh, mais putain, oh, jamais pendant un débat de Gérard. Gordon, tu dégages. Dans quel sens? Il y a que des habituels. Oui, là, oui. Non, ce qui était marrant avec Gérard, c'est que c'est comme les gamins, tu sais, c'est comme les gamins quand ils voient des gens s'embrasser. Mais toi, tu comprends pas que ce point de ressens que tu dis. De faire caca, de baiser ou Arthur faisait caca. Mais les Français veulent savoir ce qui se passait. Mais les Français veulent savoir. J'ai envie de câlin, j'ai envie de câlin. Ah, on l'a celui-là, bien sûr. Oh là là. Les gamins devant un film à la télé, quand ils voient des gens qui se roulent un patin, ils tournent la tête, tu vois, un peu par pudeur et tout. Et c'est Gérard, il faisait pareil avec fou. Nous. Gamins, donc, ça. On a capté le truc tout de suite avec Marco, et du coup, on en a joué à fond, et c'était drôle. Vous avez joué à fond? À mort. Oh oui, j'ai joué. Ça fait l'audience. Campus, bravo. Oh la vache, ouais. C'est vrai que Gérard, il avait souvent le regard fuyant avec certaines personnes, quoi. Tiens, c'est fou. Genre serrer la main, regarder par il terre. Il avait peur, mais il avait peur de toi, Rigo aussi. Mais ça, il avait super peur. Je sais pas. Est-ce que c'est le moment de parler de Rigo alors, si j'ai bien compris. Je sais pas. Tout le monde avait peur de Rigo. D'ailleurs, j'ai peur. Vous avez des bonnes raisons. Alors Rigo, t'étais un peu le modérateur. Quoi, celui qui ouais, pour calmer le débat quoi. Ouais, c'était sympa parce que franchement quand tu vois ce retire que ta main devant ta bouche. Excuse-moi. Mais dis donc comment tu parles à Rigo, toi t'as pris tes assises. J'en profite, le Rigo, je sais pas combien d'années de radio il a fait à Fun machin, l'autre de Radio Campus, tu as ce connard. T'enlèves ta main connard. On est fans du PSG tous les deux, ça va. Vous inquiétez pas, c'était pour ma voix, je comprends. Non, franchement, c'était ouais, il faisait pas mal de conneries, moi aussi, et ce qui était intéressant, c'était le faire parler quoi. Quand j'arrivais à le lancer, à lui sortir des trucs, le faire parler, réagir. Ouais, mais t'étais le seul à y arriver en plus, quoi. Mais ouais, parce que vous c'est étiez clair. Plus crédible, les c'est mecs, clair. C'est pas. C'est... Non, au bout c'est d'un pas moment. Ça. Moi, je suis désolé, mais moi, je pense sincèrement que Gérard avait peur de toi. Attends, revois-toi à l'époque, sérieux. T'avais les cheveux super courts, t'avais ta casquette de Lascar et tout. Ah, ouais. Et puis bon, voilà, t'étais avec des mecs, tu traînais dans les couloirs, t'étais avec tes potes et tout. Dis pas des trucs comme ça, c'est abusé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, mais bon. C'est bien tranquille, pépèrement, ah ouais. Toi. Il était, ouais, pépère. Mais il était peut-être impressionné, peut-être que Max aussi ou d'autres lui disaient des choses. T'as vu, lui, il croyait tellement tout ce qu'on pouvait lui dire. De toute façon, dès que t'avais un peu un ton sérieux, de toute façon, je crois que toutes les gens dans cette salle, ils pensent la même chose. Ils croyaient n'importe quoi. Et ça. Bon, on a tous profité bien quand même, on a bien rigolé. Tu pourrais demander à Seb juste un truc, excuse-moi Rigo, c'est d'éviter de lever tes bras. Oui, je sais, je sais. C'est, si c'était oui. Parce que là, en train bien de parler, déjà, moi depuis tout à l'heure, je fais super attention à pas lever justement parce que. Il a des codes, ouais, ça sent le fenêtre mouillé et puis les yeux commencent à piquer, ça nous rappelle. Mon artame a lâché, effectivement. C'est bien, c'est bien. On va se passer des petits remix, on a besoin de s'aérer là, je pense. Ah ouais, on a un petit peu chaud dans les studios. Je sais pas pourquoi, moi je suis bien. Donc on va écouter un remix. Donc ça s'appelle bien sûr. Je te veux plus. Et puis un petit deuxième après, le temps de boire, voilà. de fumer, ah oui, tout ça. Le temps de mettre. Genre on a le droit de boire et fumer dans ton studio. Tisane pour tout le monde. Et puis on se retrouve à tout de suite. Un coup de déo et c'est parti. Tout de suite. Bien sûr, j'en ai rien à foutre. Bien sûr. bien sûr. Foutez-vous de ma gueule. Et voilà, donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000, et 0870 5000. Fil d'art vous attend au standard. Apparemment les 24 kings sautent. Et toujours Rigo qui vous entend sur l'internet, voilà, donc internet. Attends, bien sûr, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, bien sûr, allez foutez-vous de ma gueule. Bien sûr, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, allez foutez-vous de ma gueule. Donc, premier débat va porter sur les jeux télé. On va accueillir je pue la crotte. Plus jamais merde, toi, qu'est-ce qu'une pelle, hein. Qu'est-ce qu'on serait chez nous? Et continuez comme ça, vous allez. Allez, enchaîne un peu là. Qu'est-ce que t'as, toi? Bien sûr, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, allez foutez-vous de ma gueule. Bien sûr, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, allez foutez-vous de ma gueule. Bien sûr, bien sûr. Salvatore, bonsoir. Ouais, c'est Salvatore, ça. T'appelles d'où? Paris. Paris 101.9. Exactement, salut. Voilà. Après, à la place de Captain Pouce, on accueille Hamstring. T'es où de Hamstring? Je suis de Bordeaux. 103.3, bonsoir. Ah, 103.3, non. Ah, 95 si. FM, comme Fielder m'avait marqué. Ah, une erreur, excusez-moi. Bordeaux Sud. Jean-Pierre Sauzère, toujours là? Oui. Et donc, petite suceuse aussi, hein, c'est ça. Pas petite, mais... Ouais, ben, ok. Je suis. Bon, alors, on en était donc... ah bah oui, les deux, là, Jean Albatore et puis Anne-Marie. Salvatore, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Donc, alors, dans quel endroit pensez-vous que les ovnis ou extraterrestres peuvent-ils être acceptés comme Salvatore et en string n'était pas là, ouais. Donc pour toi Salvatore. Ouais, j'ai fini la question parce que j'ai pas entendu. Dans quel endroit pensez-vous que les ovnis ou extraterrestres peuvent-ils être acceptés? Ah bah tranquille, dans les boîtes quoi. Ah bah tout à l'heure on disait non parce que... Non, celui qui dit non c'est vraiment un con quoi. Mais faut pas qu'il mette de basket. Attends, bon mais ça c'est clair, déjà d'une faut pas foutre de basket, ça partout tu vas dans le monde, il y a aucune boîte qui a t'accepté en basket. Si, la loco, attends Salvatore, t'as déjà été à la loco? Bah oui, mais c'est pas une boîte la loco, attends. Ah c'est pas une boîte? Ouais non. C'est une boîte à partout. Mais bon, c'est ça. C'est un mélange entre un sauna et un bézodrome. C'est ça, c'est ça. Eh bah ça, c'est bien pour... Je veux dire, sans déconner. Quand je suis allé une fois à la loco, j'ai eu l'impression d'être dans les toilettes de la gare du Nord. Alors, une fois j'y suis allé, j'ai vu un moustachu se faire mettre dans les chiottes. Moi, une fois, j'en ai vu un qui habitait à Troyes et qui se faisait mettre par d'autres personnes par derrière. J'ai vu Elisabeth Guigou là-bas. Ah, bah, c'est la copine à Jean-Pierre Sauzère, attention, pour pas trop en parler de ça. C'est vrai. Moi j'ai un oncle qui travaille à la NASA et je sais qu'à la NASA il les accepte. Ils acceptent tout type d'extraterrestres, mutants et autres. Hein, ouais. Ils sont hyper tolérants là-dessus, quoi. Mm-hmm. Mais ça c'est mon passé familial, tu vois, expérience personnelle. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Par contre, je peux te dire une chose, Salvatore, que là, il y a le mixeur de la loco qui est à côté de moi. T'as intérêt de faire bien parce que t'as dit sur la loco parce que il peut. Si tu peux me rendre service, tu lui dis de changer ses manches disques, hein, parce que le son il est vraiment crado, quoi. Hey, t'as entendu? Ouais, mais ouais, je sais. T'as entendu ce qu'il vient de te dire, le Gugus? Et il paraît que... Entre nous, GG. Ouais. Entre nous quand même, là, ton mec là qui mixe, je sais pas quoi là. Ouais. Il enchaîne les disques comme Charlie Ingalls, hein. Ouais, bah ça sans déconner, hein. Ouais, bah c'est... Moi, même avec mon organe, les mains dans le dos, je fais... Allô Gérard, là, le connard. Je vous préviens,

Par rapport à ça va aller vite. Bon, excuse-moi Gérard, il est minuit 15, tout pétante. L'émission sponsorisée par Barbie Barman. Tout de suite, Barbie Barman. Barbie Barman. On y va. C'est du pognon. Manu. C'est vrai. Un conseil que je te donne, t'arrêtes tes conneries avec ça, parce que ça m'énerve, d'accord? Là, j'ai gagné une semaine de ouf en Tunisie. C'est ça, c'est pas mal, hein? Ok? Donc, la question, c'est quelle est la devise en Australie, Marcel Douillet? Tu es un kangourou si tu veux manger à midi. Quoi? Tu es un kangourou si tu veux manger à midi, un truc comme ça. D'accord, c'est bien ta question. Pistachade. Je passe. Allez, ce soir, la bête. Non. Est de retour. Avec un con comme moi, on s'amuse avec un con comme toi, on se fait chier. Hommage à l'alcoolique. En de bon entendeur, salut. Le plus célèbre. Ah, bon Dieu, la parole, Tony, d'accord? De la bande FM. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco! Sur Campus Paris. Gérard de Suren. Avec. Rigo, Anka, Monsieur Mazur, Megan, Tony, Arnette et Golgo. Celui qui a de la musique derrière, arrête. En de bon entendeur, salut. Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Gérard, en fait, ce qui est extraordinaire avec Gérard, c'est que tu vois, tu pouvais être en plein débat, être en train de te faire hurler dessus par je sais pas comment on peut appeler ça, un puma enragé. Et au moment où tu envoies le disque, il retire son casque, il sort dehors et il te parle comme si rien ne s'était passé. Et moi, il me faisait halluciner parce que il me gueulait dessus, genre, waouh, ouais, putain, tu fais chier, ou Manu, machin, hop, disque. On sortait dans le couloir, et puis il nous faisait, sinon, t'as pas 50 centimes pour un café? Et nous, on était là, mais il est malade, ce type. Il vient de hurler, et on l'a rendu hystérique, et il sort, bon, peut-être parce qu'il avait besoin de nous, il avait besoin d'argent, mais il était d'un seul coup tout gentil, tout mielleux. Voilà, de retour dans les studios de Campus pour cet hommage à Gérard de Suren. Comment ça va? Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Allez, on s'applaudit tous. On se kiffe. Donc Fildar, pourquoi on applaudit là? Je sais pas. Pour Fildar, c'est de la score revient. Sérieux? Pour nous, hein. Pas déconner quand même. Fildar, cette espèce de baltringue mytho là. Fildar, le banni de l'antenne. On a perdu Anka et Marco. Ah merde. Il y a du sexe dans l'air. Est-ce que quelqu'un peut aller filmer? Est-ce que aller chercher? Je peux pas les laisser tout seul. Quelqu'un peut aller filmer? Marco, il est en train d'y faire dedans. Attention avec les micros, Arnold. On cherche la caverne. Marco, il crachait pas. Il crachait pas. Oh là là. Donc Fildar, vulgarité. Fildar qui parlait de GG hors antenne. Et donc là, je vais m'adresser à Manu, même s'il est un peu occupé là. Non, vas-y, je t'écoute. Il fait rien. Qu'est-ce qu'il fait, Manu? Manu ne fait rien. Je sais pas quoi. Il roule des choses, mais je sais pas ce que c'est. Non, alors attention. Manu, t'es rappelé à l'ordre. Manu ne fait absolument rien. Attention, voilà. Manu ne fait sérieux. Manu ne fait rien du tout. Ouais, exactement. Mais vraiment rien. Mais absolument rien. Alors, c'est pas en plus dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Bah, chercheur. Bah, rien. T'emploi. Chercheur en rien. Et trouveur, t'as pas essayé, non? Non, j'ai pas essayé, j'attends un peu. Oh, la belle vanne. Bravo. Je me suis entraîné. Attends, mais lui, tu sais quoi, il y a deux ans, quand je suis venu dans cette cave. L'autre, il était, mais gentil. C'est incroyable. Il était là. Arnaud, entre. Oui, tu veux t'essuyer tes pieds crottés sur moi? Oui, tu peux, bien sûr. Et là, maintenant, il a pris, genre, une pseudo-assurance. Le melon. On va te le casser, ton studio, tu sais. T'as changé. C'est pas le mien, c'est ça le problème. Ah bon, encore. Viré, ce c'est possible, c'est possible. Et donc tous les procès et tout. C'est bon. T'es viré de Jamaïque. Donc. Manu, parle-nous de GG hors antenne alors. Comment GG hors antenne, ouais. Il pouvait être très changeant comme l'a dit Phil, c'est vrai, c'est-à-dire Ah, Phil Dard a dit quelque chose de vrai. Oui, pour une fois. Hein? T'as écouté ce que disait Phil? Ouais, ouais, vite fait. Ouais, ouais, intéressant, intéressant. Parce que lui, il met son oreillette sur son oreille. Ah ouais, ah, <d'accord. rire> ouais, trop bien la verveine. Ouais. Et ouais. Donc ouais, il pouvait être très changeant, mais quand il était vraiment vraiment énervé dans les couloirs, d'habitude il partait, il allait voir, il allait discuter avec Max en fait. Non. Bourré, torché, c'est ça. Ouais voilà, bourré, bien bourré. Donc quand t'es bourré. Alors il y a Marco et Annika qui sont dans le studio. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En parlant de bourré, bonsoir à tous. Je suis comblée sur une échelle de 1 à 10 à peu près 8. À cause des circonstances, la chaleur, tout ça. Bon, c'est chaud. 4 minutes chrono. C'est Marco. Moi, parce que là, franchement, quand t'as dit 8, j'ai cru que c'était 8 minutes. Et Marco, combleur de femmes. Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Mettre sa contentise dans son cul. Ouais, ah oui. Ah ouais, mais forcément. Bah alors, c'est qui ça? Allez, on va en parler un peu de Christine. Donc, Christine qui était l'ex de GG avant la magnifique Sandy. Tu vas loin là. Fais gaffe, hein, elle est sur Paris hein. Encore, elle peut venir. Hein. Ouais, fais gaffe. Hein. Et Christine qui avait donc fait des révélations plutôt surprenantes à l'antenne. Jouillez pas. Voilà. Sur. J'éjaculais pas. Ah, j'imagine le truc, t'es déjà. Oh. Ah non mais. Noir, n'hésitez pas à nous en passer de temps en temps pour qu'on. Jouillez pas. Voilà. Donc Christine qui révélait des choses un peu intimes, on va dire, sur sa vie privée avec Gérard, et notamment le coton. Il montait sur moi, c'est tout. Voilà. C'est oui. Et dont le fameux coton-tige, je crois, le truc qui est le plus resté. Dans le boule. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une secte, qui se crée là-bas. Ils organisent un truc à trois. Je crois que, il y a un truc à trois avec Arnold. Parce que Arnold, il sait qu'il peut tenir plus que 4 minutes. Il est en train tu sais que tu peux tenir plus que 4 minutes et demie. Ouais. Ouais. De quoi on parle? On parlait déjà que facial, c'est pas oui, oui, voilà. Bien sûr. C'est chaud, c'est le mec. Donc Christine, le coton-tige, on peut se repasser le coton-tige là? Enfin se repasser. Oui, bien sûr. On se le fout, on se le passe, allez, excuse s'il te plaît. Fais des tours. Allez, Noir, montre-nous. Mais qu'est-ce qu'il aime bien? Mettre sa contentise dans son cul. Voilà, et donc le truc, c'était bien sûr Elle le dit vraiment avec conviction. Ouais, ouais. Tu serais fier de le dire. Hein. Le truc, c'était de passer donc ces extraits pendant les débats, et évidemment, les passer ou les imiter. Parce que il y en a qui étaient forts là. Mmh. Mégane, vas-y, tu. Crachez pas. Il éjaculait pas. Non, mais c'est qu'en fait, elle a jamais dit il crachait pas ou il éjaculait pas. Elle a juste dit c'est un peu ton pas. Apport personnel. Avec Tony, ouais. C'est surtout Tony en fait qui a commencé. C'est et puis. Truc à nous. Voilà. De lui balancer ça. Il mangeait son il pensait caca. Que c'était Phil Dard. Oui, le truc à la base, quand même, c'était. Oui, Goldo. Ton micro, Goldo. Ouais, je disais, le truc à la base, c'était quand même histoire de faire engueuler Manu et Phil Dard. Voilà. En fait. C'était, c'était surtout ça le truc. C'était, ouais, c'était pour qu'il se fasse c'est engueuler but, à notre en fait, place. Ouais. Voilà. C'était ouais. Magique. On et surtout on quand il faisait nous croire disait... que ça venait d'arrière, en fait. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Mais quand il nous disait, surtout, dites pas ça. Tu savais pas? Non, je savais pas. Tu croyais que c'était toi qui passais les sons? Ah ouais, ok. Ouais, Manu. Ouais, super la verveine. Donne-moi-en. Donc pour ceux qui connaissent pas encore les débats de Gérard, le but c'était quand même de le faire gueuler quoi. Non. En gros, non, ouais. Hein, c'était un peu ça. Non, attends, qu'est-ce que tu dis? C'était d'apprendre des trucs, mec. Non, mais c'est t'es fou, toi. Bien sûr. Attends, moi j'ai appris des trucs sur les péages, oui. Sur les routiers ou sur la Sibi. Attends, la Sibi, on a des vrais trucs, quoi. Qui pouvait dire que certains routiers déchargeaient à la main? Voilà. Ah, bah voilà. On a appris des choses aussi sur. On a appris des choses sur l'organisation de l'éclipse aussi. Non, pas les deux bras. Un bras, je veux bien. Mais les deux, là, sérieux, faut que tu fasses un effort. Faut que je fasse des signes. Fais-les avec le nez, avec la langue, je sais pas, mais il continue, hein. Ah non, il continue. À l'insolent. Voilà. Donc, c'est dangereux, c'est une menace pour l'humanité, hein, sérieux. On apprenait des choses, donc, par exemple, sur l'organisation de l'éclipse qui a eu lieu en 99. Mm-hmm. Et je vous propose d'écouter ça. Oh, donc, pour répondre à la question, lune de miel, c'est vrai que ça a été vraiment mal goupillé parce que sur Paris, on a pratiquement rien vu. Ouais. Mm-hmm. Hein. Ceux qui ont eu plus de chance à l'avoir, c'est Fécamp, Reims et l'autre ville, je crois. Ben, pourquoi, je ne sais pas. Ah, donc. Parce que, non, mais tu sais, j'ai vu comment ça se passe. C'est comme pour les JO, il y a un comité, il y a des villes qui se présentent, et puis il y a un vote qui est fait, et puis il y a des villes qui sont choisies, je veux dire. Ça, et comme tu sais, bien évidemment, si la magouille, il y a du pipon. Bah, c'est pareil. Non, mais c'est il y en a toujours que pour les hétéros, et c'est tout. Ouais. Ah, donc, L'hétéro, il t'emmerde, l'hétéro, il te dit au revoir. Mais non, mais l'hétéro, c'est pas méchant. C'est pas méchant, Gérard. C'est pas une insulte. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi faire pour avoir une éclipse partout dans le monde? Correct. Non, mais ça, de toute manière, ils auraient, comme lune de miel à 10, et c'est vrai que sur Paris, on n'a rien vu du tout, quasiment rien, parce qu'il y avait trop de nuages. Par contre, le lendemain, t'aurais vu le soleil, le temps, le ciel était vachement bleu, donc là, ils auraient pu la faire ce jour-là. Comme par hasard. Hein, mais ça coûtait trop cher d'en faire une autre le lendemain. Non, parce que ça, c'était pour finir le siècle. Donc, avant qu'on arrive dans sur l'an 2000, ils ont voulu la faire avant. Mais ils auraient pu attendre sur Paris de la faire le lendemain. Parce que c'est vrai que nous, on n'a rien vu. Et moi, j'ai regardé comme ça. En fin de compte, t'as rien vu. Même sans lunettes, j'ai essayé de la regarder. Et ça m'a rien fait du tout. Pas comme celui du conseil qui a regardé trop l'éclipse, justement. Ouais, Manu. C'est qui ils? Quand tu dis ils auraient dû le faire. C'est les hommes politiques, c'est à eux de faire quelque chose. Faire ça proprement, quoi. Voilà. Les politiciens, donc, c'est méchant. GG, oui. Moi, ce que je trouve encore plus débile, c'est qui? C'est lune de miel. Oui. Comme tu disais, ils faisaient beau le lendemain. Une fois que le matériel était installé, je veux dire, le matériel, il était déjà sur place. Ils n'auraient pas pu la refaire le lendemain, tu vois, ça aurait coûté vachement moins cher, le matériel était déjà là. Bah ouais, mais c'est vrai que. Incroyable, non? Enfin, c'est surnaturel. Arnold, je crois que t'étais Moi, j'adore, étonné. Moi. J'adore. Non, mais oui, parce que je découvre en même temps. Effectivement, je connaissais pas cette émission avant, d'où mon étonnement. Alors, mais le attends, mais où ça peut? Enfin, oui, on va la faire le lendemain, quoi. C'est mal organisé. L'éclipse, on va la faire le. Mais c'est dément d'en arriver à ce niveau-là, quoi. C'est les politiques, mon pote. C'est les politiques. De toute façon, les contribuables. De gauche, tu te fais enculer. Mais tu mouilles pas. Tu mouillais pas. Ah, t'aimes bien ça. C'est bon. S'il te plaît. On va faire. J'ai une petite liste là sous les yeux de ce qui faisait enrager GG le plus. Toujours dans un but pédagogique, hein, pour que les gens un peu sachent ce qu'il fallait dire pour l'énerver. Les chiottes de la loco, alors. Qu'est-ce que. Oh, pas mal. C'est une grosse période. Légende. C'est une grosse période. Hein. Ça a commencé très tôt, les chiottes de la loco. Ouais, c'est au début. C'est pas Pancho, ouais. Qui c'est qui m'a dit. Il y a un mec de Mister Cousin qui m'a dit, quand je suis arrivé à Paris, je sais plus qui c'était. Quand je suis arrivé à Paris, je suis allé à la loco, fallait que je voie les chiottes de la loco. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco. Ça m'a fait exactement pareil. Ouais. Ah, t'as fait ton pèlerinage aussi? Je suis allé voir les chiottes de la loco. Ah, j'ai pas c'est pas vrai. C'est ça, et t'as fait des trucs dedans ou... Non, j'ai cherché Gérard, la tête dans la cuvette. T'as été donc dans les toilettes hommes? Non, ils sont mixtes, je crois, je sais pas. Je sais pas, jamais été à la loco. Dans une discothèque, des fois que... D'ailleurs, Salvatore en parlait de la loco tout à l'heure, oui. Pendant qu'on était en pause. D'accord. Ah non, ça c'est. Ah bah c'était c'est juste Marco. Après. 4 minutes et demie. Ça m'a marqué. Bon, allez, Salvatore, on va se le faire maintenant alors. Salvatore, donc noir, je vais lever le bras. Hein, voilà. Gérard, tu n'es finalement pas mort. Ah non. C'est parti, Salvatore. Chute totale le truc, on va peut-être arrêter là. Alors quoi, ouais. Qui s'amuse à mettre Salvatore derrière? Je sais pas. C'est Salvatore et personne n'est en train de me mettre. Je te signale que pour l'instant, il y en a un qui est en train de s'amuser, en train de mettre... Non, il y a personne qui est en train de me mettre. Moi, je te dis que oui, moi. Bah, moi, je te dis que non, je sens rien. Ah bah, tu sens rien, toi. Mais qu'il est con, celui-là. Ben, on est en train de mettre un disque ou que c'est ma... Tu chantes le bâton. Tu étais en train d'insinuer qu'il y avait un mec qui était en train de me mettre. Et moi, je te dis que non, tu vois. Oh là là là là là là. C'est pas parce que toi, t'en prends plein le petit à la loco. Bon, allez, Salvatore, tu dégages. Mais je dégage de quoi? Allez, au revoir pour lui. T'es en train de dire que je suis en train de me faire insinuer par un mec. Ouais, ouais, bah allez, dégage. Non, mais je peux pas les... Dégage. Tu me viens, Salvatore. Tu lui dis au revoir. Gérard. Sans au revoir. Au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de deux secondes. Au revoir. Salvatore, ouais, Rigo, une réaction? Ah ouais, franchement, c'était bon. Hein. Franchement, je crois qu'on m'entend rigoler comme un âne encore. Moi, je voudrais demander à Arnold d'où vient l'expression me mettre dans le petit, parce que j'ai jamais entendu. Ah, dans le petit? Dans le petit, anatomiquement parlant, c'est petit. Je crois que ça, c'est clair. Ouais. Enfin, pas chez tout le monde, paraît-il. Enfin, je veux dire, c'est toi qui a inventé le processus. Je veux dire, du c'est petit. C'est quoi, tu as arrêté? Parce que j'ai jamais entendu l'expression. Ah, l'expression, je crois pas. Non, je crois l'avoir entendu quelque part pour dire la vérité. C'est une ressucée. Ouais. Okay. Ouais, c'est le cas. Ouais, d'accord. Okay. Tout à fait. Le petit, mais j'aime beaucoup cul en étoile aussi, qui n'est pas de moi. Tout le trou bas en étoile, bien connu. Ah ouais. Le cul en étoile ou le fion en étoile. Ouais. on l'a utilisé là, ouais, tout à l'heure à propos de la prochaine finale de la Coupe de France. Paris-Marseille. Je crois que j'ai oublié de dire que cette émission était réservée à un public averti, mais bon, maintenant je crois que c'est trop tard. Ouais, c'est un peu tard là, ouais. C'est un petit peu tard. Ouais. On va continuer dans la liste des choses qui énervaient le GG. Il y avait le verglas, la plaque, plaque de verglas. Alors Tony, tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient? En fait, apparemment, il aurait glissé dessus, il aurait eu un accident avec son camion. GG était routier, on le rappelle. Ouais, voilà, il a eu un accident de camtar, donc. Et donc il aurait glissé dessus pendant qu'il était routier en CDI, apparemment. Parce qu'il n'a jamais plus été en CDI, il a vendu des yaourts, voilà. Il se faisait prendre le petit à la loco, c'était lucratif, j'imagine. Et donc j'imagine que en fait, bon, il était en CDI en tant que routier, il aurait glissé sur une plaque de verglas, ce serait manger une portière droite sur la hanche droite, ouais. Et aurait eu une prothèse. D'où la jambe en bois. Et la rotule, voilà. En acajou. Oh, voilà. La vieille beuge. La jambe en acajou, donc. Et alors le kyste. Le kyste. Alors ça c'est mystère. C'est le kyste mystère. Peut-être. Moi j'ai une thèse. Oui Tony. Peut-être il serait mis un coteau-tige dans le cul et après il serait gratté le cou. Une infection. Mais c'est une thèse. C'est une thèse. Moi je. Mais ouais, il avait donc deux gros kystes. Non, un gros et un petit. Je tiens juste à rappeler que l'un d'entre nous, donc en l'occurrence Goldo, était arrivé un jour à l'an. Non, c'était Tony. Tony, avec ouais, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle petit kyste et je suis dans le coup. Et c'est une des grandes fois où j'ai vu Fildar sortir du studio en pleurs. Bah écoute, Tikiste et je suis dans le coup. Tu veux qu'on le réécoute? Ah oui. Bah écoute, c'est prévu. Mais c'est géré, ça. Radio Campus en France. Bon alors là, Radio Nationale. Radio Nationale, Radio Campus. Oh là, ils ont tous levé les bras en même temps, c'est bien. 49, mon bon noir. CD1, la track 49, c'est le débat sur les maladies. Donc, au début, c'est un peu long au début, le kyste vient à la fin, mais au début, c'est pas mal non plus avec le Viagra et tout ça. Alors, voilà. Seb, il n'y a jamais eu de 49 sur le CD1. Il n'y a jamais eu de. Il y a eu 39 par contre. 39, non, même pas, non. Il y a 31. Alors, qui dit mieux, attention, 39. Au-delà de 31, vous allez. 43 à droite, 56 à gauche. C'est le CD où il y a la 39. 57 au milieu, monsieur Gold. 58, mademoiselle. 59, j'entends 59. J'entends 59 une fois. Attendez, 59, je veux parler. 72, dans le carré VIP, j'entends 72. 72, une fois. 72, autant pour moi, c'est 29. 29. Seb, le truc, c'est de surenchérir, quoi. Ouais, mais c'est vraiment 29. D'accord. Cirrhose, du foie. Alors, tu peux avoir la diarrhée à tout moment et à toute saison. J'en ai rien à foutre. Ben alors, On t'arrange gentiment. Donc à toutes les saisons, tu peux avoir la diarrhée à n'importe quel moment. Voilà, ça c'est une bonne question que je voulais dire, mais c'est bien. On me retire les vers du nez. J'avale. Les vers du cul, c'est la diarrhée. Ta gueule, toi. J'avale. Ouais, ben écoute. plutôt en hiver, parce que moi la dernière fois que j'ai eu la diarrhée, j'avais chopé une hépatite G et en plein hiver et j'avais une chiasse, mais l'enfer. D'accord, sa moustache. Non mais c'est bien parce que ton micro là c'est pareil. Alors pas de chambre. Ouais, mais moi je pense que c'est en automne puisque j'ai eu il y a deux jours. Non, tu l'as eu il y a deux jours? Ouais. Ah bah d'accord, donc tu pourrais préciser? Prends-le, salut, la chiasse et tout, qu'est-ce que je prends-le, pétaco. Oh, ça y est, vous vous calmez là derrière, s'il vous plaît, merci. Moi, je peux vous dire que c'est rare quand j'ai la diarrhée et ça m'arrive pratiquement jamais. Vraiment, ouais, toi, t'es plus loin la diarrhée. Hein. Heureusement, parce que ça sera un sacré bordel chez toi. Alors, tu as dit encore un mot de travers, tu veux laisser sur plus la main dans ta gueule. C'est pas ça, direct, que de la gueule. Ok. Alors, troisième question, doit-on trouver un vaccin contre le Viagra? On va demander ça à pas de chambre. Ouais, je pense, ouais. Mario. Oh là. Arrête, Mario, c'est en commune, toi. Gérard, ton débat, assis-toi, fais ton débat. Alors, pas de chambre. Ouais, j'ai dit ouais. Dans quel préciser? Bah, je dis oui, je suis d'accord, quoi. Mais putain, mais tu vas laisser ton micro éteint, tu vas faire ton boulot comme il faut au standard, ou tu finis tout de casse, là. Regarde les connards, là, qui font le bordel. Rien qu'à la chiasse. Tu gères rien, Fildar, c'est une honte. Putain, mais droite. Ça y est, la droite elle est partie. Ouais, j'ai un coup de tête dur, claque. Putain, Pédard, tu as bossé un peu là. Ça te garde en gueule avec toi, hein. Bon, Gérard, en attendant, on a une question sur l'IRC que je trouve intéressante de Blue Falcon. Comment attrape-t-on le Viagra? Alors ça, le Viagra, correspondance. Moi, je pensais qu'on l'attrapait au lasso, mais... Moi, je peux témoigner, c'est Viagra. Ouais. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est... J'ai un peu déconné, quoi, parce que le Viagra est venu en France, c'est que j'ai pris 10 pilules d'un coup. Mmh. Donc maintenant, à chaque instant, je bande. Non, mais ça, de toute manière, normalement, la pilule contre le Viagra... Le truc du Viagra, normalement, c'est prescrit par les médecins. Ouais, mais c'est bien précisé combien qu'il faut en prendre. C'est pas un médecin agréé, donc il va prescrire. Attends, ça que tu dis n'importe quoi, tu commences à me casser les couilles, toi. Gérard. Oui. Est-ce que tu prends du Viagra, toi? Non. Et toi? Non, il a déjà du gras à la maison. Il a pas ta gueule, toi. C'est pas tout fait tout à l'heure. Si tu veux saccager le boulot, tu le saccages, mais tu dégages. Ça va chier pour toi, Fildéa. Oh là là là. Alors, on va demander à... Oui. Salut, ça va? Ouais, et toi? Tranquille. Ouais. Allô? Oui. Allô? Gérard, arrête! Tu as serré les auditeurs, ta mère! Oh la vache, Fildéa, il est par terre, il vient de se prendre un coup de feuille, et tout ça mate. Les gladiateurs. Bon, on va reprendre le thème. Bon. Allez. T'as que faire l'éteindre ton micro. Arrête, c'est bon. Gérard, si tu vas, vas-y, laisse-le. Gérard, ton débat. Il tape avec des bouts de cadeaux. Vous ne pourriez plus rien gagner dans la journée. Gérard, arrête. Arrête, Philippe. Tout à l'heure, je vais l'éclater pour Dodon. Je vais laisser le débat terminé. Je vais laisser Rousseau maintenant. Je crois qu'on avait prévenu toi, avant, hein. Ouais. Donc faire un boulot comme il faut. Alors tu as cherché le connard. Connard. Mais vite fait. Salut, ça va? Ouais, toi. Alors troisième question, on va demander à pot de chambre. Arrête, fais le boulot, putain. Gérard, ton débat. Comment ça me faire chier là, hein? Salut, ça va? Bon, on voit un disque, on va. Non, on peut pas. Non, c'est. Moi, t'envoie. Gérard, on va reprendre dans le calme. Sur l'IRC, il y a au moins 200 personnes qui sont parties suite au débordement de Fildéa. Voilà. Merci Fildéa. Et on est plus que deux sur Minitel aussi. Combien sur plus que deux? Eh ben c'est bien. Donc tu gères un peu Phil. Excuse-moi Gérard, à la place des messieurs, on accueille Petit Kist. Non mais c'est pas la peine. T'es vraiment une pute. C'est dit que c'était plus la peine de prendre d'auditeurs, j'ai arrêté. Attends, éteins-moi ton micro, toi. Ah, je suis dans le coup. Et à la place de Suppo 2, on a Suppo 3. Hein. Non, c'est pas la peine. Voilà, de retour donc. Je crois qu'on peut applaudir Tony pour le je suis dans le coup. Petit kiss, je suis dans le coup. C'était bien vu, c'était venu comme ça, direct, tac. Le modeste. Il avait travaillé. Non, Tony, il a plein de, tu sais, il a plein de writers derrière. Hein. Il en a une dizaine qui lui écrivaient ses vannes. Ça lui est pas venu comme ça du tout. C'est les mêmes que les miens, non? Bah non, mais c'était une émission. Fred déjà. Non, mais mine de rien, c'était une émission vachement écrite, Gérard. Tout était écrit. Tout était écrit, bien sûr. Bon là, on a entendu que Fildéa s'était fait un peu molester. En fait, on entend à un moment, on entend un grand brouhaha. C'était les chaises. Alors il poussait les chaises. D'un coup, il se levait, il montrait Fildéa du doigt, l'air, l'œil rouge, quoi. Eh ben tu crois pas si bien dire en parlant des chaises, puisque Fildéa nous en a parlé ce midi justement. C'est incroyable. Il y a quel conducteur, mais c'est pas possible. Appelez Médiamétrie. Non, pas violemment, parce que je pense que Gérard ne savait pas frapper, parce que c'était, à mon avis, rarement battu. Mais ça lui arrivait, oui, de te mettre un coup de poing ou une claque sur l'épaule. Mais tu vois, ça a jamais été vraiment très, très, très, très, très méchant. Mais je me souviens que ça m'est arrivé aussi de lui en retourner une, quoi. Mais une claque, mais une gentille, tu vois, juste pour lui faire comprendre que le boomerang, il revient toujours. En parlant de boomerang, qu'est-ce qui t'a balancé aussi à travers la gueule? Il y a eu des objets, je crois, des briquets, des portables, non? Des choses comme ça. Briquets, ouais. CD, portables, fiches. chaise. Après, ça devenait trop lourd pour lui parce qu'il avait aucun muscle, donc il s'arrêtait là. Mais ouais, je pense que le plus gros objet que j'ai reçu en pleine poire, c'est une chaise. Non mais Fildar, t'as l'intention de faire chier ton monde jusqu'à quelle heure là? Bah 2 heures. Ouais. Mais t'es vraiment un pédé pas pourri toi. Ouais. T'es vraiment une pute hein. Oh. Oh. Manu, donc les violences de GG, est-ce que toi t'en as subi également, je pense? Oui. Quelques-unes, mais plutôt des lancers moi. Alors que... Celui qui a beaucoup... de la musique derrière, arrête. C'est clair, attention. Je vais le trouver. Ouais, plus des lancers de cailloux, tout ce qui lui tombait sous la main, de chaussures, des fois de briquets beaucoup. Il avait tu dis ça, je crois qu'une fois il est venu avec un caillou. Même. Ouais, mais pour le lancer sur vous. Ouais. Ou avec un truc. Il avait toujours des briquets, tu sais, ou des trucs enveloppe le briquet là que tu trouves dans les vieux rades. Des canettes vides, de bêtises. Ouais, des trucs comme ça. Non, parce qu'il en cachette, tu vois, jamais. Mais ouais, il lançait tout ce qui lui passait sous la main, des stylos, des briquets, ouais. Et mais ça va, t'as pas été trop traumatisé. Non, je me suis pris quelques trucs, mais bon, ça va, hein, tu vois. Comparé à l'odeur. Ouais, voilà, comparé au pif, c'était rien. Le quoi. Pire, c'était donc l'odeur, c'était pas. Ah ouais, non, mais franchement, honnêtement, ouais. Attends, vraiment, non, mais, le bruit, mais c'est marrant, t'es à des kilomètres d'imaginer ouais, ce que parce que déjà, là ce soir, c'est très pénible. C'est très pénible ce soir, mais ce n'est rien. Non, parce qu'il faut quand même préciser un truc par rapport à ce soir. La majeure différence qui. Enfin, tu vois, c'est que nous. Aujourd'hui, on s'est tous lavé. On se lave et on. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que le putois, il portait pas son surnom pour rien, quoi. D'accord. et comparer un putois, le putois, ça lève la queue hein, avant de balancer, hein, je veux dire. Et comment elle faisait Sandy alors? On va parler un peu de Sandy. Bulldog Mystère. Ça ressemble, ça sort. Je crois qu'elle baignait dans le même moule en fait. Dans le même jus. Exactement. Je crois qu'elle baignait dans le même jus. Il y en a qui ont dit qu'elle servait un peu de Gérard pour approcher Max ou pour être dans les studios. Elle était amoureuse d'Arnold, je crois, honnêtement. Et je crois que c'était effectivement un moyen de pouvoir se rapprocher d'Arnold et lui toucher le boule, quoi. Ouais, ouais. Je pense, hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, j'en pense que du bien. Voilà. J'en pense que du bien. J'en pense surtout que si ça s'était concrétisé, j'aurais pu cartonner auprès de mon charcutier, quoi. J'avais de quoi lui fournir. Une belle pièce, quoi. Si t'aimes les rillettes. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Même si tu les aimes pas, d'ailleurs, tu t'y mets, quoi. C'est ça qui est. Une bosse de cul. Et puis, n'ayant pas vraiment la bosse des affaires, j'ai laissé passer le business. Et tu t'es fait doubler par Henri. Dans son break. T'avais pas de break à l'époque. Alors le gros dossier. On peut pas draguer en Simca. Est-ce que Gérard était cocu alors? Est-ce que c'est vrai cette histoire de. Mégane, vas-y, Mégane. J'en ai aucune idée. Ok, suivant, super. Suivant. Juste pour dire du mal. Moi je pense qu'Henri. Moi j'ai la peau, Tony, d'accord? Il a rien dit, Tony. Arnette, alors cette histoire de Gérard, de Sandy et Henri, c'était Henri son meilleur pote? Mais je pense que son berger allemand aussi, il a dû. Il y en avait plusieurs en plus. Ouais, il y en avait 3-4, attention. Ouais, il en avait beaucoup. C'était un break. Sustenté. Et l'odeur de Sandy alors c'était de même acabit ou ouais, mais c'était masqué par celle de Gérard quand même. Gérard que non, Sandy. C'est clair, il y avait une bonne maquillage surtout. Maquillage, très sympathique. Ils vivaient ensemble, aussi, donc c'était la même famille d'odeurs. Ouais. C'est vrai qu'au niveau du maquillage, il y avait de l'épaisseur. La gitanerie. Ouais. C'est vrai qu'elle avait un côté. C'est vrai qu'elle avait un petit côté manouche hein, quand même. Ah ouais. Faut le dire. À mon avis, elle a dû gorger du poulet. Tout le temps en noir et blanc. Tout le temps noir blanc. Maquillage noir blanc. Noir et blanc quoi. Quoi en quelle couleur quoi? Il me semblait que c'était noir et blanc. Sûr de ça? Peut-être. Ouais. Ce que Gérard détestait aussi, c'est qu'on parle des animaux abandonnés sur l'autoroute. Ah là là, oui, tu vas trop loin. Vous n'allez pas faire à chaque fois. Et t'es fou, mais trop de dossiers. Des sujets sensibles. Chacun. Après, tu vas me parler de son nom de famille. Pas tous à la fois. Si on parle Goldo. De sa fille et tout. Goldo. Je répétais ce que disait Manu, il parlait du petit chat câlin quand même. Allez Manu, au lieu de rouler là. Allez. Souvenez-vous le petit chat câlin, mais je me souviens que de son nom, je l'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas abandonné. Il est clamsé le truc. Il est mort. Il est clamsé, il vivait chez Gérard, je te rappelle quand même. C'est quand même. Et le machin, il a clamsé, mais vous savez comment? Il s'est suicidé en fait. Et dit non, j'ai osé l'odeur. Il s'est mis les coussins sur. Imagine la gueule de la litière du chat chez Gérard. Voilà. La douche, mec. Non, il y avait de la vaisselle. Il faisait la vaisselle. Non. Ce qu'il faut rappeler un truc, avec c'est que Fildar, on a vu de la vaisselle dans sa douche. C'est vrai. Dans la douche. En animal de compagnie, il serait suicidé le bouc. Le petit chat qui a là. Trop de concurrence avec moi, adieu monde cruel. Et hop. Qui descendait avec lui à la cabine, je crois, le petit chat au début. Ah, ça je sais. Ah, pas. Là c'est de l'exclu là. Jingle. Il a taffé le mec. Non, mais on va enchaîner alors. On a pas une interview du petit chat. Le Big Bill. Le Big Bill. Oh, le Big Bill. Big Bill. Ouais, d'ailleurs, on avait eu le mec qui faisait la voix de. On avait eu le mec qui faisait la voix de Bill. Lors du. Et il y croyait pas, ce con. Non. Pour le débat sur les jeux télé. On s'est pris la tête. Pour une fois, on avait bossé. Pour une fois, on avait foutu quelque chose. On avait coup de fil, quoi. Non, c'était pas moi qui l'avais fait. Non, c'est un mec. C'est bizarre. Il venait pour quelqu'un d'autre et on l'a persuadé, tu vois, de faire un truc. Tu l'as payé, quoi. Eh ben, on va passer un extrait des jeux télé justement. Oh, c'est la 8 alors il y a marqué Fildar. Non, ben justement non. C'est encore Fildar. C'est la 28. C'est la 28 et voilà. Encore Fildar hein, je veux c'est, dire c'est abusé. Mais c'est... Le premier débat va porter sur les jeux télé. On va accueillir pour ça Je pue la crotte Yeto on peut écouter Fun Radio non, sur Ipto Gérard, excuse-moi. Ah Ipto. D'accord. Ouais. T'écriras mieux, d'accord. C'est la, tout ce non, qui non, est... mais t'écriras mieux. C'est okay. Manu qui a écrit. Gérard, c'est mon écriture, tout ce qui est ville et fréquence. Ok, je te remercie, Manu, de préciser. Donc, on peut écouter Fun Radio sur 87.9. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Ouais, bonsoir Tony. Non, mais non, Tony, il est là. Écoute, Tony, allô. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir à tous. C'est pas moi. Ah oui, ben, bien sûr, Tony à Brest, c'est ça, Tony c'est Paris. Il a le droit de voyager. Enfin bref. Pipion. Ouais, Pipion. Salut, Gégé, ouais. Albi, 97.1. Ouais, c'est ça. Non mais répondez pas quand je parle. Bon, Pipon là. Pipion. Oui. Oh, Pipion, tu réponds ou quoi? Là, merde. Oh, quoi, merde, va te faire foutre, ok? Oh, Gérard, doucement quand même, c'est le début, hein. Pute de nuit, Arras. Bah, bien sûr, allez, foutez-vous de ma gueule, allez, hop, on attaque, comme ça. Non, mais présente quand même tout le monde, GG. Attends, pour un sens, c'est quoi ce bordel que tu me fais? Tu commences! Attendez. Allô. Merde! Putain, mais c'est quoi ce bordel? Moi, je fais ce temps-là. Mais quoi, j'ai rien fait? Mais t'es dans ce putain, pas mais c'est quoi? Gueule pas, on va voir trois auditeurs. Oh non, mais attends, c'est quoi ce bordel là qu'il nous fait? Quoi, il y a je pue la crotte. Non, allez hop. Mais calme-toi, t'es énervé pour un rien. Putain, mais merde, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ses surnoms, j'y peux rien. Attends! Dégage, je veux plus te voir ici. Dégage, casse-toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le standard? Comment on fait? Attends, putain. Non, mais Gérard, moi, j'en ai ras-le-bol, c'est toute la semaine, c'est le bordel. Voilà. Tu parlais Goldo des remixes. Non, on parlait des phrases qu'on plaçait comme ça en récurrent. Je disais que c'était un peu devenu notre zapping à nous en fait. Le but c'était de sortir la plus grosse connerie et essayer d'être dans le prochain remix. Voilà. On va jeter un œil sur l'IRC peut-être. On est combien Berserk sur l'IRC? 48 564. Oh, ça monte. Ça monte. Moins deux. Est-ce qu'il y a des questions sur l'IRC peut-être pour nos invités? Tu cartonnes. C'est clair. Attendez. Alors attention, gros dossier. Puisque Arnett, ça va être ta fête. Oh là là là. J'adore là. On va rentrer un peu dans l'univers d'Arnett, si vous voulez bien. Aïe. On va pas commencer par les puces. Par les puces. Bienvenue dans l'autisme. Les puces. Je suis encore avec Gérard. Par les pouces. On va passer donc là c'est tout simple hein, noir oui. Voilà. Non pas du tout. Arnett Sankou Kaira, tu te souviens de Sankou Kaira? On écoute Sankou Kaira et on reparle des pouces juste après, ce qui laissera le temps à Noir de préparer le troisième CD apporté par Arnett. Ouais. Sankou Kaira. Allô Sankou Kaira. Allô. Tranquille Gérard. Ta fréquence. Oh, vas-y, reste tranquille. T'as frère, ouais, tu restes poli ou sinon tu sors. Moi, mes potes de la cité, on te fout des pouces, reste tranquille un peu. Bon, là, Manu, terminé pour lui. Attends, il avait un truc super intéressant. Non, allez hop. Vas-y, ferme ta gueule. Allez hop, tu dégages. Allez hop, au revoir, J'y arrive pas. Tu lui dis au revoir. Au revoir. Hop. Je suis pas ton débat, c'est tout, tu restes tranquille. Ouais, bah toi, tu dégages. dégages. Tu dégages, c'est tout, au revoir. Au revoir, allez hop. Manu, s'il te plaît, tu me le vires. J'y arrive pas. Ouais. Tu l'as. On revient. Alors Arnette, bonsoir Arnette. On bonsoir, t'a pas beaucoup bonsoir, entendu depuis le début. Tu es quelqu'un de très modeste, hein, il faut le dire. Oui, oui, oui. T'es un peu en vrai. Retrait là. Mais là, ça va être ta fête. Donc l'histoire des pouces. Alors d'où ça vient ces pouces? Alors écoute, ça remonte à 1945, je me souviens... Non, non, sérieusement. Ok. Eh ben rien de bien intéressant, c'était... Ok, on enchaîne. Arnold, un son d'Arnold alors. Oui, bien sûr. Alors, au hasard. Au hasard. Non, les, alors faut rappeler que les pouces, donc c'était dans tes surnoms, t'essayais de placer tout le temps le mot pouce. Il y a quelqu'un qui a dit que ça dure 10 minutes. Ça dure 10 minutes ton son, Arnette ? Ah, écoute, je sais pas, hein, moi je te balance des CD, tu me dis. Moi je sais pas, moi je crée, hein, tu vois, je suis un artiste, je crée, je crée. Arnette m'a dit, je me ramène avec ma meilleure intervention, la meilleure, performance. En fait, il a réenregistré chez lui, tout seul devant sa glace. Mais 10 minutes, t'as vu le nombre de tisanes que ça nous laisse l'occasion d'aller. Une prestation, wow. Entre parenthèses, même pas dans les débats, c'était dans les conseils de Gérard et Sandy. Oh putain, les conseils. Donc tu faisais c'était Robert ouais. 45 ans, un alcoolique. Ah, c'est bon, et c'était c'est ton bon. Premier pouce. Exactement, le premier pouce. C'est pour de ça l'histoire. Que tu m'as amené le CD. Pouce à Sandy. Voilà, bah ouais. Et bah, du matos, quoi. Voilà. Et après, donc, tu mettais toujours le nom pouce dans tes surnoms pour passer à l'antenne, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et il y avait des. Poustaflex. Des... Voilà. Pousseline. Allez, on essaye de les retrouver tous ensemble. De Lyon. Punky Pousteur. Oh, oui, aussi, ouais. Allez, ensuite, on fait un baccalauréat. Il y en a qui ont bossé, hein. Ouais, ouais. Michel Pousnareff. Oui. Attention, attention. Poustaflex. Oui, on vient de le dire, ouais. Merci. Poustine. Oxmo Poussino. Oh, ouais, si, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, merci, ouais. Ensuite. Elle est où ta fiche ou c'est marqué? Non, ouais, non, c'est dans la tête, Arnaud. Gérard, ouais. Poussin, non Gérard Poussin. Gérard Poussin, ouais, sûrement. Gérard Poussin qui. On va l'écouter tout à l'heure d'ailleurs, Gérard Poussin. Et puis il y avait des titres cinéphiliques aussi, le pouce de Dante. En pleine poussette, j'aime bien celui-là, en pleine poussette, au lieu d'en pleine tempête. Ouais, bah écoute, j'avais une imagination assez débordante. Pouscaille. Pouscaille, ouais. Pour Sankai, je pense. Bah ouais. DJ Rigo. Ça passe avec Pouscaille. Et donc là, le premier pouce, bah, on va l'écouter. Par contre, si c'est trop long, on va cater. On va zapper, ouais. Ouais, mais tu m'avais dit 4 minutes, il y a 10 minutes. Bon. Bon, écoute. On s'en fout, c'est Radio Campus, c'est voilà. Ceci dit, ça peut nous donner l'occasion de nous aérer à nouveau, si vous le souhaitez. Exactement, voilà. Ça fait super bien, ça fait le mec, il s'est cassé un peu le cul pour faire 10 minutes, machin. Ouais, voilà. Et toi, pour lui montrer à quel point tu respectes son boulot, c'est bon. Non, mais moi, je reste pour écouter, c'est à vous de vous aérer. Tu conneries, là. Ce qu'est Marnette reste à la table. Tu ronde, là, Laurent Fignon, on sait qui tu es, putain. J'ai pas de queue de cheval. Sors de ce corps! Sors de ce corps! Contrairement à certains, je n'ai pas eu de queue de cheval. Et ne menace pas avec ce stylo et les bras collés. Les bras collés, les au corps collés, ils sont les bras. Au garde à vous, t'es. Et ouais. Les doigts, les petits doigts sur les coutures, merde. Putain, je te jure. Oh, ça y est, ils voient déjà Gérard Holtz. C'est toi qui parle. C'est toi qui parle de cheveux longs. C'est toi qui parle bon, de cheveux longs. Tu dégages. C'est tu toi dégages. Qui parle de cheveux longs. Je te veux plus. Hein? Bon, allez, les 10 minutes d'Arnette. Quart d'heure de gloire. C'est parti. Robert, 45 ans, plutôt. Bonsoir. Alors Robert. Salut Robert. Oh là là, le cadavre. Oh putain. Oh. Salut Gérard. Tu viens de te réveiller, on dirait. Non non, attends, il est. Hey. Oh putain, je suis bourré là. T'inquiète pas, il est dans le colter complet celui-là. Ouais, je suis bourré. Ouais, Gérard. Ah mais il a bu. Comment faire pour éviter de boire? Attends, Gérard, comment je fais alors? Donc ça, Gérard, je crois que c'est plutôt ton domaine. Situé, je pense que t'as un problème d'alcool, Robert. Ouais, voilà. Mais ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 14 ans, je crois. Oh là là, le pauvre, il est complètement défoncé. Il est con. Et qui c'est qui m'a choisi ça? Qui c'est qui m'a choisi ça? C'est moi. Ah non, je suis désolé, je peux pas. Je peux pas, je compatis. Non. Bah j'ai pensé que tu pouvais bien l'aider, quoi. Oh non, mais attends, Oh, calmos là, hé. Ok. Pour pas avoir la gueule de bois le lendemain. Ouais, non. Allez, Gérard, quitte pas, je te passe mes fesses. Non, mais vas-y, t'écoutes, hein. Oh non, c'est dégoûtant, ça. Hé, Robert, ou tu te calmes ou je te gerbe. Hé, Robert, un peu de tenue, quand même. Hein. Gerbé, c'est ce qui m'est arrivé encore hier. Non, mais moi, je te préviens. C'est où tu te calmes, ou que tu te calmes. On répond, on t'aide pour arrêter, ou tu continues à faire le clown et je te renvoie au standard. Oh, très bien, capitaine. D'accord. Donc déjà, on connaît déjà son problème. C'est une personne qui, apparemment, tu bois beaucoup, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu un problème. Oui. Et là, apparemment, ce soir, t'as vraiment beaucoup bu. Je crois que t'as forcé sur la dose prescrite par le médecin, je trouve. T'as touché un truc, là, récemment, non? Comment? T'as touché de l'argent, non? Non. Un RMI ou... Non, mais non, j'ai pas grand-chose. Non. T'as bu beaucoup? Ouais. Mais c'est combien à peu près par jour? Ouais, oui. Par jour, je sais pas, j'ai commencé ce matin. Alors qu'il est... Oh, t'arrêtes de roter, s'il te plaît, sinon je te dis au revoir tout de suite. J'ai pas roté. Ouais, bah, j'ai commencé ce matin avec deux bouteilles de whisky. Ouais. Jusqu'à midi et demi. Et j'ai continué avec de la vodka et du vin rouge ce soir. Ouais. Bah, mais déjà, putain, on va demander l'avis d'un spécialiste, c'est bien, c'est bon, les mélanges sont les mélanges comme ça. Déjà, les mélanges sont pas tellement bons. T'as mangé auparavant? Mais c'est ça. Non, j'ai mon petit chocolat du matin, je me suis fait un petit banania et... Non, mais on s'en fout. Quoi? Arrête de rigoler, s'il te plaît, parce que c'est pas marrant. C'est pas marrant, c'est vrai. Non, mais à part ton chocolat, c'est pas ton banania, c'est pas quoi là? Vodka. Vodka, t'as rien mangé d'autre depuis? Bah si, je mange. Ouais, bah coke au vin. Est-ce que, comme tu bois, est-ce que c'est dû à un problème ou... Non, j'aime bien ça. T'aimes bien ça, mais t'as pas eu une rupture ou quelque chose? Ouais, non, pas du tout. Quelque chose qui a pu te faire du mal? Ouais, non, pas du tout. Bon, le mieux, c'est... Tu bois par plaisir. Bah ouais, j'aime ça. Et ça, à 45 ans, tu trouves que c'est bien? Bah, c'est un peu personnel comme question, ça. Ouais, non, mais moi, je te pose la question, tu réponds. D'accord. Mais moi, ce que je peux te conseiller, c'est essayer d'en parler à ton médecin. Tu vois, tu vas voir ton médecin, tu essaies de discuter un peu avec lui de ton problème d'alcool. Ouais. Et que tu essayes de voir si tu peux faire une cure de désintoxication. Ouais. C'est une cure qui pourra te permettre d'éviter de boire, enfin, pas d'éviter de boire, mais d'arrêter de boire complètement. Ouais. Robert. Non, mais t'amuses pas te foutre de ma gueule parce que tout à l'heure ça va finir. Essaye quand même de te renseigner auprès de ton médecin traitant et essayer de savoir avec lui de trouver des solutions. Est-ce que t'as des amis qui te forcent à boire? De loin, mais j'ai des copains de comptoir et je bois avec eux de temps en temps. Non, mais en dehors de tes copains de comptoir. J'ai pas d'amis en dehors. Ah, t'as pas d'amis? Ah bah ouais, bah c'est simple, tu peux pas te faire avoir des amis vu dans l'état où tu te mets pour un oui, pour un non. Est-ce que mes amis sont au bar? Bon, allez, au revoir. Attends, il est malade, on peut l'aider. Est-ce qu'il y a des moyens quand tu vas dans un café de t'empêcher de boire? On va demander à Gérard. Non, mais ça, de manière, c'est ça son problème. Oui, c'est le tien aussi. Le mien, il est moins grave que le tien, d'accord? Bah oui, je sais. Toi aussi, tu connais bien ce problème. Ouais, je vais te dire une chose que tu vois, j'essaye de faire des efforts, donc ça fait plus d'une semaine que j'ai pas encore mis le nez dedans, d'accord? Justement, aide-moi. Alors, dans ces cas-là, comme samedi t'as dit, tu vas voir ton médecin traitant. Évite de y aller bourré surtout. Oui. Et évite de fréquenter les bars aussi, parce que là, ça craint. Si tu vas dans les bars et que tu vois les autres en train de boire, là, tu peux être tenté. Surtout là où tu habites, parce que je connais très bien le coin. Ah oui, t'as qu'à rire. Plutôt, il connaît tous les bars. J'ai déjà vu dans le quartier. Je sais, t'inquiète pas, je sais très bien où que c'est. T'as deux, trois adresses à conseiller, Robert, non? Non, pas pour les cafés. Les cafés, je sais sur les... Les cafés à Puto, ça manque pas. Hein. Non, c'est pas ce qui manque. Le mieux pour toi, Robert, c'est déjà que tu vois ton médecin traitant. Voilà, tu vois avec lui, que tu essaies de lui demander si tu peux faire une cure de désintoxication. Déjà, t'essayes de voir avec ton médecin traitant les problèmes, le pourquoi que tu te lances dans l'alcool, pour commencer. Mais Gérard, t'es con ou quoi? Tu crois que j'ai attendu 14 ans pour aller chez le médecin? Et alors, pourquoi que tu te remets dans ces états-là? Attends, je suis pas con, d'accord? Oui, je sais. Et t'as jamais fait, le médecin, t'as jamais proposé une cure de désintoxication? Ah non, pas encore, faudrait peut-être que je change. Et ça, c'est remboursé par la sécu, les amis? Ouais. Je pense, hein. Ouais, c'est ça. J'espère. Tu vois ça avec ton médecin traitant. Manière, tu fais une chose, si tu vois que ça va pas, hein, bah, tu fais une chose, tu contactes le 15 et puis eux, ils vont t'emmener tout de suite dans un endroit. Mais évite de fréquenter les bars, parce que là, tu risques d'être tenté et là, c'est pas bon. Et là, de toute manière, c'est pas en traînant dans les bars que tu arriveras à... Change-toi les idées, essaye de trouver, tu travailles, non? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Ah ouais, d'accord. Ça t'arrive d'aller travailler bourré? Oui, aussi. Ah ouais, et ton patron, il dit rien? Ouais, il ne voit pas. Ah ouais, il te voit pas? Ouais, pas souvent. Et tu arrives à te concentrer Tu fais quoi comme boulot, sans indiscrétion? Je suis coursier. Coursier à pied ou coursier en voiture? Ah d'accord. Ah bah dis donc, je pense que tu devrais éviter de boire, parce que là, coursier en mobylette, tu peux avoir un accident. Ah bah attention, je maîtrise ma mobylette. Ah ouais. Donc ouais. C'est-à-dire que tu bois, mais t'as quand même le comment je pourrais dire, le sens de maîtriser, ouais, le sens de l'orientation, de maîtriser ton véhicule. Okay. Bon, de toute manière, le seul conseil que je peux te donner pour l'instant, c'est d'aller voir ton médecin dès que tu peux, le plus vite possible, d'éviter d'aller trop dans les bars. Voilà. Okay. Hein? Mmh. Et tu lui demandes s'il y a possibilité de faire une cure de désintoxication, c'est-à-dire qu'il va t'envoyer dans un centre. Genre de maison de repos. De maison de repos comme. On ne voit pas, il n'y a pas d'alcool du tout là-bas, il n'y a rien. Non, il n'y a rien de sauf. Sauf une fois qu'il aura le droit de sortir, maintenant après c'est son problème. Ah oui, donc en fait il va faire une cure de désintox, il boit pas, mais quand il ressort il peut repicoler à mort. Ah bah ça c'est risqué péril, hein. S'il veut se replonger là-dedans et que la cure sert à rien... Contre ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette cure peut durer de 1 mois à 2 mois. Ça dépend. Ah, hein. Ah ouais, quand même. C'est long quand même. Ça peut pas être 3 mois. Ça peut être 1 mois ou 2 mois, deux, parce que moi je l'ai déjà fait, donc c'est 2 mois maximum. Bon, bah, tu vois, en hiver, ça marche pas. Si, ça marche. Pour l'instant. Alors, Tu l'as fait quand? Il y a longtemps, alors. Bon, Robert, de toute façon, on te repasse Gérard en antenne. Okay. Non, c'est bon. Je t'embrasse, Gérard, et Sandy, je te fous un pouce. Ouais, ben, t'as raison. Et ben, bonne nuit, Robert, et... Ben, merci, Lucas. Tue bien, surtout. Ok? Allez. Bon courage, moi, quand même. Ça y est, on a plus tu personne. Il y en a plus? Non, c'est Red. Ah, il y a plus de, il y en a plus. Non, personne. Bon, travailler quand même. Bon, bah, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, rien de spécial. Là, c'était une petite surprise qu'on voulait faire aux auditeurs. C'est l'avenue des tourtereaux. Des tourtereaux, comme tu dis, si tu peux dire aux auditeurs, passez une bonne nuit et puis bon courage pour demain si vous travaillez. Hein. Ben voilà, donc t'as fait. Tu voulais pas passer un petit coucou toi à quelqu'un avant? Oh, le Larsen. Ah bon. Ma Noémie, reste. Si, j'embrasse Nicolas très très fort, le petit garçon que je m'occupe depuis 2 mois. Dont je m'occupe. Tu pourrais parler français, s'il te plaît. Bah, oui. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Que le mec qui s'amuse à mettre les applis charrettes, parce que sinon jeudi, il y a quoi? Vas-y. Normalement, jeudi, c'est prévu qu'il y ait un débat sur les ovnis, les extraterrestres. Que si demain, si ce soir, Max, il me dit qu'il y a encore des affiches, jeudi, c'est pas la peine. Tu seras tenu au courant, donc c'est à minuit, jeudi. Donc, normalement, c'est prévu minuit. Débat de Gérard. De les débats. Mais si ça s'arrête, si ça continue, il n'y aura pas de débat, il y aura un best-of. Sinon, vous allez retrouver Rousseau pour la nuit sans pub, là. Et donc, demain, l'équipe au grand complète. Max. Fildar au standard, Max et Manu au standard, pardon. Max et Manu au standard, oui. Et Max, ça y est. Le grand chef de la bande FM qui sera là. Donc, je rappelle quand même pour lui faire un peu de pub. Et c'est que le demain. On va reprendre. Je crois qu'on peut tous, applaudir Arnett pour sa performance. La meilleure vanne de la soirée. Ouais. J'ai écouté ça avec émotion. C'est incroyable. Ouais. Mais comment t'as fait pour parler tout seul? C'était écrit ou pas? Vrai talent, non? De l'improvisation, les choses se passent avec Arnett de fun. Oulala, il se réveille, ça y est. Eh ben, on entendait donc l'histoire des tracts dans ton petit passage là. Des tracts, pardon. Attention. Quelle erreur. Dire les choses. Bah oui, oui, si bah tu veux oui. Faire carrière, hein, il va falloir que tu. Ouais, c'est probable, des tracts. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça a contribué à faire le mythe de Gérard, en fait. Parce que, bah oui, il y a un mythe qui s'est créé avec toutes les tracts qui venaient de. Les tracts. Tu ne t'y suis pas, c'est impossible. C'est pas comme si on te l'avait pas dit. Gérard. Lèche-moi le zob. enculable. Je t'avais dit que ça allait repartir. C'est impossible. Il y avait quelqu'un qui bossait beaucoup pour ça, c'est Fesses de Babouin, on peut l'applaudir. Ouais. Bravo, Fesses de Babouin. Fesses de Babouin. Respect. Fesses de Babouin qui est très timide et qui, bon. Pancho, allez Pancho, viens, allez prends ton micro. Pancho de Mister Cousin. On l'applaudit Pancho ou pas? Non, bravo Pancho. Attends, on applaudit le mec qui va perdre à son procès. Attends. On verra bien. Donc Fesses de Babouin, est-ce que tu peux nous parler de Fesses de Babouin, Pancho? J'imagine le mec qui est en train d'écouter qui sait absolument pas de quoi on parle. Pancho, parle-nous de Fesses de Babouin. Non, je le connais très très peu. Tout ce que je sais. Ok, merci Pancho. C'est pas ce que tu m'avais dit. Non, mais je le connais très peu. Tout ce que je sais de lui, c'est. Bon, regarde là. Le bois de boubou, j'avais oublié, putain. Ce qui est intéressant avec Fesses de Babouin, c'est que il avait un double personnage en fait, puisque c'était d'un côté l'un des meilleurs amis de Gérard et de l'autre l'un de ses pires ennemis. Nicolas de Puteaux. Voilà. Et Fesses de Babouin en même temps. Oh, le mec. Non, c'est Manu. Donc. Attention. Tu pourras te retrouver avec un deuxième procès. Commissariat de police et le tribunal derrière. Attention. Hey, Manu, en plus, l'avocat, toi, moi. Oui, l'avocat, gros. Voilà, exactement. Fesses de Babouin, raconte-nous un peu son histoire, comment il a connu Gégé et comment ça s'est passé. Ouais. Sinon, je le fais à ta place. Je vais te dire, ouais. Vas-y. Ah, oui, je vais te dire, je vais te dire. Donc Nicolas de Puteaux a rencontré par hasard Gérard. Attends Pancho, j'ai l'impression que tu l'ouvres moins ta grande gueule. Il fait là, les doubles sons, c'est bon. Fait les doubles sons. On verra ça après la finale, bien sûr. Ouais. C'est ça. Et donc il a passé du temps, il a passé beaucoup de temps avec Gérard. Il a bu pas mal de coups. Arrête avec les doubles sons. Bon, non, bon, on oublie Fesses de Babouin. Les doubles sons, alors. On va parler des doubles sons. Manu, allez, Manu, toi, t'étais un spécialiste des doubles sons. Double son Phil. Phil beaucoup plus que moi et Olive. Eh ben, allez, on va écouter Phil Dard, alors. Ouais. Et puis, on en reparle après, puisque Phil Dard nous a parlé. Attends, deux secondes. Avant, un jingle. Radio Phil Dard. Donc, Phil Dard, les doubles sons, c'est bien sûr la 4, hein, noir, vous l'avez bien vu sur votre ordinateur. Radio Campus. C'est chiant, hein. Le double son, c'était une machine, en fait, une machine pour traiter les voix, dans lesquelles Max et Olivier Delapro avaient justement enregistré plusieurs effets, dont un qui décalait, lorsque tu parlais, ta voix d'une, deux ou trois secondes. C'est ce qui nous permettait de, lorsqu'il disait un truc, d'actionner bien évidemment un peu tard, et une seconde après, il s'entendait, quoi. Donc, à un moment donné, comme tout était répété, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ça ne s'arrêtait jamais, une phrase d'une minute pouvait être répétée, et ainsi, vice-versa, et ainsi de suite, et ça devenait une cacophonie pas possible, et c'était mortel. On revient. Mégane, donc t'écoutes pas RTL2 le matin? On a perdu 20 000 auditeurs quand même, mais je tiens à dire. Ah, parce que là, on disait hors antenne en fait que le pauvre Phil Dard, à force d'y travailler, il y a RTL2 l'a ruiné. Mais t'imagines quand il. Psychologiquement, il vient fermer. Non, mais puis c'est surtout à la maison, chérie. Est-ce que tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Il est 20h48. Et puis, on écoute l'Aziza, et après. Eh ben, je vais bien te bourrer. Ok. Alors Manu, les doubles sons, alors, t'es d'accord avec ton collègue? Tout à fait, mais bien sûr, comment je pourrais être pas d'accord avec Phil Dard? Bien sûr, je suis d'accord. Il sort des choses bizarres, Manu, là, sur la table. Non, c'est un paquet de clubs. Alors c'est pas ce que vous pensez. Donc les doubles sons, c'est venu quand ça, les doubles sons? C'était un des nombreux trucs pour l'énerver. Allez, ouais, rigole, voilà, vas-y, rigole. Plus, moi, c'est Olive qui avait mis en place ça. Ouais, à la base. Moi je me rappelle en avoir beaucoup fait parce que. On en a fait à la bouche, ouais. Ouais, à la bouche, quoi. Au bout d'un moment, on en faisait. Et je me à la souviens, bouche. On se relayait avec Rigo parce qu'une fois il me regardait, j'arrêtais et Rigo il continuait. C'était un grand jeu, c'est vrai que c'était marrant. Et non, ouais, c'est Phil Dard. Non, vous pouvez pas dire ça. Non, je peux pas cautionner, je suis désolé. Ah, tu cautionnes tellement que t'es bien loin. Ouais, il est bien passé celle-là. Fais gaffe, Rigo, je crois que tu t'endors. C'est Phil Dard. Le petit malin. Il y en a d'autres comme ça, ça viendra au fur et à mesure. Ouais, ouais. Je sais même plus où j'en étais du coup. Les doubles sons. Merci Fildar, tu vois. Les doubles sons. Bah les doubles sons, ouais, c'est venu, c'est vrai, on se relayait, c'était bien marrant. Et c'était bien relou pour lui, j'imagine, ça devait vraiment lui prendre la tête. Et sur ce qu'a dit Fildar justement, cet enfoiré, la boucle, ouais, moi je trouvais ça excellent quand il se mettait à gueuler et que d'un coup on réentendait son cri et qu'il regueulait et qu'on réentendait. Et que ça se mélangeait. Délai. Ah ouais, la boucle, quoi, ça, il devenait complètement cinglé, c'était excellent. On va enchaîner tout de suite avec les artistes préférés de Gérard, parce que Gérard avait une certaine culture. Oh là là. Ah ouais. Eh oui. Michel Sardou. Michel Sardou, Phil Barnet. Jean-Michel Jarre. T'as pas un petit Jean-Michel Jarre? Les Dasfuck. Les Dasfuck. Ouais. Et il en manque un quand même. David et Jonathan. Ouais. Il y en a un très important. Il y a Chihuahua aussi. T'as taillé? Non. T'as taillé? Non. À quelqu'un qui fait des chansons festives. Carlos. Non. Ah oui, Ricky Martin. Ricky Martin. Bonne réponse de Berserk. Hein. Ricky Martini, obligé avec Gégé. Oui, donc les techniques de débat, Anka avait raison. Parce qu'il y avait une technique. Parce qu'au début, on peut dire qu'au début, c'était quand même un gros bordel. Les premiers. Faux, nul. Non, c'est nul ce que tu dis à la France. C'est nul. Pourri. Non, les premiers débats, ça gueulait un peu. Je m'excuse. Ça gueulait un peu dans tous les sens. Et après, bon, il y avait quand même des techniques, des feintes pour rester un peu plus longtemps. Pour non, Tony. Des feintes pour rester plus longtemps. Ouais. Ça, Tony, des feintes pour rester plus longtemps. Si, il en a fait des fois. Il en a fait. À part boucher le nez, quand même. Un dos dans la bouche comme ça. Non, la pro, c'était Mégane quand même. Ouais. Mégane, je crois que c'est celle qui restait le plus longtemps en général dans les débats. Bah, c'était difficile étant la seule fille, si je me lâchais je me faisais jarter tout de suite, donc ça m'est arrivé quand il fallait faire tourner l'effectif de lui balancer une grosse saloperie pour que quelqu'un d'autre puisse passer, mais ouais, en général je restais. Mais c'était pas mal. Le jour où elle a commencé à parler de ses passions quand même, la sucette au caca, ça l'a quand même amadoué un petit peu, et c'est vrai que là Gérard l'a plus apprécié. Sucette à la viande. Et si on écoutait un peu de Mégane? Ah oui. Pas la chanson. Alors je vais lever les bras malheureusement. Non, t'es pas obligé, tu peux faire. Fais un clin d'œil, merde, putain. Mais oui, tu fais du zèle là, Je suis obligé de faire ça. La 24, c'est parti. Oh, les faux pros. Non, c'était pas la 24. Alors, Baby Crotte. L'entretien d'embauche, je pense qu'il faut d'abord que tu passes par des papiers administratifs, genre curriculum vitae, enfin tu vois, tout ce qui concerne ton identité, ton parcours, peut-être même ton casier judiciaire, on sait jamais. Non, il n'y a pas besoin de casier, je pense que Baby Boom et puis Baby Big... Non, il n'y en a pas besoin, non. Big Baby. Ils me l'ont demandé par contre. Ah bon, bah, ça dépend. Ah oui, t'as envie de ta gueule. Baby Crotte. Baby Crotte. Qu'est-ce qu'il a dit? Baby Crotte, il a dit. Baby Crotte, je vais te dire une chose. Sa gueule, elle t'emmerde et moi je t'emmerde. Alors au revoir. De lequel? Baby Crotte. Terminé, comme ça, elle ira plus bien. Eugénie, tu réponds correctement, sinon toi je te dis au revoir aussi tout de suite. Voilà, Baby Crotte, c'était un beau surnom ça. En général, c'est pas moi qui l'ai trouvé parce que j'avais pas vraiment d'inspiration, donc c'était souvent Manu et Fildar qui. Alors les surnoms, donc les surnoms, c'était que Manu et Fildar qui les trouvaient. Non, ah non, même pas. C'est nul ce que tu dis à la France. Mais c'est non, nul. Mais je parle de c'est moi. C'est pourri. C'est bien. T'as cassé le cul à trouver des noms. T'as fait deux tours de France, t'as fini deuxième, je te respecte. Mais c'est nul ce que tu dis à la France. Non, d'ailleurs, j'en ai piqué quelques fois à Goldo, ouais. Genre four micro-ondes, voilà, des trucs que tu m'avais... Plus, ah oui, elle est meilleure, hein. Tu m'as filé tes plus pourrites. Ouais, je crois que c'était ça, je te refilais, ce que je voulais pas utiliser, en fait. Oh, le salaud. Non, Manu, alors, les surnoms? Non, mais les surnoms, c'est un peu tout le monde, tu vois, c'est quand quelqu'un avait une idée ou quoi, comme on se parlait beaucoup hors antenne. Les villes et les fréquences aussi. Ouais. Moi, j'aimais bien travailler sur les fréquences. Les mais villes, ça dépendait du thème du débat aussi, quoi. Bien sûr. Le débat sur les JO, on a pris des sportifs. Ah, on avait des thématiques. Sportifs, on travaillait. Non, on l'a écouté tout à l'heure d'ailleurs, les JO. Tout à fait, mais tous les jours, celui sur les radios, moi, les pseudos et tout, ça m'avait fait délire. Victouz, oui, Samzel. Victouz pour Victor. C'était chaud. Et les villes, il y en avait des sympas aussi. Genre, la Garenne Pigeon, moi j'étais fan. Tony, ta préférée, c'était. Il y en a eu plusieurs. J'ai cru sur Yvette. Lâche la purée. En fait, sur on inventait des noms qui n'avaient pas rapport avec des vrais noms, en fait. Non. Il y avait Calinette sur Sodo aussi. Calinette sur Sodo. Ouais, c'était pas mal. Dans le Vercors. Et Tony, il est toujours dans le fion, hein, je veux dire. Il n'y a pas de soucis. Je suis dans le cul, moi, je suis à fond. Il est resté c'est dans une passion. Et quand toi c'est le vélo, moi c'est le cul. C'est un sacerdoce. Et quand Arnold était en travesti en dev superstar, c'était souvent joué sur Jean-Louis. Ah, je sais pas si. Jouer sur Jean-Louis, ouais. Un grand souvenir, ça aussi. De jouer sur Jean-Louis. Dev Super, oui, enfin Dev Superstar, moi j'avoue, c'était pas mon préféré, évidemment, mais. Ça tombe bien, il n'y a pas d'extrait. Voilà. non, c'était un personnage, il énervait très rapidement le putois, donc je. Parce qu'il y a un truc qui énervait Gérard aussi, c'était les gens un peu efféminés. Ah oui, les homos, ah oui, ça, les homos. Ouais, vas-y, espèce de tremblant. Même Olivier. Voilà, c'est ça, c'est ça. Qui a dit même Olivier? Personne, ah bon, j'ai même les asexués. C'est vrai, t'as on a encore du Mégane. Remets-le de Mégane. C'est la 25, la 25. Je me souviens plus trop de ce que je t'avais dit la semaine dernière. Donc, je vais dire comme mon copain Goldo, quand on n'en branle pas une, on n'a pas de débat à faire sur les 35 ans. Ah, d'accord, vous avez repris la même que la semaine dernière, bande de PD. Bravo! On peut rester dans les 35 heures avec l'extrait suivant, toujours Mégane, la journée type du chômeur. Comment se passe une journée de 35 heures et ça sera la conclusion juste derrière avant d'attaquer le débat sur les régimes. Et pour ça, on demande un pince à linge. Comment se passe une journée de 35 heures en fait? Eh ben déjà, tu te lèves le matin. Si possible, tu te laves. Mmh. Si t'es gras, tu te laves pas. après, tu déjeunes, puis après, tu vas travailler. Mmh. À midi, tu fais une pause, tu manges, tu vas faire un petit caca, tu fumes une clope, tu reprends à 2h, tu reprends à 18h, tu rentres chez toi, tu bois un coup, tu frappes ta femme. Pince à linge. Là, je vais te dire une chose que tu vas un peu loin là quand même. Hein. T'appelles sur une nana quand tu rentres à 18h, tu fais fort. Tu peux attendre 20h. Tu peux le faire avant. Tu peux attendre 20h. Pas mal, pas mal. Et les 35 heures, c'est quand même... Alors, il y a eu deux débats sur les 35 heures, il faut le rappeler, coup sur coup, deux semaines d'affilée. Parce que le premier, bah, disons que GG était dans une forme... comment dire? Est-ce que tu t'en souviens, Manu? Pas bien. Pas bien. Pas bien. C'est-à-dire? Bah écoute, je devais être pas bien, quoi. Il était à jeun, en fait. Voilà, ça veut dire, Manu, il était à jeun. Je souviens pas bien, quoi. Non. Donc, il était dans quel sens? Oui, dans quel sens? Plutôt celui-là. Vertical. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà, donc pas bien quoi. Non, pas bien quoi. Ouais. Et j'ai c'était clair dès le début, mais. Ah oui, mais sinon, c'était pour gagner du temps. Je peux développer, je peux si, dire pas si. Très bien. Ouais. Ça y est, ça y est. J'ai l'extrait. Ah. Un peu long, mais c'est sans doute pour moi l'un des meilleurs. Non, on va rester parce que pour moi et pour beaucoup, c'est l'un des. En gros, on est obligé d'écouter le truc. Voilà, exactement. C'est pour moi l'un des meilleurs extraits des débats. Le débat sur les 35 heures où il était complètement bourré. C'est la track 20 noire. Je lève plus. Non, surtout. 20, ça fait beaucoup. Tu peux faire ça comme ça. Là. Et ouais, c'est vrai. Voilà, 10 et 10, ça fait 20. Donc Gérard avait l'alcool un peu triste parfois, un peu l'alcool un peu méchant, et on s'en rend compte. Là, ça part d'une question IRC rigole, une question de Catel, et ça part très vite en sucette. On écoute. Gérard, sinon il y a Catel sur l'IRC qui te demande comment on va faire pour les décalages horaires par rapport aux autres pays, vu qu'ils n'auront pas les 30. On en a rien à foutre, Rigo, ta gueule. Oh. Bah attends, ta gueule toi-même, espèce de con. Donc je répète. Répète pas, lâche l'affaire. Oh les mecs. Oh hey. Toi tu fermes ta gueule, parce que là pour l'instant vous êtes deux PD en train de me faire des conneries. Tu kiffes mon chou? Oh c'est pas toi. Ouais. Bon Max il est où? Non mais il va arriver, vas-y. Vas-y, on rigole. Donc c'était pour non, savoir. Bon allez hop. Moi je parlais pas avec vous. Non mais on plaisante Gérard. Vas-y Gérard, Gégé, viens. Putain, la pauvre Catel, elle va pas avoir de réponse à sa question. Ouais. Comment on va faire? La pauvre Catel. Rappelez voilà, Gérard. C'est barré. C'est quoi Catel? Gérard, reviens. Mais on rigolait. Bon. Allez Gégé, viens. Bon. Rigo, repose ta question sérieux. Repose ta question sérieux. Allez, vas-y, Rigo. Elle va pleurer, en plus, à cause de toi, elle va pleurer, Catel. Vas-y, reviens, Gérard, merde. Vas-y, pose ta question. Ne me mets pas dans la merde, comme ça. Vas-y. Bah, les auditeurs, hein, Manu. Bon, les auditeurs. Ouais. Allez, Gérard. Putain, il t'appelle tous. Gérard. Vas-y, reviens. Je. Allez, Gérard. C'est pas ta star. Non, là, je veux pas dire lui. Lui, il fait des conneries. Lui, là-bas, c'est pareil. Ah, il est là, il a les chiens. Et puis l'autre, elle est pour rien. Pote. Rico. Pote. Pas comme ça. Laisse tomber. Arrête pas comme ça. Allez, Rico, repose ta question. Allez, vas-y, pose ta question. Non. On est à 7427. Putain, 7427. J'aimerais bien que tu te rassoies. Allez. Hop. Tu balances deux disques et. Oh bah non, c'est pas possible. Non, mais t'en mets un, moi je veux pas te savoir. Strike pas comme ça. Mais ok. On a embêté un peu Rigo. Non, mais on arrête. Je veux pas te savoir. Rigo. J'arrive pas à l'emmerder. Y'a que lui qui fait du bon boulot. Regarde, là ça sonne. Là ça sonne. Et là tu prends personne. Bah oui, mais j'attendais que Rigo pose sa question. Tu m'appelles Tony et tout ça. Non, il est pas là. Non, il est pas là. Non, tu l'as pas appelé en premier. Ah non, moi je suis arrivé, il était déjà là. Ouais. C'est vrai. Alors moi, il est hors de question que les habituels passent. C'est vrai. Mais elle savait pas, Pauline, c'est pas de sa faute. Non, je veux pas te savoir. C'était bien précisé hier. Et c'est un pot qui a fait une connerie. Mais tu te regardes le score, 7000, mais comment tu vas battre tout le record encore? Un disque. Si tu me fais 10 000 connectés, moi j'arrête la radio. C'est pour me battre le record. Moi, je m'en fous, moi. De manière, on verra dimanche combien qu'on prend. Alors pourquoi que gouvernement a voté les 35 heures et on se retrouve après? Alors, viens de mettre un disque. Non, je veux pas te savoir. Gérard, tu t'assois. Gérard. Par ta faute, à cause de toi, le débat, je vais pas faire les 10 questions. Mince. Que la troisième. Oui. Bah ouais. Il avance pas. Mais attends. Ils arrêtent pas, les connards, là. Là, ils sont même pas capables de me les gérer. Tu vas vous en être qu'à la troisième question. Mais ouais. Ça vous déconner ou quoi? Là, on fera pas le deuxième débat parce que moi, plus, je crois que j'ai une question qui attend de faire. Les auditeurs! Mais quoi, je le change à chaque fois que tu les vires! Non, tu te démerdes, tu me. Moi, j'attaque le deuxième, hop! Mais non, moi je fais les collections, c'est tout! Gérard! Non, c'est de la merde là! Là, tu me fais de la merde! Mais arrête! Tu me fais de la merde! Arrête de gueuler! Attends! Non, moi, allez-y! Non, vas-y. Non, mais on est en direct, là. Reviens, Gérard. Non, mais je m'en fous. Non, viens, allez. Mais attends, on a la troisième question, elle fait que de la merde. Ils sont pas capables de faire quelque chose. Non, mais ça fait trois quarts d'heure, vous avez fait deux questions en trois quarts. Mais non, ouais, il arrête pas de dire. On a pas posé des questions Internet. Il y a des petits sondages, en plus. Tu parles même pas des sondages. Bon, alors, pourquoi le gouvernement a voté les 35 heures? Mais ça, on a répondu, c'est bon. Non. Ah bon? Personne n'a répondu, c'est la question que je viens de poser. Bon, alors, mais les auditeurs. Allez, vas-y, on y va. Allez, on attaque. On va enchaîner avec cette chère question Internet. Non, moi. C'est un gros vent à moi. Toi, tu fermes ta gueule, ok? Ah oui. Tu fais le sondage, tu fermes ta gueule. Remix. GG, remix direct. C'est clair. Un truc de ouf. Cela, qu'est-ce que tu vas le prendre dans ta gueule hein? Enfin, un bon remix. Oh, ta gueule à toi. Gérard, on prend le débat. Bon alors maintenant, pourquoi que le gouvernement a voté les 35 heures? Du carton, 8000 pratiquement. Oh, 8000. Ah ouais. Pourquoi que le gouvernement a voté les 35 heures? Tu peux crier encore plus fort parce que j'ai pas entendu. Bah t'es enculé, salope! Ça c'est malin. Allez hop, tu dégages! Gérard, je vais te répondre. Alors, allez hop, au revoir pour celle-là! Allez hop! Putain, mais vous faites quoi la bande de PD là? Un fil d'air Manu! Un verre c'est bon, deux verres, bonjour les dégâts. Allez hop! Non. Mais il se passe rien en plus. Mais arrête! Arrête! Oh, il est en train de frapper. Tu m'as fait quoi toute la journée? Tu m'as cherché de la merde? T'as pris du fumier? Arrête! T'es fou quoi? T'as pris du fumier maintenant? Non. Arrête d'essayer là. Arrête, calme-toi ou quoi là? Et toi, tu m'as fait quoi? Moi j'ai rien fait, moi je travaille. Je travaille l'auditeur. Elle est où, là? Elle est où, ta supplémente? Elle est où? Elle est même pas là. Elle est malade. Elle est malade. Alors tu me reprends le débat, maintenant t'as décidé de t'énerver, voilà. Tu comprends ça calmement, sinon c'est moi qui arrête tout là. Grand souvenir Manu, là, tu te souviens de... Et Rigo aussi je crois. Bah ouais, on s'en souvient, ouais. Vraiment vénère ce jour-là. Ah, il était pas bien. En plus, il était arrivé en retard à cause de Fildar, je crois. Une histoire comme ça. Et donc, il avait pas mal teasé, apparemment. Il arrivait. De Fildar encore. En fait, là, il avait bu et il est arrivé méchant. Parce qu'il y a des fois où il arrivait, il avait bu, mais il voulait absolument paraître sobre. Et il essayait de blaguer, il était content. Bon, toujours avec son petit regard fuyant, bizarre. Mais il n'y a que toi qui regardais comme ça, je pense. Non, il y a plein de gens, même les invités, les trucs. Il avait un regard de furieux. Les filles surtout. Les filles, il la regardait rarement. Bah, vaut mieux, vu ce qu'il avait. Ouais, c'est vrai. Et donc j'ai levé la tête, forcément, on voyait bien son. On voyait son steak haché Charles. C'était pas évident pour lui. En parlant d'invités, ce soir-là, c'était terrible, hein. Vraiment, c'était terrible. En parlant d'invités, il y a eu un truc complètement dingue, un débat sur les sosies avec Jean-Luc Delarue et Florian Gazan, mais les vrais Jean-Luc Delarue et Florian Gazan qui venaient en disant nous sommes les sosies de Jean-Luc Delarue et Florian Gazan. Et ça devait être un truc de. Je sais pas si au final ils croyaient vraiment que c'était les sosies, je sais pas. Ah ouais. Ouais. Peut-être qu'il s'est laissé prendre au jeu comme il était dedans, voilà, il a montré. En même temps, il a montré aux gens. Je sais pas s'il a. Parce qu'il savait que. Enfin bref, je sais pas. Moi, j'étais douteux. C'est dingue, vous leur ressemblez vachement et tout. Ouais, mais je sais pas. Je suis sceptique, moi. Je pense pas qu'il était si bête que ça. Ouais, mais justement, on va en parler. Est-ce qu'il a capté des choses? Donc, d'après toi, oui. Il a capté des trucs au fur et à mesure. Vas-y, Manu. On avait changé, on était passé des francs à l'euro, notamment. Il a capté. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est clair. Vas-y. Non, par exemple, à la console, à la fin, il grillait quand on appuyait sur les boutons, il avait compris que ça devenait rouge et les tout. Micros ouverts aussi, les micros ouverts. Il grillait. Les micros ouverts. Et les habituels aussi. Et les habituels. Les effets. Parce qu'il savait même, il savait se servir du standard. Il pouvait prendre le standard et appuyer. Façon de parler. Prends ça à la pige. Comme m'a dit Fildar ce midi, là je vous passerai pas d'extrait, mais. On applaudit. Ok. C'est quoi ce travail? Il a dit qu'au final, après plusieurs années, GG était pas vraiment un animateur, mais qu'il avait appris quand même pas mal de choses. Il pouvait réaliser les grosses têtes. Sans problème. C'est ça qu'il a dit. Non, pas du tout. Parce qu'il avait les yeux déjà. Il avait des gros yeux déjà. Les yeux globuleux. Ben ouais, j'ai été l'interviewé. Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Question de Monsieur Bâtard qui était. Monsieur Cousin, il y avait Monsieur Bâtard aussi. Ça, tu l'as pas, les trucs drôles, tu les as pas en fait. Que du Fildar, voilà. Que du dépressif, voilà. Tu vois, où on s'est quand même bien marré, non, ça t'a pas ça. Voilà. Que du Fildar, voilà. Voilà, il t'a retourné le cerveau. Il t'a promis un vélo, un pédalier. Et toi, tu roules, toi, tu marches, tu pédales. Et toi, t'es là. Voilà. Et je suis pas en train super, de parler Fignon, seul, super ta radio. Tu peux répondre. Ah ouais, bien joué. Là donc il captait au fur et à mesure. Là, il s'en fout, hein, il a pas Il a pas de vous trouvez pas que Seb c'est un bon animateur? Ah ouais, quand même. Merci Fildar. La prochaine fois je viens pas, je me fais interviewer. Là. Tu sors avec Fildar ou quoi? C'est quoi l'histoire? Qui est le mec? Bon, il grillait ou quoi là, le GG alors? Il grillait certains trucs, ouais. Après, notamment les effets, c'est pour ça qu'après on faisait les sons à la bouche aussi, nous, dans le studio. Parce qu'après, il voyait tout, hein. Le moindre doigt de Fildar qui bougeait du bouton, il était debout. Ah ouais, c'était direct. C'est pour ça, après, nous, on a pris la relève avec les inserts, on les envoyait de chez nous. Exactement. Alors, comment vous étiez chez vous? Allez, on va parler aux habituels un petit peu. Mégane, est-ce qu'il y avait un rituel particulier pour les débats de GG? Ouais, on s'en cuillait la tête, mon pote, ce soir. Tu crois qu'on peut faire de la radio à jeun? Mais qui fait de la radio à jeun? Qui Arthur fait de la radio à jeun. Tu crois quoi? Mais tu vis dans ton monde, dans ton monde de cycliste. Mais non, tout le monde est drogué quand il fait de la radio, tout le monde, voilà. Tu crois quoi? Tu vas faire croire aux auditeurs qu'ils ont pris de la verveine? C'est faux, on a pris du tilleul. Voilà, je me faisais un petit tilleul avant le début, voilà. Et puis le téléphone pas loin des enceintes, et puis voilà quoi. En général, j'appelais l'un des trois avant, enfin on s'appelait, on en parlait, et puis voilà. Tu t'écrases la poufiasse. Alors lui, il est chaud. C'est à fond toi. Alors même pas de signal, rien du tout. Goldo. Goldo, toi, la préparation pareil, d'un débat petite, chez toi. Petite tisane, assis par terre, parce que c'est quand même là qu'on est le mieux. Tu as toujours ton gros pouf. Ah, il prend les ouais, chats. Ouais, avant. Je l'ai... ouais, non, ça c'était à la fin. Ça c'était après. Tu prends les chats. C'était avant nos debriefings après. Parce que nous on s'appelait en fait, on voilà, continuait le débat là. Alors. Nous on s'appelait Arnetto, il avait un truc de téléphone, téléphone conférence là, voilà. Donc on s'appelait, il avait toujours un des quatre qui était sur la touche. En général, c'était moi. En général, c'était Mégane là pour. On restait entre couilles. Et donc il y avait un débriefing des voilà, débats. Ouais, de, on ouais. disait tout ce qu'on n'avait pas pu dire à l'antenne en parce fait, que c'était on était trop trash. Quoi, beaucoup plus trash chez nous. Et c'était 10 fois pire. C'est vrai qu'on s'est géré, je pense à Arnold aussi, on s'est géré, on s'est pas trop lâché en fait. Ouais, on a essayé de se tenir. Selon les thèmes, on n'est pas allé trop dans l'excès. On a essayé de se retenir, même si des fois. Dit-il en souriant. Même si, non, même si des fois, dans les vannes, c'était un petit peu méchant envers Gérard. Alors, est-ce que vous avez été trop loin? Je crois que toi, t'as un regret. Ouais, moi, j'ai un regret parce ouais. que je l'ai insulté. Ouais. J'ai quand même bon fond. J'ai envie de chanter une chanson, je peux ou pas? Oui, vas-y, allez, c'est parti. Tony Micheli. Et ouais, non, mais il c'est le vrai. Fait même pas. Mais, c'est quoi, ça allez, mais je peux pas décrocher le micro là. Enchaîne avec une intervention de Fildar. Allez, du YouTube, toi. Balance les bras, là, mais du YouTube. Vas-y. Tony Pokora. Vas-y, Tony Pokora. Je sais même pas ce qu'il chante lui. Arnett, est-ce que t'as été trop loin toi, Arnett? Non, jamais. J'ai toujours été correct avec Gérard. Même pas sur Roselyne, je crois que t'aimais ouais, bien balancer sur Roselyne. On s'est tous lâchés une Pousseline de Lyon, j'ai débarqué. Bon voilà, j'ai est-ce que Roselyne suce encore son pouce ou des trucs comme ça quoi. Voilà. Ouais, mais voilà. Ouais. C'était jamais. Enfin, c'était dans pas de la méchanceté de... gratuite. C'était de la méchanceté. Il y avait toujours. Enfin, on essayait de faire un petit peu d'humour avec. C'était pas. Retourne à la date, espèce d'enculé. Ouais, ouais, ça c'est. Voilà. Ouais. Ça c'est le regret de Tony. Non, mais non, moi je suis pas d'accord avec ça. Chacun que c'était effectivement ouais. méchant, oui. Ouais, ouais, c'était méchant, c'était allez, cruel. Là, on va parler sérieusement, je crois. Non, c'est prévu. Sans pour être sérieux, mais c'est vrai que c'était une émission méchante, c'était cruel. C'était il en a pris plein sa gueule, il s'est vengé, il s'est défendu, faut pas oublier ça. Hein. C'était ouais, pas. Ouais, c'est clair. Je veux dire, il avait moyen de se défendre, il nous a quand même. Moi, ma mère, il l'a. Enfin. Ta mère, et je la connais, elle est très sympa. Oui, bon, bah voilà, donc il l'a quand même. Bon, puis en temps normal, en général, j'y vais, quoi. Si tu. Et là, non. Alors, il s'est défendu, moi je lis certains trucs sur certains sites de gens qui disent c'est dégueulasse, vous êtes foutu de sa gueule, machin, etc. Bon, oui, à la base, Gérard, c'est un pauvre mec qui aurait pu rester pauvre mec jusqu'à sa mort. Ouais. Tu vois, qui aurait pu rester dans son anonymat total, effectivement. Bon, Max l'en a sorti. Oui, on s'est emparé du phénomène et bon, il faut le dire, c'est un phénomène que nous avons créé quoi. C'est sans fausse prétention, c'est vrai. Si ça a atteint aussi ce niveau, on a réussi à le mener à ce niveau-là, c'est parce que tu vois, on sentait nous tous chacun individuellement chantait le truc et voilà quoi. Et maintenant, une intervention de Fildar. Allez, Fildar. Fildar. Justement, je vais vous dire un truc, moi. 10 ans de radio, ça se voit là. Ça se tout voit. À fait. Voilà, on était scotché, pas de double son ni rien. Le mec, j'ai senti que du respect. C'est vrai. Bon respect. Ouais. Fildar nous a parlé de ça aussi. C'est la track 14. C'est pas le mec qui fait les gestes. Et je dis le numéro en même temps. C'est la question que je me suis toujours posée, moi. Est-ce qu'on utilisait Gérard ou est-ce qu'il nous utilisait pour exister, quoi? Parce que Gérard, avant la radio, c'était quelqu'un, tu vois, de triste, qui venait d'un milieu, à mon avis, super modeste ou super pauvre. Il avait pas de parents. Enfin, voilà, c'était pas forcément la vie rêvée, quoi. Et le fait d'écouter une radio, en l'occurrence, Fun et Max, je sais pas, moi, ça lui a peut-être permis de découvrir plein de choses. Alors après, bien évidemment, oui, je pense qu'on l'a utilisé, tout comme il nous a utilisé. Voilà, ça c'est pas mal de rajouter ça, ouais. Enfin, ça sera retenu. Bon, enfin, il nous a utilisé moyennement quand même. Hein. Ouais, quand même. Faut ouais. pas déconner parce que. Non, mais sous attends, que les entrées à la loco. Ouais, déjà. Ouais. Les coups gratuits. Oui, c'est vrai qu'on n'y arrivait pas, on n'arrivait pas à entrer. Les t-shirts, loco. Alors voilà, ça New York. Les stylos. Ouais. Attends. Il y a un truc chez New York. New York, il a été à New York. Il avait 25 Death Machine quand même pour le savoir. Ce mec, il a fait 7 ans de radio et il a été à New York. C'est pas donné au premier clochard sorti du camion. Ça sent la transition. Et je peux vous dire, pour la petite histoire, Miguel, qui était animateur à cette époque à Fun, est parti avec eux à New York. Il m'a dit dans l'avion, ça a été du bonheur. C'était un gros caviar qui sentait le camembert. Il paraît qu'à un moment, les deux, ils se sont déchaussés. Et du délire! Sandy, oui, pardon, bien sûr. Les deux patins de Sandy, effectivement. Faut rappeler qu'il y avait donc une OP spéciale entre Fun et c'était Godzilla, le film. Godzilla, il y a. Et voilà. Il y avait des stars en plus. Il y avait De Niro, Al Pacino. Il y avait Bill Clinton. Bill Clinton. Et il y avait l'avant-première à New York. Avec Jean Reno, tout ça. Et il a été avec Sandy voir le film. Alors oui, parce que le film en avant-première là-bas, il est en VO, il n'y a pas de sous-titres et tout. Et comme Gérard savait pas lire, il a lâché au Madison Square Garden avec la grosse mystère. Oh là là là, ça a été énorme quoi. Ouais, normal, il la connaissait pas là-bas. Et il y a eu un débat sur New York d'ailleurs qui a mal fini aussi pour Fildar. On parle encore de Fildar, mais bon. On va passer l'extrait donc où Fildar coupe malheureusement Sandy. Ça, c'était mémorable. C'est vas-y. Radio Fildar. La track 30, la track 30 sur le CD1, mon bon noir. Pourri vos casques. Moi, je me disais que ça allait pas, mais le problème c'est que t'as pas posé la deuxième question et je voulais te poser une question. Est-ce que tu veux partir à New York avec? Gérard, mais t'es fou! Gérard, reste dans le studio, qu'est-ce qui se passe? Voilà, assez violent. Fallait mieux pas couper Sandy quand elle parlait. Une tranche. Ça en fait beaucoup. On aurait pu courir l'Afrique pendant des mois, ça, on y pense pas. On se rend pas compte. Faut dire que Sandy donc participait de temps en temps au débat et ça devait vous faire kiffer, ça, les habituels. Parce que vous l'enchaîniez à fond. Il y a eu des règlements de compte à l'antenne. Hors antenne aussi. Elle en prenait beaucoup hors antenne pendant les disques en fait. Et en fait, elle était trop conne pour pas s'apercevoir que c'était nous. Non, un jour on l'a allumée avec Arnette et elle est revenue à l'antenne en fait persuadée que c'était Apolline qui venait de l'insulter et Apolline s'en est mangée plein la tronche alors qu'en fait c'était moi. Faut dire que Sandy elle aimait pas trop Apolline parce qu'il faut rappeler qu'il y avait une rumeur qui courait entre Apolline et Gérard. Apolline est amoureuse de Gérard. Faut dire qu'Apolline est fétichiste du kiss quand même. On peut le dire, faut le dire ce soir quand même. Elle aime lécher les kystes. Non, c'est vrai. C'est Apolline, Apolline qui est au Japon en ce moment, c'est pour ça qu'elle pouvait pas venir. Je sais pas, Manu, t'as des news. Je crois que c'est ça, elle était à l'étranger. Elle lèche des kisses japonaises. Je crois. Qu'est-ce que tu foutais au Canada? Voilà. Moi j'en suis revenu. Mais tu pars pas comme ça. Non, je fais ce que je veux. Ouais, c'est vrai. D'abord, allez la suite. Si je vous dis, tu m'as trop cassé là. Ouais, c'est parti tout seul. Je sais pas pourquoi. Tu m'as trop mis à 10 ans de radio, un mois de débat et regarde comment bim, bim. Voilà. Si je vous dis Manu pète un plomb, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Manu pète un plomb. Alors Manu est super calme, il n'a jamais vu de péter un plomb. Manu c'est jamais énervé. C'est peut-être une fois il s'est rebiffé, il lui a dit il a dû lui dire un truc style qu'est-ce qu'il a pu dire? Il a dit, si je me rappelle, c'est pas cool man. Non, je me souviens, c'est genre arrête parce que là tu vas trop loin. Non, c'est un truc où je gueulais un truc mais je sais plus quoi et je le gueulais tout le temps. Voilà, ouais. Mais je sais plus ce que c'est quoi. Un truc comme t'as fumé tout mon spliff. Non, c'est pas ça, je crois pas, mais je me souviens plus de l'expression. On écoute tout de suite alors. Manu pète un peu. Un routier peut-il prendre quelqu'un en stop dans son camion? Pildar, s'il te plaît, tu arrêtes parce que c'est toi là? C'est pas les auditeurs! Chaud! Ouais, il manque de pause, il vient de te voir faire. Chaud! Là, il vient de se faire prendre. Il est seul, Manu. Bon, Rangis! Salut, c'est Jojo des Innocents. Bon, allez, bonne nuit. Mais non, mais Gérard. Je suis là. Manu est fatigué. Vous commencez à me casser les couilles tous les deux. Manu est fatigué, moi je fais rien. Moi. Vous commencez à me casser les couilles tous les deux, sérieusement. Ah bon, t'as vu? Il est temps que vous preniez les vacances parce que ça commence à bien faire. Je suis pas en vacances, moi. Toi, t'es encore là toute la semaine, ça va être beau encore. Chaud! On me demande si t'arrivais facilement à conduire avec ta rotule en acajou, Gérard. Bon, toi, tu tiens. C'est chiant, c'est terminé, conclusion. On peut répondre. C'est qu'il a... Non mais rapidement, on répond à la dernière question et on fait la conclusion et puis ensuite. Non, mais lui là-bas, Éteins ton micro ton s'il te plaît. Avec 10 000 francs pour mettre de l'essence dedans. Merci de les avoir coupés. Donc la question à routier. Gérard, c'est de moi. Un routier peut-il prendre quelqu'un en stop dans son camion? C'est non. La question est non, parce que c'est interdit. Ils sont pas assurés s'ils prennent quelqu'un en stop dans, dans leur camion. Et quand on les voit dans les films alors, on prend des gens... Non, mais ça c'est dans les films. Pourtant moi j'en vois dans leur camion au Bois de Boulogne qui prennent des gens dans leur... Et ta connerie toi. En stop. Tu fermes ton micro. C'est chaud. Le mec. Almanu. Donc le débat est terminé, c'est ça? Donc c'est terminé là. Donc... Chiant, c'est fini, c'est chiant. Oh là là là là. Comment il se la raconte? Et après, je voudrais parler au fournisseur de cam de Manu, ça va pas du tout. Ouais. Ça y est, c'était revenu. Ouais, ouais, mais je m'en souvenais pas. Ouais. Enfin, je m'en souvenais, mais je savais plus ce que je disais. Ouais, exact. Mais il était tard, hein. La fatigue, tu sais, tout ça, quoi. Mais c'était pas énervé. Gros boulot, quoi. T'étais pas énervé, là. Ah ouais, et puis les yeux qui piquent, tu sais, la lacrymo. Attends, c'était quand même. Ah ouais, c'était lacrymal. C'était quand même. Ah, on a oublié de parler de l'Adidas. On a oublié de parler des petits Kleenex. Les petits Kleenex, tu te souviens, Manu, tu t'as mis des Kleenex au menthol. Kleenex au menthol. Oui, exact. Ah, ça, il kiffait pas. Ah, ça, il kiffait pas non plus, ça. Une sorte de masque à gaz. Quoi pour petit sapin au caca. Exact. Ça et les encens après les encens. Et son parfum préféré c'est donc l'Adidas. Et le Harley Davidson. Ouais. Le brut de merde aussi. Oui, oui, oui. L'Antarctique. Le brut d'Antarctique. C'est du truc pour chiottes ça, non? Ouais. Non, tu as la classe quoi. Le Friskies. Un homme debout. Ah ouais, attends, on le voit tout de suite. Ouais. Et puis il y a des moments où c'est toute l'équipe qui pétait les plombs et qui se mettait à danser sur un air bien connu. Non, c'est presque ça. Là, je crois que ça sent la nouvelle pause tisane. Non, pas du tout. C'est la track 12, donc je sais pas pourquoi je fais des gestes. Ouais, mon frère. Dire, voilà, à la queue leu toute l'équipe. Non, mais attends, on va demander en même temps à Pipo. Elle est là, la grosse Sandy. Pipo. Oui, maintenant, t'as arrêté de tourner, toi. Ouais, Pipo, c'est moi qui t'envoie. Si je rentre dans le studio, tu vas voir. Hein. Je crois qu'elle est là, Sandy. Ouais, Pipo. Hey Pipo! Ouais, non, mais je suis là, hein! Hey Pipeuse! Mais aussi, si on lui fait parler ici, Alors? Tu réponds, Pipeuse! Alors, Poussin, ouais, tu fermes ta gueule! Mais j'ai rien dit, attends! Et Pinger, tu la fermes! Bon, Poussin, je peux répondre? Non, attends, non, pour l'instant. Pipo, on n'a pas parlé à toi! Ouais, pour l'instant, qu'on se fait répondre. Vous nous faites répondre, Pipo, s'il vous plaît! Hey, attends, c'est qui là? C'est qui là? C'est moi! C'est que Sandy, il y a un problème là. Allez Sandy, montre-nous tes fesses. Ça sert à rien de nous montrer ça, on a déjà vécu ça, la guerre, c'est pas bien de recommencer. Ouais, la vanne. Ouais, chaud, hein. chaud. On vient d'entendre Max qui était pas présent dans les studios physiquement, on va dire. Qui était auditeur au début, qui faisait notamment Caramel, si je me souviens bien. Mm-hmm. Exact. Oui. Avec Cyril, ouais. Ouais. Ouais, il y avait deux Caramel. Cyril l'alligator. Ouais. C'est pas vrai. Non, si, il y a double Caramel. Il y en avait deux. Ouais. Ah, il y avait deux. Double Caramel. Ouais. Faut aimer. Ah, l'alligator. Ouais. Bon, on parle tout de suite de l'alligator alors. Allez. Mais ouais. Bon alors, qui était l'alligator? C'est un pote de Phil Dard qui s'appelait Cyril. Et qu'est-ce qu'il faisait donc? Et il était plus ou moins dans l'équipe. Il était là et il. Des fois, non. C'est chaud, tu vois. J'enlève le Kosovar. Il avait un caméscope, il filmait le débat. C'est-à-dire que c'était plus qu'un caméscope. Il était non, c'est-à-dire que au moment où Fun Radio est devenu Arnold en reprend, même temps voilà, Fun TV, voilà. Mais journalisme hein, aussi. Mais oui, je sais bien. C'est un métier. Ciné live. Oui, tout à fait. Au moment où au moment où Fun a commencé à faire de la télé, une brillante idée de Benoît Sillard qui nous a un tout petit peu coulé. Enfin bon, bref. Non mais vas-y, balance. Mais non, mais c'est vrai. Radio Campus, personne n'écoute. Peu importe. Tu peux y aller. Surtout le mien. Voilà, surtout le mien. Un Manu, hein, écoute, hein. Enfin le nôtre. Ouais. Je m'étonne. Ça a commencé à être filmé, etc. Et il y a eu quand même un très très grand débat. Je crois que c'est sur la science-fiction ou un truc comme ça. Les extraterrestres. Les extraterrestres, pardon. Les soucoupes suspendues et donc Cyril l'alligator qui avait une petite caméra DV. Et qui se baladait et qui était un mec qui avait quand même de l'imagination. Moi, je me souviens d'un plan en fait où il arrivait par derrière Gérard, donc il avait sa main à lui en gros plan. Et pendant le GG, il était en train de faire son débat et il avançait. Donc tu voyais, tu sais, comme dans un film en suspense, de suspense, la main. Et d'un coup, il saisissait Gérard par l'épaule. T'as le putois, il faisait un bond. Oh mais putain, alors ça justement, et au-dessus de lui était accroché avec des ficelles, des petites assiettes en carton censées faire des soucoupes volantes. Il se cognait la tête dedans et là, il entrait dans une fureur. Il poursuivait l'alligator. Ouais. Ah mais putain, c'était ça c'était incroyable quoi. Le fameux t'arrêtes avec ta caméra. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est vrai que si Fun TV a été resté dans cet esprit-là, je veux dire bon, moi j'ai rien contre eux quoi. Mais... C'est j'ai connu les débats à cette époque-là, à l'époque où il y avait Fun TV qui commençait et donc ils filmaient. C'était vraiment le concept du studio filmé. Et Cyril faisait tout pour filmer les dérapages de Gérard, quoi. Ouais. Y compris les courses poursuites dans les couloirs. Et franchement, c'est vrai, ouais, en télé, ça donnait un truc complètement barré. C'était vraiment bien. C'était limite presque du Jackass avant l'heure, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'avais cet esprit de dinguerie, à un moment donné, tu pouvais plus contrôler le truc, quoi. Et c'était ça qui était génial. Moi, j'aurais adoré pouvoir découvrir Fun TV à ce moment-là. Là, tu te dis... Mais c'est pareil pour Gérard à la radio. Je veux dire, tout ce qu'il a fait pendant 7 ans, moi, je suis super content d'en avoir fait partie quelque part. Parce que tu te dis, il n'y a jamais eu ça avant. Ouais. Et c'est fini, il n'y aura plus, quoi. Je veux dire, c'est mort. Bah oui, forcément. Mais c'est pas seulement avec lui. C'est tout un esprit qui s'est barré puis qui ne reviendra plus parce que... C'était une sorte de radio-réalité, on peut dire. Avant le phénomène des téléréalités et tout, c'était prendre quelqu'un de la rue et lui mettre un micro, quoi. Oui, t'as raison là-dessus, mais c'était surtout pas le cloisonner, au contraire, quoi. C'était le dernier. Moi, je trouve que cette émission-là, sérieux, c'était le dernier vrai espace de liberté où il pouvait vraiment se passer n'importe quoi. Avec cette nuit, bien sûr. C'était dingue. Évidemment, non, mais là, on est là, on discute, il y a aucune censure, il y a pas de voilà. Bah, Gérard, c'était ça. C'était un peu le Truman Show aussi. Ouais, c'était un peu le Truman Show, un peu le dîner de con, un peu le Spoon, tout ça. Le Spoon Show, ouais, c'est pour ça que tu dis radio-réalité. Ouais, c'est vrai, c'est un mec qui était mis là. Bon, tout le monde était un peu autour de lui à l'utiliser d'une manière, quoi. Comme... Ouais, mais en même temps, sur l'utilisation, sur la manipulation qu'on nous reproche. Mais non, mais parce que là-dessus, j'ai beaucoup à dire. Sur la manipulation qu'on nous reproche d'avoir fait, etc. C'est vrai, on l'a manipulé. Oh merde, alors, mais à coup de pas. Vous nous emmerdez avec ça, putain. Sérieux, on s'est quand même bien marré. Et lui aussi s'est marré. Et lui, et voilà, et c'est tout. Je pense pas que sa vie était plus moche du fait qu'il ait participé à toute cette aventure. Je pense qu'il y a tiré quand même un maximum de choses. Et je pense que s'il aurait pas aimé, mais je crois que. Je pense que s'il l'aurait pas aimé, il l'aurait abandonné. Déjà d'une façon. Et puis surtout, si vraiment on avait été les pourritures qu'on nous reproche d'avoir été, je crois pas qu'on serait là ce soir à vraiment, tu vois. C'est un mec qu'on aimait vraiment. Ouais. Il avait des côtés super casse-couilles, super chiant. Il était attachant. C'était un gros con. Il était attachant. Quand même. Mais putain, sans déconner, on l'aimait. Moi, c'est un mec que j'aimais. Mais il était attachant. Il était attachant. Voilà. Mais il était tellement attachant que c'est pour ça que maintenant, les gens dont tu parles sur ces forums, ils le mettent sur un piédestal et ils ont tendance à pourrir Fun, Max et tout ça. Oui, parce mais je crois que... Putain, merde, faut arrêter pourrir Max. Attendez. C'est quand même Max qui l'a mis là, quoi. Sans Max, il n'y aurait pas eu de Gérard de Suresnes, il n'y aurait pas eu de débat, donc... Ouais, en même temps, ce qu'on voit, enfin, ce que les auditeurs voient peut-être pas, c'est comment, enfin, là, peut-être que Manu peut plus en parler, mais comment ça se gère en interne. Dans l'état où il est, je sais pas. Mais... Gérard, il fallait le gérer vis-à-vis de la direction, il fallait tout le temps justifier pourquoi Gérard était là, qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi on lui donnait l'antenne, machin, d'autant etc. Donc, il a eu un contrat. Voilà, il fallait gérer avec la direction et Max, enfin, je pense que c'était ce que Max, c'est ce qu'il saoulait le plus, quoi. C'était un extraterrestre, et je pense tout à l'heure, on parlait de New York, je pense qu'il y a pas mal de gens dans la radio qui n'ont pas aimé que ce soit lui qui parte à New York incendie, quoi. Donc, ils ont halluciné, quoi. C'est moi, franchement, ça m'a trop fait délirer. Je suis super content pour eux. Heureusement que c'était avant les attentats, parce que non, mais t'imagines la vengeance de la France, tu vois. Les Américains qui nous envoient toute leur culture, nous on répond avec un mec. La culture de Gérard. Et avec Bulldog Mystère. Avec sa femme. Les mecs, vous nous avez cherché. Voilà, c'est notre réponse. Non, mais bon. C'est ouais, bon, alors il y a eu tout, oui, d'accord, on est des salauds, on en a profité, il en a profité aussi, tout le monde en a profité. On s'est marré, putain, sans déconner. Ouais, enfin, en même temps, ça m'a rien apporté plus dans ma vie, si ce n'est de délirer tous les jeudis soirs avec des gens, quoi. Ma vie, elle était normale. Et de venir à Campus Paris. Oui, aussi, bien sûr, et te rencontrer. Ça c'est important. Ouais, ça a changé ma vie à partir d'aujourd'hui. Ça a changé la vie d'Arnold. Hein. Ouais, moi, je pense créer une amicale de la transpiration. Après en vélo. Ah non, pas seulement, non, moi je suis pour qu'on se refasse une émission en soirée transpi. Sérieux. Ouais, on fait un débat sur la transpi, tout ce que tu veux, les slips jaunes, tout. Ouais, il y a eu les slips jaunes. Les slips jaunes. C'était sur Fun TV d'ailleurs, il y avait des décos de slips, hein, effectivement. Puisqu'on est dans un registre un peu plus sérieux, et je suis content qu'on aborde ce sujet. Ça va pas durer longtemps. Ouais, non, mais il faut y passer. La grippe aviaire. C'est de la merde, Toi qui kiffes le poulet. Allez. Ouais, la grippe aviaire, non mais sans déconner, la grippe aviaire. Non mais oui, non mais bien sûr. Non, mais sérieusement, c'est une arnaque. C'est quoi? C'est une arnaque. Il y a eu aucun mort en France. C'est le contribuable qui paye. C'est qui? On est des vaches à lait. De toute façon, on n'en parle plus là. On en parle plus. C'est le gouvernement. On n'en parle plus. Bientôt, il y a la Coupe du Monde. On n'en parle pas non plus. Pareil. Voilà. Exactement. Tout l'argent qui claque dans l'espace. Pourquoi ne le mettent pas pour aider nos pauvres? Attention là. Mais on va revenir à la fin, donc un truc un peu moins drôle. L'éviction de Gérard, puisqu'il faut bien, il faut bien en parler à un moment donné. On rappelle que Gérard donc a été remercié par Fun. Bon, remercié. Ouais. Alors deux tickets resto, t'appelles ça merci toi. Tu peux dire congédié. Deux tickets resto, merci. Parce que donc. Et un Dance Machine 12. Ah comment? Ouais, je reste là-dessus. Et Dance Machine, il y a eu de la compil. Il y a eu tous les Dance Machines. Et un kit Loving Fun. Une capote. Les kits qui datent de 15 ans. Les kits Loving Fun. C'était dingue. Une capote et une bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? De la sodomie. Non. Cristaline. J'ai pas dit de marque. J'ai envie de câlin. Tu peux pas nous le sortir là, noir, ce petit j'ai envie de câlin? Oui, il va le chercher. Non, juste pour dire que donc en, je crois que c'était en octobre 2002, lors du débat sur le bizutage, à un moment donné, Manu, toi t'étais là en direct. J'ai envie de câlin. Ça me fait plaisir. GG qui pète un plomb et qui fait un salut nazi, quoi. Ouais, bon, on a pas. Ouais, ça reste assez débile. Ouais, alors, mais vas-y, est-ce que tu peux nous raconter vraiment ce qui s'est passé dans ton souvenir? Moi, je veux bien, s'il te plaît, je suis dans Hollywood. Ouais, vas-y, s'il te plaît, merci. Franchement, c'est flou. Moi, je sais pas trop, tu vois, c'est arrivé vraiment comme ça. On faisait pas forcément attention, tu vois. Peut-être on réglait des trucs entre nous, je sais plus trop ce qui se passait. En fait, il était de bonne humeur ce jour-là. Mais ouais, il était pas content, vénère, il était pas, tu vois, il y avait rien qui. Et je sais pas pourquoi c'est, tu vois, il a qui était là, qui était là lors de ce débat? Il y avait tout le monde, tous là. Ouais. Rigaud était pas là. Laurent, au standard. Tu sais quoi, je me souviens même plus. Ouais, je crois que c'était Laurent. C'est lui qui m'a dit, on arrête. C'était Laurent. C'était Laurent. Dédicace à Laurent qui connaît bien Radio Campus. Mais si on te fait chier Arnold, tu le dis hein. Arnold qui distribue des chewing-gums. Le paquet est pratique, tu peux bien les attraper. Moi je t'en veux. C'est des sans sucre. Vous arrêtez derrière de ronfler comme des putes. On vient de se faire traiter de pute. Voilà, donc d'un coup, ouais. Et derrière, la direction qui appelle, tout le monde qui appelle et qui te dit de couper, quoi. Ouais, voilà, ouais. En gros, c'est ça. On a mis un disque, on s'est demandé si on allait reprendre ou pas. Trois disques, bizarre cette histoire. Et après, donc, comment ça se passe après, GG, quand il rentre chez lui, vous l'avez raccompagné? Normal. Pour te dire la vérité, c'est que moi, je l'ai vu. C'est la dernière fois que je l'ai vu, en fait. Je l'ai pas revu. Ouais. Après, je sais pas du tout comment ça s'est. Comment ça s'est goupillé et voilà quoi. On est tous en train de mâcher. Ouais. Ouais. Merci Arnold. Merci Arnold, c'est cool. C'est pas discret. Quelqu'un a pas son Hollywood ? Moi, mais je suis un pro. Je préférerais des freelances. Donc voilà, ouais. Ok. Bon, okay. Mais merci. Bon, on sait bien que Gérard était pas du tout un facho, que le geste était fâcheux, mais que il était pas du tout facho. C'est venu complètement hors contexte, quoi. C'est venu comme ça, genre à la limite, il était en train de rigoler, de délirer. Ouais. Je crois qu'il gueulait. Je crois qu'il gueulait comme un porc. C'est étonnant, ça. Moi, je vais balancer un peu. Je crois que tout ce qu'il a trouvé à gueuler, je sais pas pourquoi. Mais qu'il en remette une couche. On a l'extrait. Non, on va pas le passer. C'est pas possible. En même temps, ça, c'est un truc que tu dis quand t'es gamin. On faisait ça dans la cour d'école en primaire, quoi. T'as 7 ans, tu dis à Hitler et tu sais même pas ce que ça veut dire. Ah bah nous, on le disait. Enfin, voilà, mais j'ai. Enfin, voilà, tu vois, Gérard, il avait 7 ans et je crois qu'il sait même pas ce que ça veut dire. Donc, il a sorti un truc comme ça, il aurait pu. De là que ça prenne des proportions immenses comme ça, qu'il soit évincé de l'émission, j'ai pas compris. Parce qu'il a pas fait l'apologie de l'antisémitisme, il a rien dit contre les juifs, tu vois. Ouais. Et il a juste dit Heil Hitler. Ouais, tu vois. Ouais, d'accord. Mais c'était dans le contexte où il criait. Il a pas parlé de la Shoah. Il n'empêche que si tu lis effectivement cette chose-là et sans. Bon, parce que là, nous, on est en train de le dire, effectivement, Megan, tu l'as dit, mais. On en parle, c'est dans un contexte bien précis. Là, il avait aucune raison de le balancer. Ouais. Il l'a balancé, bon, comme ça, un peu fort. Puis derrière, il a pas percuté, quoi. Effectivement, c'est une réaction d'enfant, c'est une réaction complètement infantile. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec Megan. Il y a certains gamins, bon, autour de cette table, on l'a pas fait, mais moi, je sais que quand j'étais au bahut, j'avais un pote dans la classe, sur son cahier, il dessinait des swastikas, bon, sans trop savoir ce que c'était. Ouais, je pense que c'était surtout, voilà, sans vraiment savoir ce qu'il racontait. Le mec a dû voir une swastika dans un film de guerre, et puis il commençait à dessiner, mais Gérard, le mec n'était pas nazi non plus, il a jamais été facho pour deux sous, évidemment. Il sait même pas ce que c'est la différence entre homo et hétéro. C'est déjà parce que c'est une éclipse, donc c'est des concepts un petit peu durs à saisir, à mon avis, pour lui. Le Brésil en Europe, c'est vrai que c'est fort, avec le Canada quand même. Mais Pancho est allé le voir, et il a une explication. C'est ce que je voulais passer le micro à Pancho. Retour de Pancho. On l'a applaudi. Ça, c'est moche. Comment t'appelles-tu, écris-toi. Alors, il est au Bogdan. Écoutez bien l'accent. Parce que je tiens à dire que c'est autour de cette table la dernière personne à avoir vu Gérard vivant. C'était il y a combien de temps avec Pip Schumann. Et donc comment ça s'est passé alors? Tu lui rapportais ses affaires, en fait, c'est ça? C'était à Montluçon, non? C'était à Montluçon. On a été le voir donc deux fois, nous. Après son départ de Fun. La première fois, c'est très très bien passé. On lui avait rapporté des CD, des cadeaux, des conneries. On l'a emmené bouffer au Buffalo Grill, machin. Pas de marque. Okay, le mec. Là, je suis de Hollywood. Ah, c'est bon, j'en ai un. Et donc voilà, très bien. C'est vrai que on a ce personnage avec un petit regard fuyant, qui a peur de tout, mais qui n'a pas peur en même temps. Je sais pas. Est-ce qu'il parlait de son éviction de Fun? Il vous en a parlé? Alors, allez. Allez. Bon je balance ce qu'il m'a dit. Ça laisse des traces. Spirituel. Bon, voilà. Qui c'est qui dit au barbon là? Oh, c'est bon. Ce qu'il nous a dit sur sa connerie, il nous a simplement dit que à ce moment-là. Voilà, on connaît les blancs là. Ouais. Mais c'est pas facile hein, le métier de Gérard quand même. Ouais. Non, mais bon, je peux gueuler hein, si tu veux. Vas-y. Et j'en suis où là? Parce que du coup, on est 11h du mat déjà. Si tu pouvais accélérer un petit peu, déjà qu'on a du mal à garder tout le monde là. Et donc il dit, on va prendre l'air et il parle tout seul sinon. Ouais, je me fais une monologue. Ok, merci. Vas-y. Okay. Bon, donc, bon, ouais, fais mettre sur Google, ça ira plus vite. Donc, t'as vu Gérard, il dit, il avait mal à la jambe. Voilà, ça, il dit qu'en gros, quelqu'un lui appuie sur la jambe. Qui donc, non, quelqu'un, ou alors il cogne son genou contre un bout de chaise ou un bout de. Et là, il dit aïe. Et là, il dit aïe, et puis il enchaîne avec Hitler, on sait pas pourquoi, parce que bon, faut quand même savoir, parce que personne, enfin, je sais pas si vous saisissez bien le moment exact. Tu dis, pas sûr, mais. Non, mais le moment exact, bon, c'est ce qu'a dit Gégé. De toute façon, c'est pas facile de comprendre ce qu'il a dit exactement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, il était en train de parler. Il était en train de parler fort, comme il sait le faire. Il hausse le ton. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, il y avait, je crois que c'était Pedro et Esteban qui étaient dans les studios à ce moment-là, qui commençaient à lui couper la parole. Et il y en avait d'autres aussi qui lui coupaient la parole. Et lui, bien sûr, on ne coupe pas la parole à Gérard. Donc il augmente, et puis au bout d'un moment, bah il sort sa connerie, parce que il faut qu'il gueule plus fort que les autres et faut qu'il choque les autres, quoi. Tout simplement. Ok, super. Non, mais d'accord. Et donc. Au revoir ! Allez, bonne nuit pour moi. Et la deuxième fois, c'est très mal passé, alors, apparemment. Non, pas très mal passé, mais à vrai dire, on a récupéré en fait des affaires qui étaient à Paris chez Woke, un membre du forum, qui avait récupéré ses affaires, et on a donc. Woke. Aïe aïe aïe. Ah, et de la thune qui va tomber chez Arnett aussi là. Woke, c'est un espèce de supporter marseillais qui. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est un. Je crois qu'il y en a qu'un seul de marseillais ici, mais bon. Ah, effectivement. C'est chaud. C'est chaud pour WAM. Bon, et donc GG très aigri avec sa nouvelle copine qui s'appelait Corinne. Ah oui, le monstre. Le nouveau pitbull mystère. Mais vraiment, c'est-à-dire avec les dents, les chicots, tout était, voilà, c'était comme, c'était, voilà. Enfin, peut-être une, je crois qu'il en restait une. Au fond. Non, mais en fait, c'était marrant, c'est quand elle fumait. Bon, là, ça va pas se voir parce qu'il n'y a pas Fun Campus, mais Campus TV, pardon. Et non, mais quand elle fumait, enfin, c'est la cigarette qui était presque à verticale, quoi. Enfin, c'était tellement, elle avait plus de dents, comme. Ah, faut y aller là déjà là. Donc ah là, ouais, ça faisait peur quand même. Pas pris de photo de ça. Si, bien sûr que si. Oh, bah voilà. Disponible sur MrCousin.net. Voilà. MrCousin.net. Pas de problème. C'est fini, Pancho ? Bon, on peut l'applaudir, je pense. Bon, allez, c'était une bonne intervention. Bon. On enchaîne. Au revoir ! Oh, c'est bon. Rigo, ouais. Est-ce que tu te souviens ? Bonsoir. Est-ce que tu te souviens quand. Oh, sûrement, alors là, sûrement. Franchement, allez, c'est spécialiste. Moi, je suis pas alors là. On peut dire que t'es toujours le DJ de Sankai, c'est fini Sankai ? Non, ou pas ? Ouais, c'est fini. Non, ouais, c'est fini. Voilà. Ouais. Fini, dommage. Ouais. Et ouais, non, ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Non, c'était vachement bien. Et. Ça, faut que t'arrêtes ça. Sinon, on va le faire, nous aussi. Ça lui fait plaisir. Moi, je. Ouais, donne-moi ça. C'est pas grave. C'est respectueux, quoi. Et ouais. Donc t'étais un peu le spécialiste du rap dans les débats de Gérard. Ouais, oh là là. Et tu te souviens quand GG parle Verlan ? Oh, c'est bon, c'est très bon. C'est la track 14, mon bon noir. Un langage bizarre, c'est pas évident de. Ouais. Ah mais bah, ah, on voit Corinne, en direct. Alors, c'est pas très radiophonique, mais. On voit Corinne sur le site de Mister Cousin. Il y a un air de Cousin. Mystère hein, quand même. Ouais. Un peu sorcière sur les bords. Oh et tout. Putain, ouais. Alors, on va poser une question, on va mettre un Scully. Ouais, tiens, là, Manu. Manu, tu m'envoies la pochette, là. Quoi, la Zikmu. La Zikmu. Yo. Comment tu parles, t'es un rappeur, toi. La Zikmu. Attention. C'est quoi la question, répète-la. Bah attends, pour l'instant, tu fermes ta teubi. Tu fermes ta teubi. Tu fermes ta gueule, t'as. Ça vaudra bien. Ta gueule, t'as. Encore un peu, je te passe pas de disque. Hein. Mais c'est trop bon, là. Oh, ferme ta gueule, t'as. Ta gueule, ferme-la. Bon, gros, bon, gros, là, tu me donnes l'affiche. Eh, hey, ce soir, 10 ans, là, tu as une teubi avec ta teubi? Ma 10 ans à me prendre une teubi, on va voir. 10 ans lico, là. Je sais pas si on va faire une teubi, de toute manière, je l'embrasse, ma. Ça se gros, la teubu? Ma 10 ans. 10 ans, je t'aime. 10 ans lico. La vilaine babysitter. 110 kilos, ça fait la gueule. La poule, là, qui. Eh oui, on reprend Noir. Ouais, là on voit des photos un peu tristes là du GG. sur le site. Là, c'est juste qu'il a une sale gueule, c'est pas triste. Bah, c'est qu'il était à la fin, là, il était à la fin là, il était un peu marqué là. Alors, pour pas faire de bruit, pour pas déranger. Moi aussi je fais quoi. Un peu de vérité. Ouais. Moi quand je pisse dans le lavabo chez moi, je vais pas couler l'eau, les voisins. Ah oui, Arnold, faut parler dans le micro par contre. Ah, pardon. Sinon, ça va pas être possible. Ah, c'est ça. Eh oui, c'est un peu le système. C'est pour ça que je fais plus de radio. C'est pour mais ça. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qu'on m'avait dit, il y a un truc que t'as pas compris. Et il y a seulement maintenant. Tu peux taper le chauve à côté. Il sera tapé le 29 avril. C'est faux. Ouais, on va les piétiner, Finale Coupe de France. PSGOM. PSGOM. Donc GG parlait Verlan et des fois il parlait mais on comprenait pas du tout ce qu'il disait. Mm-hmm. Et ouais. Et il y a un passage qui est assez dingue, c'est la track 10, mon bon noir. Ouais, je vous le dis maintenant, je vous l'annonce. Quand il veut annoncer qu'il va y avoir une réunion, si ça se passe pas comme il veut, voilà, et ça devient quelque chose de dingue. Voilà, bonsoir. Et on pousse. Bam ! Il me semble avoir que je sens, je sens, je sens qu'il va y avoir, je sens, tu sens pas bon, hein. Je sens qu'il va y avoir pas bon, et je sens qu'il va y avoir un gnogno. Et maintenant, un gnogno. Ok. Faut que tu calmes avec les wakas là. Il va manger nos émidires. Sinon, je vais te foutre un coup de trompe dans la tête. Il va y avoir un quoi? Un gnognon. Disque. 1h du matin, musique. Allez hop. On fait la réunion. On fait la réunion. On fait une réunion, Max, tu viens. C'est terminé, moi j'arrête. Allez hop, bonne nuit. C'est quand j'avais une bonne question. Tu l'avais dans ta gueule? Hein? Oh putain, arrête, putain. Ça va trop loin. Là maintenant, vous me cassez les couilles. Allô, oui, on est là, ça y est. Il se fait tard là, à quelle heure il est Radio Campus. Il est 3h du matin. Tu dis à 3h, moi perso, je vais aller pioncer là maintenant. Hein. Tu veux. Tu... Ouais. Oui, je vous l'avoue quand même, hein, très clairement. Moi je vais y aller aussi, ouais. Allez hop. On va se barrer. Hein, allez, on y va, Arnaud. Je crois que tout est fait. Je pense que la boucle est bouclée. Bon bah, conclusion. Au revoir. Conclusion, on est combien sur l'IRC? On est combien sur l'IRC? Plus. 6942. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être les dernières questions, IRC? Ouais, alors il y a Bersec qui dit question IRC, donc c'est passionnant. IRC. Et sinon, alors on veut parler de Lorette. Hein. Ah, Tony. Ah, Tony. Ah merde. Allez, Tony. Ah, ouais, c'est pour toi, mon pote. Lorette. On va vous laisser. Parle-nous des chiottes et tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Lorette? Tu l'as pécho? C'était qui Lorette? C'est qui, ouais. Alors Lorette, c'est une fille que j'ai rencontrée sur le tatou. Attention, le tatou, hein. C'est le tatou de GG. En fait, on avait un code pour rentrer dans le tatou à GG à l'époque. Ouais. Et j'ai rencontré Lorette à l'époque. En gros, t'allais piquer son réservoir de gonzesses. Ouais, c'est ça. Ah. Et tout le monde a cru que j'avais niqué Lorette dans les chiottes, soi-disant à Arnett. De Arnett. On dit les chiottes d'Arnett ou les chiottes à Arnett? Les chiottes d'Arnett. D'Arnett. Mais en fait, non. Qu'est-ce que. Oh là là, oh là là. On avait dit pas la famille, pas les vêtements, mec. Tu vas loin là. On va pas parler des mamans. Je suis déjà en procès, de toute façon. Alors. Donc Lorette. Ouais, voilà, pas un spécial. C'est un très intéressant. Une urbaine, ouais. Tu l'as pas pécho dans la 106? Non, c'était une autre. C'était une autre, la 106. Spirouli, obligé. Voilà, et voilà. Alors, Arnold. Ah oui, pourquoi Spirouli? Pourquoi tu appelais Filda monsieur Spirouli? Oui, parce que. Oui, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, pas les mamans, voilà quoi. Non, c'est venu en fait d'un truc. Parce que si tu le dis pas, Fildar le dit. Donc, tu choisis. Tu veux entendre Fildar? Je voudrais entendre d'abord Fildar pour une fois que je demande à l'entendre parce que je crois pas qu'on ait la même version, mais je voudrais d'abord entendre la sienne pour contredire directement derrière. On y est en bloc. Jingle. Radio Fildar. C'est la 21 dans l'interview de Fildar. Putain, c'est bien géré. Bah, parce que ma mère s'est remariée avec un homme dont le nom se termine en I. Mais il a jamais réussi à le dire. Alors que bon, c'est très facile, hein. C'est pas forcément un nom à consonance, je sais pas, polonaise ou croate. Mais voilà, donc comme il avait le souvenir juste de la terminaison en I, eh ben il m'appelait Spirouli, voilà. Et donc c'est resté Monsieur Spirouli. Donc je vais nier en alors, bloc. Ah bah, voilà. Alors, voilà. Évidemment. Hein. Alors c'est quoi alors Monsieur Spirouli? Alors. Oh je crois que ça vient. Non, mais il faut du temps là. Attention. Ouais, je pense que ça vient au fait, si tu veux. Moi, la version que j'ai en tête, c'est que effectivement, bon, je suis toujours beaucoup moqué de Fildar et notamment de ses origines. On peut rappeler que qu'il bossait pour toi pour à l'époque, avant de rejoindre l'équipe de Max. Et Clodo, qui parlait comme ça, machin, parce qu'il vient de Troyes, il s'en cache pas. Nigloland, voilà, tout ça. Cabal, Nigloland, tout ça, effectivement, ils ont cet accent-là. Et Spirouli, c'est venu parce que. On parlait de Sarum et je sais pas pourquoi j'avais fait une association entre sa mère et le Portugal. Et que il y a une chanson. Alors que le Portugal, c'est Tony. El Spiro, Spiro, Spiro, Liro, El Spiro, Spiro, Liro, là. C'est Tony, le Portugal. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Spiro, Liro, c'est venu, pour moi, c'est venu. Deuxième couplet. El Spiro, Spiro, Liro, El Spiro. Fais gaffe, j'ai dû réappliquer la rhum, hein. Oh, vous m'avez appelé. Je fais le ménage, alors je fais le ménage. Donc c'est, pour moi, c'est venu de là. Je crois qu'on va avoir quelqu'un au téléphone. Ah, du fil d'art. Non, personne. Il y a même un téléphone. Ah, faut attendre un peu. Mais on aura quelqu'un. Qu'on rentre en connexion avec lui déjà. On va rentrer en connexion. Demain. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on dit? Si tu veux qu'on revienne la nuit prochaine, hein. Non, bah, on fait. On fait la question pour Arnett, moi. Oui. Parce que tout le monde se pose la question à chaque fois. Question de monsieur. Oui. Ouais. Fred. Ok. C'est Ok Michel Lopez. Voilà, pourquoi? Oh là, ça c'est de la question pointue, ça. C'est de la question de 4h du matin. J'avais un pote qui s'appelait Michel et on lui faisait OK Michel Lopez. Et un autre qui s'appelait Lopez, Michel Lopez. OK Michel. Merci. Pointu quoi. Passionnant. Ah, du lourd. Et on a la personne en ligne bientôt. Noir, vous pouvez parler, Noir, allez-y. Oui, ça va venir, ça va venir. Voilà, ça y est, je l'ai. Ah j'ai voilà. Proche. Bon alors, c'est un mec du juridique de la radio, c'est ça? C'est ça, c'est le juridique. Ouais. Nico, vous m'entendez? Ouais, je vous entends Noir. Bah, c'est-à-dire qu'alors qu'il est là, y a plus de directeur juridique, hein, alors qu'il est là, Seb Noir, vous avez vraiment dépassé les bornes, hein. Là, on n'est plus dans le dérapage CSA, à la couille sur Fun, à la morade sur Énergie ou à la JC sur Skyrock. Là, on est dans l'infraction pénale, hein, donc l'association de malfaiteurs, tout est réuni, hein. Gérard, c'était une certaine image de la France. Vous vous êtes moqué de lui, donc là, bon, il y a caractérisé, hein, atteinte à la mémoire du patrimoine français. Alors, j'en passe sur les citations de marques, les publicités clandestines, la dépréciation de la marque de notre radio ami RTL2, les diffamations, calomnies, contrefaçons, hein, des programmes de Fun Radio, évidemment, apologie de propos homophobes, révisionnistes, antisémites, etc. Alors, on sent bien que dans le studio aussi, hein, vous enchaînez les tasses de thé, hein, les verveines, les tilleuls, tout ça, ça y va, il n'y a pas de problème. Donc, incitation à la consommation de théine, caféine, etc. Hein Un truc important aussi. Non. Si. Allez-y. Bon, je suis pas sûr. Non, c'est pas lui. Non, c'est un mec de la radio, c'est pas du tout. C'est de la radio d'ici. Oui, oui. Ah, bah monsieur. On peut pas, oui, mais alors oui, c'est pas drôle, on peut pas... J'ai déjà dit, c'était un bon ami de Benoît Sillard aussi. Un très bon ami. Voilà, de Benoît Sillard. Ouais, t'as mis un toi là, tu vas. Donc de Philippe de Villiers aussi. Les accords de Kyoto, hein, sur le gaz à effet de serre. Ah ouais, on dirait. Ouais. C'est qui? C'est Axel ou quoi? Axel Duroux. C'est Axel Duroux, voilà, Axel Duroux. Non, pas du tout. Vous rigolez ou quoi? Non, mais pas Axel Duroux, Axel l'imitateur qui a fait le faux GG notamment. C'est toi, Axel? Fais Gérard un peu? Pierre Fula, ouais. Fais Gérard un peu? Oh putain. Ta gueule! Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ouais. C'est le bide. Non, Nico, on va raccrocher, hein, parce que ça. Ouais. Ouais. Ouais. Voilà, en gros, c'était une fausse bonne idée, ça. Mais voilà. Tu vois, c'était nickel jusqu'à présent. Et c'est pas moi, c'est lui qui a voulu, c'est pas moi. Au revoir! Voilà. Merci. Allez, hop, on coupe. Allez, conclusion. Conclusion. On fait un tour de table. Arnold, conclusion. Non, allez. Hop là. La gueule. Allez, conclusion sur toute cette expérience, Gérard, tout ça, t'en as beaucoup parlé. Petite conclusion pour finir. Mais voilà, moi, non, mais ça tient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Faut qu'on parte, tout s'éteint là, c'est bon. Ah ouais. Lumière, tout. On ferme. Non, c'était, ça existait pas avant. Ouais. Ça existera plus jamais. Voilà. Exactement. Ouais. Moi, je suis très content d'en avoir fait partie. Je suis très content d'en avoir fait partie avec les gens autour de cette table surtout parce que c'était mine de rien, c'était quand même pas évident, chacun de son côté, avec son téléphone, chez lui ou machin, d'atteindre une certaine homogénéité. Et Gérard, si tu m'entends, c'est pas grossier, hein, c'est pas... Voilà. Mégane. Conclusion, c'est difficile de conclure. Mouillez pas. Je te ferai des cassettes, Armel. Ah, je reviens. C'est difficile de conclure sur 7 ans... Voilà, la soirée qui conclut bien, j'ai envie de dire. On s'est tous retrouvés sans fil d'art. Mais... et puis bah, je crois qu'on a vécu quelque chose d'assez particulier, d'exceptionnel, que voilà, c'est unique, on ne le revivra pas. Rigaud, bonsoir. Ça plombe un peu là. Ouais, non, mais moi je suis d'accord avec Arnold sur pas mal de choses qui ont été dites, sur le fait qu'on s'est bien marré, que lui a répondu à pas mal de gens qui lui ont lancé des pics. Et il en a quand même lancé quelques-unes, quelques chaises, quelques clés, quelques portables. Ouais. Donc bon. Et puis finalement, il s'est bien marré, je crois. Ouais, voilà. Il s'est bien marré, tout le monde s'est bien marré, je crois que c'est vrai, t'as raison sur un peu une hypocrisie des fois. Mais bon. Bande de salauds. Et juste pour conclure, tous les gens, moi, avec qui je chattais, parce que je chattais vraiment sur IRC pendant les débats avec plein de gens, avec Père Fouras, ouais, à qui que je salue, Turpentine, Davy One, Destroy, Snose, tous ceux que j'oublie. C'était un truc super sympa. Ouais, et aussi, que j'embrasse. Et Turpentine, donc si elle était là, elle aurait dit que ce débat avait ni queue ni tête comme lui. Voilà. Voilà. Goldo, bah pas grand chose à dire. C'est bien sympa de se remémorer de ces petites soirées transpi là pour se rappeler ouais, les souvenirs. Ouais, on était dans le bain. On était dans le bain. Là, franchement, l'esprit de Gérard est parmi nous là, je crois. Ouais, il y a de la buée sur les fenêtres, tout ça. Non, mais vaut mieux pas. Je t'ai dit l'Antarctique, non. Et puis non, bah voilà, pas grand chose. Hein, passé des bons moments, raconté pas mal de conneries. Je regrette pas grand chose de ce que j'ai pu dire, même si des fois comme. On l'a pu l'évoquer, on débordait un petit peu, mais enfin bon. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bah ouais, je sais pas trop quoi rajouter. Ouais, maintenant, d'accord avec Arnold aussi, que dans mon expérience de radio, c'était vraiment les meilleurs moments, parce que c'était là que vraiment on pouvait rigoler, on pouvait à peu près tout se permettre. Il y avait vraiment pas de censure, c'était vraiment charmé, quoi. Voilà. Bon, Arnette mais... Ouais, bah, je pense que tous ensemble, on a participé à la dernière émission la plus trash de la bande FM sur en national. Bon, tout est dit. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va raconter de plus? On s'en fout. De toute façon, c'est Radio Campus. Et Tony, pour finir. Je veux dire que j'ai partagé un bon moment ce soir et j'ai partagé un bon moment quand on était tous ensemble. L'ambiance que j'ai préférée le plus, c'est l'ambiance en fait entre nous tous. Ouais. Même si c'est vrai, il y avait du foutage envers GG, il y avait un petit peu du foutage de gueule. J'espère que là où il est, il nous en veut pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu des vannes un petit peu mauvaises. Et je veux juste pour conclure en fait lui dire paix à son âme. Et j'espère qu'il nous regarde de là-haut avec une bière ou du carré de vigne ou sur un brancard. Voilà. Voilà. Et puis il a conclu de Fildar alors aussi quand même parce qu'il a été un peu parmi nous. Donc c'est Radio Fildar. C'est la 22 noire. Si on peut l'écouter s'il vous plaît. Je suis fier de certaines choses, ouais, et d'autres moins, mais on peut pas être parfait, hein, c'est ce que me dit ma mère, mais ouais moi je suis fier d'avoir participé à ça parce que le but principal de ce genre de divertissement et bien évidemment de divertir, d'amuser et de faire rire les gens, et je pense que tout le monde a bien rigolé avec GG et sa bande, quoi. Et maintenant nous allons écouter Cock Robin sur RTL2. Voici The Promise You Made. Salut, c'est Fildar avec vous jusqu'à 6h. Non, on va finir. J'aimerais d'abord remercier tout le monde, vraiment, d'être venu, d'avoir répondu à l'appel. D'avoir transpiré avec moi. Même Fildar qui m'a reçu quand même ce midi. RTL avec la clim qu'ils ont. Il a vachement sué. Ouais. Un merci particulier à Arnold qui, quand même, un peu à la base de ça, parce que j'avais eu cette idée, je te l'ai proposé. C'est vrai. Et tu m'as encouragé à le faire. Voilà. Non, mais. Il est rentré du Canada exprès pour ça. Exprès du Canada pour ça. Il était avec ses copains. Exactement. Il est des Canadiens là-bas. T'explique pas qu'est-ce et à Manu, ouais. Manu qui chaud, moi, Manu qui a centralisé un peu tous les habituels et vraiment merci beaucoup. Ouais, Manu. C'est vrai que moi j'étais resté en contact avec Arnette, avec pas mal de monde. J'ai repris contact avec Goldo, Tony, je l'avais de temps en temps. Enfin, voilà, quoi. C'était vraiment cool de ta part. Et puis on va se quitter. Merci à Mister Cousin aussi, les gens de MisterCousin.net. On va se quitter avec un dernier remix. Enfin, il y a deux remixes, un peu triste sur Gérard parce que bon. Quand même, et puis un autre un peu plus. Ou si on pouvait se quitter en pleurant. Ouais, voilà. T'as raison, un autre pour. Si, on va le passer. Et, ouais. Et un autre un peu plus péchu pour finir la nuit. Merci d'avoir été à l'écoute sur Campus Paris. On se retrouve avec Noir lundi dans Suto, dans le micro-ondes. Et puis pour Brésil avec ceux qui marchent debout. Ouais, il va faire très très chaud. Et puis bah voilà, bonne fin de nuit sur Campus, à bientôt, ciao ciao. Ciao ciao. Au revoir. Okay, le mec. Et voilà, terminé. D'où je viens de la DAS. J'ai été routier 3 ans. Normalement, comme c'était le lendemain le jour des vacances, donc en 93, donc 5 janvier 93, je m'en souviens très bien, ça fait 6 ans maintenant. Donc t'avais pas le droit aux autoroutes et donc j'ai pris une départementale et là c'était pas sablé. Il y avait un peu de brouillard donc il a pas pu voir et donc il m'a percuté. Je suis resté quand même 6 mois, un peu plus de 6 mois sans pouvoir bouger. Impeccable. Ma fille que je ne vois plus à l'heure actuelle et que j'y fais des gros bisous. Donc, bon, elle, dès qu'elle voyait un camion, elle disait « c'est papa, c'est papa, c'est papa ». Et alors que j'étais déjà hospitalisé. Après, elle est partie. Là où j'étais, je pouvais pas avoir de bons souvenirs. Si tu veux, bon, tu sais très bien le problème, on en a discuté, on avait dit qu'on n'en parlerait pas trop à l'antenne. Et voilà, terminé. Vous trouverez son numéro de téléphone dans la boîte à gants. Mais ne prévenez pas mes parents car j'ai eu un accident. Moi, maintenant, vous allez vous taper. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer, sans alcool. Je vole. Vous êtes bien sur le contact Pokémon. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message. Je vous rappelle dès mon retour. Demain après-midi, je dormirai. Moi, maintenant, vous allez vous taper. Donc, les projets avec Sandy, bon, bien sûr, c'est d'avoir des enfants. Impeccable. Putain, mais vous savez, mais vous faites quoi, la bande de PD, là? C'est un semi-remorque, avant c'était un 38 tonnes qui m'a percuté. Donc c'est lui, en fin de compte, qui a pas vu que j'étais en warning. On m'a obligé, dans un sens oui et non, parce que j'avais des voisins, j'avais tout fermé, les volets et tout. J'avais marqué comme quoi que je ne voulais plus qu'on me dérange. Ils ont fait intervenir la police et les pompiers. On est un petit peu en retard, donc c'est un peu de ma faute parce que j'ai eu des petits problèmes, mais c'est pas grave. Mais c'est pas fini! Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, puis ben, moi je vous retrouve très bientôt. Et voilà, terminé. Oui, à tous les auditeurs de Radio Campus Paris, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de tous ces charlots. Et je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. Oh, hey, toi tu fermes ta gueule, parce que là pour l'instant vous êtes deux PD en train de me faire des conneries. Alors moi il est hors de question que les habitués passent. Toi tu fais de merde. Tu fais de merde. Tu fais de merde. Bon alors maintenant pourquoi que le gouvernement a voté les 35 heures? Oh ta gueule à toi! Pourquoi que le gouvernement a voté les 35 heures? Tu peux crier encore plus fort parce que j'ai pas entendu. Vas-y enculé salope! Tu fais de merde. Tu fais de merde. Tu fais de merde. Tu fais de merde. Un fil d'air Manu. Tu tu vas faire quoi toute la journée? Tu vas chercher de la merde? Plus jamais! Mais vous savez! Mais vous faites quoi la bande de PD là? Mais tu fais de la merde! Tu fais de la merde! Tu fais de la merde! Tu fais de la merde!